Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Que Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bienvenue dans notre deuxième épisode de juin qui commence à être, ça va devenir une tradition, notre épisode hors série où l'on parle un peu de l'actualité arthurienne et nous brisons cette chaîne de continuité chronologique que nous suivons habituellement pour parler un peu d'autre chose que de textes médiévaux, ce qui serait notre habitude. Et aussi pour vous apporter un peu l'épisode spécial de votre magazine. Avant l'été, vous avez les tests pour savoir quel chevalier de la table ronde vous êtes. Bon, ça va être un peu compliqué. Le faire maintenant, mais ce genre de contenu, disons peut-être à prendre sur les plages avec vous, un petit peu de proposition de divertissement, de choses à écouter, de livres à lire et à emporter avec vous dans vos bagages, qui sait, hein, si vous avez envie de prolonger l'expérience Rex Condam pour Rex Que Futurus à la plage, vous êtes libre de le faire, même si on vous conseille pas nécessairement de vous endormir sous le soleil brûlant avec nos paroles. Dans les oreilles, vous endormiriez et vous prendrez quelques coups, je pense. Effectivement, mais nous allons aujourd'hui quand même rester assez studieux, même si nous avons une certaine ambiance de vacances, comme le disent nos deux invités dans cet épisode, qui généralement évoluent à peu près dans les mêmes milieux, se connaissent et collaborent de temps en temps ensemble, qui abordent les liens entre l'histoire, la légende arthurienne, pas mal, mais également la culture populaire plus large, les comics, les jeux vidéo, le cinéma, etc., sur la légende arthurienne. Il s'agit de William Blanc et Justine Breton, William Blanc a sorti un livre sur le roi Arthur il y a maintenant 2 ans, Le roi Arthur, un mythe contemporain aux éditions Libertaria. On discutera un peu avec lui de cela. Et Justine Breton, qui évolue un peu dans le même registre de mettre en évidence les liens entre la légende arthurienne, surtout au cinéma, à l'écran, la fantasy et l'histoire, la pop culture en général. Elle nous parlera un peu du colloque qu'elle a administré avec Florian Besson sur la série Kaamelott d'Alexandre Astier en mars 2017 à la Sorbonne. Les actes du colloque ont été recueillis dans un volume paru aux éditions Vendémiaire, Kaamelott, un livre d'histoire. Et c'est de ceci dont on va parler parce que je tiens à dire aux gens qui sont un peu égarés sur internet tout de suite, l'épisode s'appellera probablement Kaamelott, un mythe contemporain, et on va pas parler de Kaamelott malheureusement, on va parler de gens qui parlent de Kaamelott, donc on est un niveau au-dessus. On va quand même mentionner un peu la série, on va quand même discuter un peu de certains éléments, mais restez avisés qu'il ne s'agit pas d'une discussion en profondeur de Kaamelott malgré sa longueur. Quand notre épisode sur Kaamelott sortira et qui fera 8h30, vous serez avertis en temps et en heure. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le manquer. On va aussi vous parler un peu d'actualité arthurienne plus générale. On va vous parler d'une production arthurienne qui a eu lieu à Genève, à laquelle nous avons pu assister. Alors malheureusement, on va passer peut-être une heure à vous parler de quelque chose que vous ne pourrez sans doute pas voir, mais vous pouvez... en particulier donc cette version-là, mais vous pouvez écouter le King Arthur de Purcell, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui était mis en scène donc au Grand Théâtre de Genève dans son Opéra des Nations, hein, qui est le Grand Théâtre n'est pas dans ses lieux actuels pour l'instant, et on va vous parler un peu de cette production qu'on a vue, de la musique de King Arthur en général, de cette histoire un peu particulière, hein, de ce semi-opéra qui est un peu à cheval entre le théâtre et la musique lyrique, disons. Pas si arthurien que ça, d'ailleurs. Qui n'est pas si arthurien que ça, mais qui est une œuvre intéressante et qui, je pense... est intéressant dans le contexte aussi de sa production du 17e siècle. On n'en parlera pas exactement en détail. On reviendra peut-être sur King Arthur quand on y arrivera peut-être plus chronologiquement. Ça pourrait être intéressant de s'intéresser une fois aux interprétations, disons, des temps modernes du roi Arthur, parce qu'on a tendance à avoir une grande parenthèse dans la mythologie arthurienne, dans la vision de la mythologie arthurienne, entre, disons, Thomas Malory, le 15e siècle, et la réémergence au 19e siècle avec Tennyson, et entre deux, un grand blanc. Là, en l'occurrence, il n'y a pas que du blanc. C'est quelque chose d'assez particulier. Je pense qu'il faut souligner, parce que vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais King Arthur de Purcell, c'est la musique de la saison 1 de Rex Condam, Rex Que Futurus, vient toute de King Arthur, qui est ce monstre un peu un semi-opéra, c'est-à-dire que la musique, il y a des passages chantés et des passages joués par des acteurs qui font avancer l'histoire, mais c'est pas eux qui chantent. Donc vous avez un chant, une petite scène où Arthur court dans la forêt en disant « Oh, les Saxons !» et puis après on revient à une chanson. Les chansons sont du coup très déconnectées et je pense que c'est ça qui doit être intéressant, c'est que si vous écoutez que la musique de notre émission, ça doit être assez difficile de se faire un portrait de l'histoire, mais on vous parlera de ce King Arthur. Donc dans l'ordre, on va commencer par une petite actualité arthurienne, des choses à venir ou qui sont récentes avant d'enchaîner sur King Arthur, puis l'interview de William Blanc et enfin l'interview avec Justine Breton. On espère que ça vous plaira. Et donc immédiatement, je crois que je l'ai déjà mentionné à l'antenne de cette émission, mais vous savez, on a déjà parlé un peu du Arthur historique, on en a parlé dans notre premier épisode, on a dit que ça ne nous intéressait pas. Des gens nous courent après, nous pourchassent dans nos refuges, dans les montagnes pour nous dire « Oui, prouvez qu'Arthur a existé ». On ne peut pas le faire pour vous, je suis désolé. On ne pense pas qu'il a existé, il a toutes les marques d'un personnage littéraire. Cependant, on trouvait régulièrement des bouquins par des gens à moitié compétents qui disaient « Je vais vous prouver que le roi Arthur existe avec différentes méthodes ». Ou en tout cas, je vais vous prouver qu'il y a une couche d'historicité, après voilà, ça dépend de votre fantaisie, et c'est jamais très rigoureux, jamais accepté, jamais très concluant. Mais là, heureusement, il y a des gens qui ont décidé que ce n'était pas assez d'avoir des mauvaises théories sur le roi Arthur historique, il faut qu'on ait des mauvaises théories sur le roi Arthur fictif. Et du coup, les journaux adorent ça, parce que chaque année, ils pouvaient nous ressortir, à chaque fois qu'on trouvait trois pierres empilées en cornouailles, on pouvait faire « Oh, on a retrouvé le roi Arthur !» On a retrouvé, prouvé l'existence du roi Arthur. Cette fois-ci, ils peuvent brandir ça du genre « Un historien prouve que le roi Arthur n'existe pas !» On vous a menti toutes ces années. Alors généralement, c'est les mêmes journaux qui vous ont menti toutes ces années, mais ils sont très contents de l'exhumer. Il s'agit de Miles Russell, qui est archéologue, qui a écrit un livre « Arthur and the Kings of Britain » en mars 2017, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais quelques mois plus tard, il a été repris par pas mal de journaux, pas mal de sites qui l'ont interviewé, ce genre de choses, où il pouvait parler du fait qu'il avait fait une découverte incroyable que Arthur était un personnage fictif, ce que tout le monde savait déjà. Mais lui, il va très fort. C'est-à-dire que, bon, déjà, il est archéologue, donc c'est un peu... Voilà, son livre, je pensais au départ que ce serait une analyse archéologique des âges sombres de la Grande-Bretagne, quelque chose comme ça, pour dire on n'a pas de preuves. En fait, non, c'est une analyse philologique, une analyse des textes de l'historien Regum britannier de Geoffrey de Monmouth, sur lequel portait notre troisième épisode. Lui, il a dit, je vais l'analyser et je vais vous montrer qu'Arthur, en fait, n'est pas... un personnage original et que tous les trucs de la vie d'Arthur tels que décrites par Geoffrey de Monmouth sont en fait repris d'autres personnages. Et donc il considère que l'histoire Regum Britanniae, c'est ce conglomérat de légendes, au fil du temps des légendes sur des personnages historiques ou semi-historiques qui se sont empilés, et Geoffrey de Monmouth a compilé tous ces mecs qui avaient un rapport avec l'histoire de la Bretagne de loin ou de près, et Arthur, il l'aurait constitué Arthur comme un super-héros celtique, c'est lui-même qui le dit, parce que bien sûr, voilà, il faut qu'il y ait une analogie pop culturesque, sinon... Bah justement, puisqu'on va beaucoup parler de pop culture, mais un super-héros arthurien. Mais ce que je trouve absolument génial, ce que je trouve, franchement, le geste du chef italien, la saveur épicée de cette théorie, c'est qu'il nous donne l'étiquette de composition du roi Arthur au pourcent près. Alors Ambrosius Aurelianus, qui était mentionné avant, vous pouvez réécouter notre premier épisode là-dessus, constituerait le roi Arthur à 16%, Arvirargus à 24%, Constantin l'empereur romain à 8%, Magnus Maximus, donc l'usurpateur en Bretagne, à 39% parce qu'il s'est battu contre Rome, et enfin Cassivellaunus qui s'était rebellé contre Rome aussi, à 12%, et enfin le seul truc original d'après lui que Geoffrey aurait inventé, c'est l'invasion de l'Islande et de la Norvège, qui constitue donc 1%, mais à 99% en fait, la biographie d'Arthur telle que Geoffrey nous la raconte serait purement un copier-coller de ces personnages-là. Pourquoi ? Bah parce que Arthur est un bon roi, Constantin est un bon roi, Magnus Maximus se bat contre Rome, Arthur se bat contre Rome, hein, voilà. Et du coup, donc, je trouve ça très intéressant parce que je pense pas que c'est faux comme... Disons, il y a probablement une bonne version de ce livre qui existe dans un univers parallèle qui serait, oui, Geoffrey de Monmouth parle des rois de Bretagne, c'est littéralement une histoire des rois de Bretagne, et donc on va pouvoir faire des parallèles entre différentes figures de rois et leurs actions et comment ils s'allient. Et typiquement, bah, le fait que Arthur envahisse la Gaule fait quoi des invasions précédentes de la Gaule par des chefs bretons, c'est quelque chose qui est explicitement mentionné. C'est quelque chose qui fait partie du texte, le fait que Arthur a des précédents pour agir comme il le fait. Donc, c'est pas complètement absurde. Mais le fait de dire au pourcent près ce qui constitue le personnage d'Arthur, je vais être honnête avec vous, dans un manque total de méthode et d'intégrité intellectuelle, j'ai pas lu le livre, j'ai pas acheté, je veux pas encourager ça. Je pense qu'il faut, si vous avez des amis archéologues, calmez-les, empêchez-les d'écrire des livres sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Faites-leur lire le bouquin de Guy Halsall, qui est un historien et archéologue de formation, disons, un professeur d'histoire à l'Université de York. Je ne dis pas ça pour la paroisse, j'ai fait mon Erasmus à York, mais je suis ami avec un de ses doctorants, mais autrement, rien de particulier de proximité avec Guy Halsall, qui a écrit un livre qui s'appelle Worlds of Arthur, où justement, il va s'intéresser plutôt lui disons, paysage archéologique autour d'Arthur, mais ouais. Enfin, en général, autour des textes arthuriens aussi, au fait que, justement, il n'y a pas de figure particulière qu'on pourrait rattacher à Arthur directement, enfin, de cette façon-là, ni même de façon pourcentage de cette façon. C'est peut-être l'ouvrage de référence sur le sujet, hein. Worlds of Arthur, auprès de l'Université d'Oxford, donc je vous le recommande, mais autrement, évitez peut-être la prose de ce monsieur. Ouais, on lui fait directement de la... De la pub, finalement. Ben, je pense, le gros problème, c'est que ce genre de... Je pense, on lui fait de la pub, parce que l'hypothèse de base que Arthur est une création littéraire, c'est vrai. Le fait d'aller mesurer le pourcentage qui a été piqué à Cassivellaunus, bon, est-ce que c'est vraiment constructif ? Peut-être ce serait intéressant de lire son livre, qui sait ? Parce que c'est pas parce qu'il est archéologue et que c'est pas du tout son domaine d'expertise et qu'il a probablement pas fait les recherches nécessaires pour dire quelque chose. Je sais pas, des accidents peuvent se produire. Mais je pense aussi que, en fait, c'est une version trop élaborée et alambiquée d'une théorie qui est déjà un peu déprimante, qui est que Arthur n'existe pas. Et genre, ce genre de... Faire ça, ça marche si vous dites, je vais vous prouver qu'Arthur existe et que vous faites un peu n'importe quoi, vous allez des gens qui veulent croire aux contes de fées et qui vont vous allez vous trouver. Si c'est pour leur dire que, de toute façon, c'est une création littéraire, bon, les gens vont pas forcément se taper les 250 pages, je pense. Malgré ça, je trouvais ça marrant, puis je voulais le mentionner, parce que c'était quand même un petit sursaut d'actualité, c'est surtout de l'année passée, mais c'est quand même intéressant. On peut maintenant passer un peu à l'actualité, ou plutôt au futur. Nous avons eu le roi une fois, maintenant voyons le roi à l'avenir. Les deux adaptations arthuriennes à venir. La suite de King Arthur Legend of the Sword, bien sûr. Oui, la franchise. L'univers partagé et planifié à l'époque. Notre podcast se passe dans la version du multivers où, en fait, Guy Ritchie a eu un succès commercial et il peut faire 7 films sur le roi Arthur comme il le prévoyait. Non, même pas. Il a même été engagé sur d'autres projets cinématographiques. C'est définitivement mort. Mais il y a deux films qui vont venir dans les prochaines années, un film et une série en fait. En 2019 sortira The Kid Who Would Be King, l'enfant qui serait roi, dirigé par Joe Cornish. C'est une adaptation en fait de ce que je comprends. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques photos du tournage et le synopsis du film qui sont sortis, le cast abrégé. Basiquement, un écolier trouve Excalibur, l'épée légendaire d'Arthur, et il se retrouve entraîné dans une espèce de guerre magique contre Morgan, soutenu par Merlin avec ses amis. Donc c'est un écolier de l'époque contemporaine. Soit il y a un ami qui est assez pratique qui s'appelle Lance, puis un ami qui s'appelle Kay, une fille dans sa chez ses potes qui s'appelle Kay, et puis il y a un gars qui s'appelle Boza ou Borz, un côté un peu la réincarnation arthurienne. C'était quoi, comment ça s'appelle, Camelot High, cette série, cette espèce de film Disney Channel où Avalon High, voilà, Avalon High, où c'était une jeune fille qui était en fait qui découvrait qu'elle était la réincarnation d'Arthur, et puis qu'elle avait son pote Lance, qui était le chef du football américain, qui est Lancelot, et puis elle était pote avec Guenièvre aussi. Il y a ce côté, c'est une possibilité, je sais pas. Dans un lycée américain, là, c'était pour le coup. Bah là, ce sera apparemment, c'est situé en Angleterre, logiquement. Oui, et forcément. Je crois qu'il y aura un côté un peu. Il y a peut-être un côté réincarnation, machin, je crois pas. En tout cas, c'est pas annoncé. Mais Joe Cornish, c'est un bon réalisateur. Hein. Il a fait Attack the Block. Bon, il a un grand succès à son actif. Disons pas un grand succès commercial, mais un succès critique en tout cas. Attack the Block, c'était cette histoire d'alien qui envahissait une banlieue londonienne et une bande de jeunes menée par un jeune homme joué par l'acteur qui est maintenant par John Boyega, qui est Finn dans Star Wars, qui repousse l'invasion alien. Je trouve que Joe Cornish a pas une trop mauvaise façon de tourner autour de jeunes, de comme ça, donc d'avoir des écoliers, ça pourrait convenir à son style. Ça pourrait fonctionner. Je pense que, je branche mes pouvoirs médiumniques. Première scène, il est avec son sac à dos trop grand pour lui, et puis il y a des bullies qui viennent le pousser et qui font fais mes devoirs, donne-moi ton goûter, et puis il trouve Excalibur, puis maintenant il veut leur montrer. Puis... Non, je persifle un peu. Tu mauvaise langue. Je pense qu'il va être beaucoup plus kitsch que prévu, ce qui peut être que bien. On aura Patrick Stewart dans le rôle de Merlin, ce qui n'est pas son premier rôle arthurien. Il avait déjà joué, même si on l'oublie systématiquement, il avait joué Léodagan. Il jouait Léodagan dans Excalibur. Et chaque fois que je regarde Excalibur, j'oublie systématiquement qu'il est dedans. Et à chaque fois que je le regarde, je suis là. Ah mais oui, il joue Léodagan, puis il est là avec Guenièvre, et puis là sa tête de Patrick Stewart, et puis il est absolument sous-exploité, hein, il fait rien dans ce film. Là, il va jouer le rôle de Merlin, avec le poids des années qui le pousse logiquement à ce genre de rôle, qui s'oppose apparemment à Morgan, qui sera une méchante sorcière. Je pense pas qu'il faut attendre quelque chose de trop innovant de ce film, mais on peut être surpris, et puis ça peut être un film d'action fun sur ce thème-là. Toujours dans la rubrique du fun léger. Alors, Franck... Ok, alors celle-ci est parfaite. C'est une série commandée par Netflix, par un duo... Je les connais pas. Je connais pas l'arrière-plan, s'ils sont amis ou quoi, ou s'ils se connaissent sur un autre plan. Mais un duo quand même un peu improbable entre Frank Miller et Tom Wheeler. Ce qui rime, mais Tom Wheeler qui a fait, en fait... The Cape. Qui était la série dont Abed était fan dans Community. Vous savez, Six Seasons of the Movie, il pensait que c'était le temps qu'allait durer The Cape, cette série de super-héros qui était sur NBC. Voilà, qui n'avait pas duré très longtemps. Ouais. Il a aussi écrit le film du chaboté Puss in Boots, qui était un spin-off de Shrek, que littéralement personne n'avait demandé. Je pense que c'était une des plus grandes victimes de ce truc, où les gens se sont dit « Ah, il y a le personnage, le sidekick marrant du film, on va lui donner son propre film. » Il a bossé là-dessus. Il bosse aussi sur, le Dora l'exploratrice live-action, qui est déjà un mème. Il devait bosser aussi sur Bureau of Otherworldly Operations, qui était un genre de film DreamWorks animé avec des fantômes qui se luttaient contre le mal. Il a écrit le scénario du film Ninjago, Lego Ninjago. Il a fait pas mal de trucs. Il semble être sur un truc assez... Bon, il n'a pas produit grand-chose depuis The Cape, mais en tout cas, il a l'air d'être assez orienté... fun, jeunesse, ouais, humour. Tâcheron. Il a bossé un peu sur le... Trollhunters de Del Toro, qui est maintenant une série Netflix. C'est assez, je dirais, il y a quand même quelque chose d'assez burlesque et humoristique dans tout ça, et fun. Et de l'autre côté, il y a Frank Miller, l'âme damnée des comics américains, qui a basiquement décidé depuis un certain moment de... J'ai pas envie d'apprendre... En fait, j'ai toujours de la peine de me moquer de lui, parce qu'en fait, la dégradation de son style de dessin, je me sentirais quand même très mal si j'apprends qu'en fait, il a un véritable problème de santé qui fait que son style de dessin se dégrade pour des facteurs indépendants de sa volonté. Mais je pense son style de dessin est devenu une caricature de lui-même progressivement, au point que maintenant c'est une espèce de d'art brut étrange. Ses dessins de Superman sont incroyables, genre je sais pas ce qu'il en fait. Il a eu un passage où il a essayé de devenir basiquement une espèce d'idéologue raciste professionnel, enfin il a versé de plus en plus, je veux dire, ok, on a tous lu Sin City, vous auriez pu, je sais pas, on aurait pu, les indices étaient là. Il a été connu pour 300, qui était une espèce de version jacked up de la bataille des Thermopyles, encore plus fasciste que le proto-fascisme des Spartiates. C'est pas grave, mais ça avait quand même des qualités artistiques. Il a fait Sin City, pareil, extrêmement violent. Il y en a généralement un dont tout le monde se rappelle bien, c'est That Yellow Bastard. Les autres étaient beaucoup moins intéressants, on va dire. Mais il était connu pour cette violence-là. Ces dernières années, son point le plus bas, sa déchéance totale, c'était Holy Terror, qui, à la base... Devait être à la base un truc fun avec Batman, tu sais, Holy Terror Batman. Si Holy Terror Batman aurait pu être un truc incroyable. C'est-à-dire, je pense que Holy Terror Batman aurait été tellement drôle que les gens auraient... Aurait eu une distance et il se serait pas encore rendu compte que Frank Miller croyait tout ce qu'il écrivait, en fait. Là, par contre, c'est une histoire sur un super-héros complètement générique. Genre, on lui a dit, tu peux pas utiliser Batman. Elle lui a dit, ok, alors je vais le remplacer par un super-héros, mais ça le saoulait de faire quoi que ce soit comme remplacement. Il a juste effacé les petites oreilles. Il a effacé les oreilles de Batman, il a dit, il s'appelle The Punisher, ou je sais plus quoi, il a un nom de merde, c'est pas le Punisher, mais il a un nom qui a aucune invention. C'est basiquement un mec qui découvre un plan par des musulmans pour faire une bombe atomique sur leur mosquée et détruire tout le monde. Il a le truc qu'il faisait dans Dark Knight Strikes Again, où il fait des dessins de politiciens, puis t'as des cases où ça enchaîne des visages de politiciens, puis t'as là, ouh, c'est profond, il parle de politique, mais en fait, il a juste fait des cases où il y a des portraits de politiciens. Et basiquement, il a fait ça, et récemment, il a fait une interview où il disait justement qu'il était même plus aussi raciste qu'il l'était à ce moment-là. Et en fait, c'est pas vraiment des excuses, je tiens à dire. J'ai un peu parcouru l'interview. Il dit basiquement qu'il n'arrive même pas aujourd'hui à ressentir la haine qu'il a mis en scène à ce moment-là avec la même violence. Il n'arrive même plus à se mettre dans les bottes du type qu'il était quand il a écrit ce truc qui est en fait un brûlot assez horrible. Je pense en fait c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui apprécie Holy Terror sur quelques plans que ce soit, en fait. Et il faut dire que si même le mec qui l'a fait commence à se dire ouais, ok, c'était peut-être un peu fort, c'était pas vraiment des excuses, mais voilà, il s'est un peu calmé et il revient avec un projet de roman Young Adult illustré avec Tom Wheeler. Donc Tom Wheeler rédige le roman et Frank Miller l'illustre seulement. Je pense qu'ils veulent pas prendre trop de risques en ayant Frank Miller qui l'écrit. Je pense que c'est une tentative de revenir un peu, je pense, dans le mainstream aussi pour lui, où il va pas tenter quelque chose. Je pense, voilà, c'est ça que je veux dire. Cette série, je pense pas que ça va être une espèce de grand pamphlet raciste. Il peut toujours nous surprendre, mais je pense pas que c'est là qu'on va le voir ressurgir. Et je pense que c'est justement une tentative de revenir à des trucs un peu plus calmes. C'est donc un roman Young Adult qui s'appelle, et le titre est parfait, Cursed. Très cursed. C'est très cursed, très cursé. Très cursé pour prendre cette espèce de... Néologisme français. C'est un espèce d'anglo-normand par l'autre bout, ou en francis des cursés. C'est un néo-anglo-normand qui va être adapté en une série de 10 épisodes par Netflix, qui est en fait l'histoire... Cursed renvoie en fait à la Dame du Lac, Nimue, qui, à la suite de sa mère, doit assumer cet office qui semble être à la fois une malédiction et... une bénédiction à pouvoir, qui rencontre le jeune Arthur et décide de l'aider dans sa rébellion contre les paladins rouges, les Red Paladins de Uther, qui sera un méchant. Donc, la dame du, une jeune dame du lac contre Uther. C'est un peu ce qu'il a fait avec les suites du Dark Knight, où il s'est dit « on m'a dit que j'étais un peu un facho, donc je vais mettre une héroïne jeune qui va avoir le rôle de remplir le rôle de la jeune génération. Et ouais, j'ai fait un Robin meuf. Qu'est-ce que vous dites de ça, les sous-cheveux hein ?» Vous avez, je crois qu'il essaie de faire un peu la même chose, ce qui est C'est plus Tom Wheeler qui est derrière l'histoire que Miller. Ah, c'est un truc que Miller fait quand même pas mal. Quand tu regardes les suites de son Dark Knight, son Dark Knight 2 et 3, où Robin est une femme. Oui, mais elle devient pas genre un genre de pseudo Catwoman après. Oui, mais après c'est Robin. Et puis après, dans le 3, qui s'appelle Dark Knight 3, The Master Race, pour pas vraiment. je sais que ce. Ok, Master Race est censé renvoyer aux Kryptoniens, parce que c'est des Kryptoniens qui s'échappent et qui commencent à buter. Enfin voilà. Il y a les Kryptoniens de Kandor, il y a un culte de Kandor qui s'échappe. Bref. Mais voilà, Dark Knight 3, The Master Race, parce que voilà. Voilà. Frank Miller était encore dans sa période où il essayait d'être vraiment edgy, je pense que c'est un peu calmé. Donc ça va être une série de 10 épisodes qui se centre apparemment sur le personnage de la Dame du Lac quand elle aide Arthur. J'imagine qu'on va apprendre qu'Arthur est le fils d'Uther dans un petit moment à la Darth Vader. Et pour l'instant, on a vraiment très peu de détails, donc on regardera ça avec attention. Je pense que j'essaierai quand même de lire le roman, parce que justement, si c'est Wheeler qui est à la barre, c'est difficile de voir qu'est-ce que ce serait. Ça peut être mauvais. Ça peut être très mauvais. C'est difficile de voir quel serait le compromis entre Frank Miller et Tom Wheeler. Pour l'instant, je suis quand même assez partagé sur. Qu'est-ce que serait le middle ground entre Sin City et Puss in Boots, ou entre Ninjago et puis 300? C'est exactement la même chose que Sin City, mais tu remplaces tous les mots, tous les phoques, tous les gros mots par des genre fudge. Et puis... Juste. Non. Dang, gosh dang it. À part ça, j'ai été surpris par Pierre en fait. I'm the gosh dang Batman, dude. C'est juste un personnage là, Ned Flanders qui joue Uther Pendragon. C'est ça. J'ai été surpris par Pierre, et puis franchement, je pense que suivant la capacité de qui collabore quoi et combien il y a aussi de petites mains derrière qui vont pouvoir rediriger ça, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, beaucoup d'optimistes chez Lice aujourd'hui, hein, je trouve. Je suis très, très optimiste. Franchement, quand j'avais vu Guy Ritchie, c'était un peu pareil. J'étais là, oh, Guy Ritchie pour faire le roi Arthur. Non, c'est vrai que sur le papier, moi, j'étais vendu hein, sur King Arthur. Tu m'as montré les trailers, j'étais ouais, ça a l'air chouette. Ça a l'air fun. Moi, j'étais pas très optimiste. Là, au contraire, je suis un peu optimiste. Pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. Et en fait, il reste à voir si, bon, déjà, si Frank Miller va survivre jusque-là, parce que je sais pas, il est vraiment pas en forme. Et aussi, qu'est-ce qu'il va. Parce que ses illustrations. Ouais, je sais pas si vous avez vu ces dernières illustrations, mais c'est quand même assez particulier, quoi. Et même ce qui faisait la plus grande force des illustrations dans Sin City, ou même dans 300, qui a toujours été colorié de façon un peu... voilà. Dans Dark Knight 3, ils ont collaboré avec d'autres gens, en fait, donc c'est pas lui qui dessine vraiment. Je crois qu'il fait juste des petites tie-in ou des couvertures ou des trucs. Ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à bien copier son style, mais lui-même arrive même plus vraiment à faire son style. Et donc, c'est vrai que c'est... Je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner, quoi. C'est à voir, ça reste dans notre liste d'attente, dans notre petite liste de Père Noël, une bonne série Netflix sur le roi Arthur, peut-être pour sauvegarder cette fin. Non, mais sur le pitch, ça m'a l'air très similaire à Merlin, en fait. Ça me fait beaucoup penser à la vibe Merlin. Après, ouais. Ça avait bien marché pour la BBC. Bon, alors ça avait les qualités que ça avait, mais ça avait trouvé son public, donc pourquoi pas. Hein, après tout, on a vu pire comme série sur Netflix, donc. Pourquoi pas? Après, voilà, Frank Miller, c'est tout de suite Frank Miller qui écrit une série sur la jeune Dame du Lac avec un tâcheron de l'industrie hollywoodienne et qui savait, la série s'appelle Cursed. Pour moi, c'est potentiel mémifique instantané. Hein. Ah non, mais ça a du potentiel d'être. J'ai l'impression que ça va être soit étonnamment décent, soit tellement mauvais que ouais, ça va être intéressant quand même. Voilà. Les mauvaises histoires sont aussi intéressantes. Elles nous apprennent aussi pourquoi les bonnes histoires fonctionnent par contraste. Dans l'actualité, le reste de l'actualité, je peux mentionner un truc qui est un peu trivial. Y a un type qui a comme pseudo King Arthur qui a sorti un album le 8 avril. J'ai pas du tout aimé, je vous mettrai le lien. Mais ça peut... Voilà, comme ça... C'est quoi comme genre de musique? Alors... Oula. J'ai pas envie de montrer mon ignorance de la musique en le disant, donc je pense que tout le monde peut aller le découvrir parce qu'il a choisi un pseudo pas du tout. On vous donnera le lien. Une dernière chose que j'ai découvert ces derniers temps, c'est un webcomic qui s'appelle Arthur King of Time and Space, ou ACOT pour reprendre les initiales, qui en fait commence par un strip, donc c'est des strips de 4 cases généralement, qui suit un format webcomic assez standard, donc un strip par jour, qui en fait est un postulat assez marrant de départ, c'est que quand Arthur sort Excalibur du rocher, il disrupte le continuum spatio-temporel, et du coup, à partir de maintenant, il y a un multivers où différentes versions d'Arthur, Merlin, Guenièvre, Lancelot, etc., existent, et le comic passe de l'un à l'autre en permanence. Donc, il y a une version qui est la version Fairy Tale, qui est donc la version standard, la version Mallory, en fait, c'est explicitement la version Mallory. Il y a une timeline, c'est la version dans le futur, où Arthur, en fait, est reconnu par un vaisseau spatial qui s'appelle l'Excalibur, qui reconnaît son ADN et qui reconnaît qu'il est l'héritier du vaisseau. Donc c'est ça, il est capitaine d'un vaisseau dans une espèce de contexte à la Star Trek. Il y a une version, il y a des versions un peu mineures, il y a une version contemporaine où Arthur est juste un type normal qui fait un webcomic, donc il y a cette espèce de mise en abîme où Arthur fait son webcomic. Et une sous-version où il est candidat au présidentiel aux États-Unis et où il devient ultimement président, dans cette version alternative. Il y a des épisodes plus mineurs, il y a des timelines mineures, par exemple, il y en a une western qui fait quelques apparitions, il y a une timeline MASH qui est assez marrante, où ils sont juste, c'est juste Arthur, Lancelot et Guenièvre, mais qui sont des chirurgiens pendant la guerre de Corée, et du coup il y a ce triangle amoureux, même pendant la guerre de Corée. Et je trouve ça très drôle parce que ça permet de sauter dans une timeline différente pour mettre en scène une histoire différemment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne seraient pas possibles de mettre en scène dans une des timelines, alors on va dans une autre. Et comme c'est à peu près la même histoire, à peu près les mêmes personnages, qu'ils ont à peu près les mêmes rapports entre eux, il n'y a aucun problème à sauter de l'un à l'autre. Et du coup, juste pour le simple, l'artisanat, ou en tout cas la technique, le craft de ça, c'est vraiment très fort. Je donne un exemple très simple. Dans le Lancelot, dans la Vulgate, il y a l'épisode de la fausse Guenièvre qui a été repris par Mallory, où Guenièvre est remplacée par une usurpatrice. On va le voir, ça a été repris un peu partout. Il y a la fausse Emmeline dans le King Arthur de Purcell aussi. Qui a une impostrice, enfin, imposteur à pas de féminin consacré. Une imposteur qui prétend, grâce à l'aide d'un vieux chevalier, qu'elle est la vraie Guenièvre et que Guenièvre a été échangée à la naissance. Arthur tombe dans le panneau et décide d'accepter le jugement de la Carmélite parce qu'elle dit vous connaissez Guenièvre depuis qu'elle est née, donc normalement vous devriez savoir mieux que moi qui est la vraie. Et il accepte ce jugement. Guenièvre est bannie avant d'être rétablie dans ses droits. Elle s'enfuit auprès de Gallo et Lancelot. Elle vit avec Gallo et Lancelot pendant un moment. La fausse Guenièvre et le chevalier qui l'avait aidé tombe en fait malade. Ils tombent affligés d'une maladie à cause de leurs mensonges et ils finissent par confesser leurs péchés et mourir. C'est ce qu'on voit dans la timeline. On a la version standard où c'est juste une sœur jumelle de Guenièvre. On a la version futuriste où, en fait, ils arrivent sur une planète qui a été visitée par Morgan précédemment et qui a laissé là un piège qui, en fait, clone des gens. Et du coup, c'est une clone de Guenièvre. Et la maladie qu'elle devrait avoir à cause de sa... De son péché. Mensonge. En fait, non, c'est de la dégénérescence parce que c'est un clone et donc son corps est instable. Sa santé commence à se dégrader. Et du coup, on saute entre les différentes approches. Et la gestion psychologique est extrêmement bien faite. Il y a des moments qui sont extrêmement touchants. Cette espèce de proximité émotionnelle que vous avez par exemple dans, je sais pas, Calvin et Hobbes ou comme ça. Ces dessins, ils sont toujours les mêmes, ils sont toujours administrés de la même manière, les personnages ont toujours les mêmes expressions, et ça devrait pas marcher. Mais parfois, ce contexte-là, ça crée une espèce de truc presque hypnotique où certaines choses ont un impact émotionnel qui, je trouve, fonctionne énormément. Typiquement, dans l'épisode de la fausse Guenièvre, tout le monde se demande pourquoi Arthur est tombé dans le panneau, et la réponse qu'à un moment Viviane Nimue donne, c'est il pouvait pas résister à l'idée d'une Guenièvre qui aimait que lui et qui aimait pas Lancelot. Et ça, c'est une dimension qu'il n'y a pas du tout à l'origine. L'idée que Arthur se rend compte que c'est la fausse Guenièvre, mais se dit peut-être que comme ça, Guenièvre peut partir avec Lancelot, puis moi, je peux avoir une autre Guenièvre. Ce que conclut Arthur King of Time and Space, c'est que ça marche pas parce que Arthur aime Lancelot aussi et qu'il peut pas se passer de Lancelot non plus. Et ce qui, en fait, est plus ou moins le rôle de Gallo. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Il n'y a pas Gallo parce que ma foi, Mallory est passé par là. Le projet tu stannes vraiment Gallo depuis que tu commences à lire la prose française du XIIIe siècle. Je pense que c'est un personnage qui est très intéressant, qui existe basiquement dans une œuvre. C'est tout. C'est pas un personnage très répandu. Il n'a pas été tant repris que ça. Mais il y a un projet intéressant derrière. L'idée de derrière, c'était, suivant Mallory, Arthur a eu 25 ans de règne et il voulait faire un projet qui durerait 25 ans. Et il voulait faire quotidiennement le règne d'Arthur. C'est-à-dire qu'il aurait fait un gag par jour et il aurait suivi la chronologie de Mallory. Donc pour chaque année, aurait été une année. Il a complètement foiré ce projet, il a sauté des années, il a dû arrêter, il a fait des hiatus. Et la fin est assez décevante parce qu'en fait, à la fin, il a réalisé qu'il n'avait plus le temps de le faire et il a fait une petite conclusion et il a dit voilà, c'est la fin. Alors que l'histoire principale est conclue et d'une manière que je trouve très astucieuse, je ne vous la raconte pas, mais je trouve qu'il arrive vraiment à mettre ensemble des trucs qui Il y a un côté astucieux qui généralement me parle pas, parce qu'il y a ce côté très « je vais résoudre la légende arthurienne, je prends ça comme un puzzle et je mets toutes les pièces ensemble et voilà, j'ai gagné la légende arthurienne ». Et il y a ce côté-là où il fait un peu ça, mais d'une manière qui joue tellement bien avec la psychologie des personnages, qui a pas mal d'humour, qui est assez drôle, qui est assez touchante. C'est dessiné sous MS Paint, j'ai oublié de le dire, j'aurais peut-être dû le dire au départ. C'est très mal dessiné. Les gens sont très hypés là. C'est très très mal dessiné, mais pour moi c'est pas un problème. Et je pense que c'est un truc assez bizarre et assez intéressant. Le lire, c'est un petit effet capsule temporelle aussi, parce que vous repassez... Parfois, il sert de son personnage d'Arthur dans la timeline contemporaine pour commenter l'actualité. Donc, il y a aussi un côté un peu capsule temporelle de 2008 à 2013, si je ne dis pas de bêtises. Il a quand même duré assez longtemps. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce côté. Il y a une disruption temporelle, donc je peux sauter d'une timeline à l'autre. Il y a un peu de méta-commentaire. Il y a des trucs assez marrants parce qu'il y a des personnages qui, d'une timeline à l'autre, changent de genre, par exemple. Donc, Tristan est une femme dans le futur, mais donc toujours amoureux d'Iseu, mais voilà, toujours en relation avec Iseu, mais dans le futur, c'est une femme. Peut-être c'est fait par quelqu'un qui est un peu trop nerd, donc il y a des références à Doctor Who ou quoi que j'aurais complètement enlevé, mais globalement, c'était une espèce de petite curiosité que j'ai trouvée, puis que j'ai trouvée assez intéressante. Pour conclure cette revue de l'actualité arthurienne, c'est pas vraiment actuel parce que c'est fini, mais je voulais juste pointer ça. L'actualité arthurienne que là, il s'est expérimenté ces derniers voilà, mois. Voilà, en tant que moyeu du monde. Le dernier truc que je voulais pointer, c'est qu'il y a G-Store Daily. G-Store, vous savez, c'est un agrégateur qui met des articles scientifiques derrière un paywall que de toute façon, vous pouvez télécharger sur Sci-Hub, mais qui veulent absolument vous empêcher de lire des articles qui parfois, on sent, c'est un peu ridicule. Ils ont un truc G-Store Daily où ils attirent l'attention sur un de leurs articles. Qui était en fait un article dans Arthuriana sur Harry Potter et les romances arthuriennes françaises, mais qui sont là, peut-être que Arthur est en fait... Harry Potter, c'est arthurien, en fait. Regardez, il y a une épée, et puis il y a de l'invisibilité. De l'invisibilité, comme dans Yvain ou le Chevalier au Lion. Et l'article est très drôle, parce qu'il y a un moment où ils disent, ouais, ces comparaisons entre Arthur, les trucs arthuriens et Harry Potter sont toujours très superficielles, mais nous, on pensait qu'il fallait aller plus loin. Puis vous lisez l'article et vous vous dites, qu'est-ce qu'on entendait exactement par superficiel, du coup, parce que... Mais je pense que c'est un exercice assez intéressant. L'article date de 2003, donc c'est un peu méchant de revenir dessus. Mais voilà, il a été rehaussé par G-Store qui disait, regardez, je sais pas, ils se sont dit qu'Harry Potter, c'était d'actualité pour je sais pas quelle raison. Et je pense que c'est assez marquant, en fait, assez... Comment dire, c'est assez révélateur de cette approche un peu pop culturelle qui va pas être très éclairante. Je veux dire, je vous mets au défi d'aller lire cet article et de vous dire que vous avez vraiment... appris quelque chose sur Harry Potter. C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que c'est souvent une bonne porte d'entrée. Là, vous allez apprendre quelque chose sur les romances françaises arthuriennes. Vous allez vous dire, oh, il y a ça dans cette romance. Est-ce que ça va éclairer votre compréhension de Harry Potter ? Après, c'est pas complètement hors sujet parce que J.K. Rowling a étudié le français, donc c'est fort possible qu'elle ait lu ce genre de choses durant sa formation. Mais je pense que c'est quand même un des écueils de cette espèce de tentative d'éclairer le monde académique par la pop culture et inversement, dont on va discuter tout à l'heure avec William Blanc et avec Justine Breton, qui sont un peu des spécialistes qui font beaucoup ça dans le domaine francophone. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale après cette petite revue arthurienne. Voilà, et qu'on vous retrouve juste après pour parler de la petite pause musicale en question, enfin de façon plus large, c'est-à-dire du King Arthur de Purcell, tel qu'il a été interprété à l'Opéra des Nations à Genève ces derniers temps, au début du mois de mai, fin du mois d'avril. Un peu d'une excursion musicale de Rex Quondam, Rex Que Futurus. Le 6 mai dernier, nous sommes allés voir au Grand Théâtre de Genève, au Théâtre des Nations à Genève, une représentation de King Arthur de Purcell, donc un semi-opéra de la fin du XVIIe siècle. Alors pour notre émission, ça ne nous intéresse pas tant que ça sur le contenu, disons, de l'histoire, parce qu'elle reste très légère et elle a très peu de connexion avec la légende arthurienne en tant que telle. On a des motifs qu'on a déjà vus, donc Arthur contre les Saxons, c'est un peu l'axe dramatique central, et on parle beaucoup d'histoires d'amour, on a Merlin qui fait quelques tours pour aider le roi dans une forêt infestée de démons, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose, même le grand amour du roi Arthur, en fait c'est Emeline, un personnage qui a été inventé pour l'occasion, et qui sert ici de prix que les gens se disputent entre Arthur, Oswald... Symbole de la nation bretonne, qui se fait kidnapper par les méchants, puis après par un méchant encore plus méchant, et puis Arthur doit là secourir, et à la fin on a, disons, c'est une expérience assez bizarre, parce qu'on a ces espèces de tableaux où des allégories viennent chanter, puis donc là, une fois que l'histoire est finie, en fait vous avez 6 ou 7 chansons où vous avez des représentations de l'Angleterre et de l'histoire de l'Angleterre qui viennent chanter sur scène, et vous avez aussi le cas, c'est un semi-opéra, c'est-à-dire que les acteurs qui jouent les personnages qui font avancer l'histoire sont pas les mêmes que ceux qui vont chanter. Donc vous avez des bouts scéniques où l'histoire s'avance, et puis après d'un seul coup il y a quelqu'un qui... un personnage secondaire ou même... Souvent c'est des esprits, des personnages un peu des bergers pas nommés, et c'est ou des gens qui commentent sur les événements. Il y a un espèce de sens que en fait on est face à une forme de divertissement très très hybride. On est clairement sous l'influence de l'opéra italien et français qui est en train de se développer à la fin du XVIIe siècle, mais on est aussi dans la tradition du théâtre anglais, qui est une tradition ancienne qui était très très forte à la Renaissance, le théâtre élisabétain. Les théâtres élisabétains enfermés sous l'influence des puritains pendant la guerre civile anglaise, pendant la période du Commonwealth, ils ferment autour de 1642. Ils sont réouverts à la Restauration, et la pièce d'ailleurs est écrite par John Dryden, qui est un grand poète accessoirement, de la fin du XVIIe siècle, pardon, qui est écrite pour célébrer l'anniversaire de la Restauration du roi Charles II. Donc là-dedans, il y a tout un background, effectivement, que le théâtre a beaucoup évolué sur cette période. Il est devenu un peu... Il commence à se faire rencontrer des formes très différentes, en l'occurrence, les deux formes, la forme du théâtre, l'influence de l'opéra, et surtout le masque, qui est un genre particulier, qui date de la Renaissance lui aussi, mais qui est un peu plus allégorique, justement. Les masques ont tendance à être joués et dansés. Il y a une grande partie dansée, il y a des costumes très élaborés, et surtout, il n'y a pas d'acteurs professionnels dans les masques. C'est surtout des... il y a des acteurs qui sont combinés avec, en fait, le public en lui-même. Et c'est un divertissement de cours assez particulier qui a tendance, effectivement, à recourir beaucoup à l'allégorie, à des symboles, à des figures un peu mythologiques ou mythiques qui vont illustrer, par exemple, on peut faire un masque pour l'anniversaire, les fiançailles d'un couple princier, et le masque va être écrit exprès pour ça, et on ne va pas le rejouer après. Donc, il y a une façon très ad hoc de le faire. Et en l'occurrence, c'est un peu comme si le contenu du récit, l'action du récit, était combiné, effectivement, avec des interludes qui commentent l'action et qui la font un peu avancer de temps en temps. Il y a quelques événements où l'action est chantée, en fait. Mais dans beaucoup d'aspects, en fait, la plupart des chansons n'ont pas vraiment d'influence sur l'histoire. Non, l'histoire du génie du froid, par exemple, le génie du froid est invoqué, non pas pour servir la cause de quelqu'un, mais pour montrer, pour faire une démonstration des pouvoirs d'un magicien. D'un magicien et du pouvoir de l'amour aussi, qui éveille les gens. C'est un peu... c'est beaucoup plus symbolique que narratif, en fait, ces éléments chantés. Et ça fait une expérience assez particulière à regarder. Et c'est toujours à se demander vraiment quel est le lien entre les deux, à quel moment les deux doivent être joints. Et c'est quelque chose qui devait paraître naturel pour les spectateurs de l'époque, qui ont de toute façon l'habitude de voir des éléments, même dans les pièces plus standards, même si vous allez regarder chez Shakespeare, il y a des événements un peu... Alors, particulièrement dans, par exemple, Comme il vous plaira, dans As You Like It, à la fin, il y a une sorte de comédie de couple, où des couples sont formés et déformés. Et à la fin, il y a Hymen, le dieu du mariage, qui arrive pour marier les couples. Et ça a la forme d'un masque, un peu. Donc c'est quelque chose qui arrive dans certaines pièces, mais de façon plus mesurée. Là, c'est vraiment, grosso modo, moitié-moitié. Vous avez la pièce de théâtre qui est jouée, qui raconte donc l'action, effectivement, le combat d'Arthur contre des Saxons en carton-pâte, essentiellement. Ouais. Et plus tard, le rapt d'Emeline, qui est aveugle, par un sorcier saxon qui a trahi son maître. Son maître saxon. C'est assez compliqué. Alors, c'est assez brutal. Il y a quelques sacrifices humains, par exemple, c'est assez particulier comme atmosphère. Je pense que ça crée une déconnexion qui est assez intéressante, parce que toute la saison passée, on a passé la musique ici, puis du coup, j'avais l'habitude d'écouter cette musique. Mais le truc, c'est que justement, le fait de le voir inséré dans cette histoire, c'est une expérience assez particulière, parce que la plupart des chansons qui sont connues de ce semi-opéra, en fait, ont pas un grand rapport avec l'histoire. Le chant du froid, en fait, l'air du froid, où le génie du froid se réveille parce que Cupidon, enfin Eros, l'amour, vient éveiller le génie du froid, c'est quelque chose qui, en fait, a pas grand-chose, comme tu l'as dit, à voir avec l'histoire. Mais c'est pareil pour beaucoup de chansons. Il y a le début, si je présente un peu l'histoire, on a le début où Arthur se prépare à la bataille, donc les personnages mettent en place le tableau, etc. On parle, on dit ah, nous allons nous affronter avec les Saxons, je dis au revoir à ma bien-aimée. Il y a la bataille qui se passe hors champ, il y a Come If You Dare, qui est donc les armées qui se crient l'une l'autre pour se provoquer. Ça, c'est quand même quelque chose qui a un rapport avec la bataille. La bataille a lieu, ensuite les Saxons sont en déroute, on chante la victoire. On arrive aux Saxons qui kidnappent Emmeline, puis ensuite c'est Arthur qui doit aller secourir Emmeline kidnappée par les Saxons. Puis il y a un masque aussi de sacrifice humain de Saxons qui se passe avant aussi en prologue. Juste avant, quand ils préparent leur combat, il y a toute la scène du sacrifice. En fait, ça développe un peu la texture des Saxons. Genre, ils sont méchants, regardez, ils préparent un sacrifice humain, ils font leur sacrifice à Woden, Thor et puis Freya, ou comme ils sont pas comme nous. Puis donc là, ils ont choisi de nous mettre des gens avec du cuir un peu BDSM. Et puis, oui, là, alors on parlera de la mise en scène et de la musique un peu après, mais c'est... Mais, du coup, ça crée une expérience où vous pouvez tout à fait, d'ailleurs c'est comme ça que je le vivais souvent, écouter la musique sans trop penser à l'histoire. Puis vous dites, ah oui, il doit y avoir une espèce de combat quelque part, etc. Et au final, vous avez une moitié qui fait avancer l'histoire, puis une autre moitié qui développe en fait le thème central de cet opéra, qui est en fait l'amour, je pense. C'est 90% de ce qui est discuté ou montré. En tout cas, dans son état actuel, il faut dire que l'opéra a été publié, écrit. La musique elle-même est un peu disparate, je crois. Il n'y a pas d'édition très claire de l'époque de Purcell. Le texte en lui-même a été publié, en tout cas. Et il a été pas mal révisé au fil des années par Dryden. Donc il y a des circonstances politiques qui ont un peu évolué. Ça a été... Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas... Le truc, c'est que ces masques sont un peu composés et écrits un peu à part, et ils pourraient tout à fait être montés en tant que masques isolément, en fait. C'est ça qui est aussi assez intéressant. On n'est pas face à une pièce dans laquelle il y a des éléments... C'est pas vraiment comme une comédie musicale, non plus. C'est pas un Singspiel, dans le sens où l'action n'est pas vraiment avancée par les paroles, ou même les personnalités des personnages ne sont pas explosées par les paroles, parce que Arthur ne chante jamais, Emmeline ne chante jamais, Merlin ne chante pas. Tous ceux qui chantent, ce sont soit des personnages secondaires qui racontent ce qui se passe, typiquement le Come If You Dare, la bataille est racontée en fait par des personnages qui chantent. En fait, c'est comme si Arthur et les autres personnages voyaient des masques qui leur exposaient un peu ce qui se passait. Typiquement, il y a un moment où Arthur est pris dans un masque de naïade et il essaie de détourner de son chemin. Emmeline, on lui montre le masque du froid. C'est presque plus une espèce de mise en abîme de la fiction qui se fait là. Et pour le coup, je trouve que c'est difficile à rendre effectivement de façon très correcte. Beaucoup de gens, beaucoup de productions font l'impasse simplement sur les parties jouées. On a simplement les masques qui sont chantés. C'est surtout le cas pour les productions, disons, qu'on pourrait dire... ou qui se font en concert, les versions de concert par exemple. Parce qu'on est là pour la musique, donc on va juste mettre 2-3 perruques, 2-3 masques et puis on chante et on éventuellement même sans costume. Et il y a les versions justement où, là la version a essayé de faire vraiment le rendre la chose la plus similaire possible à l'expérience telle qu'elle aurait dû être. Enfin, c'était l'intention du metteur en scène et du chef musical, du directeur musical, qui était en l'occurrence Marcial Di Fonzobo, qui est donc le metteur en scène, et Leonardo Garcia Alarcón, avec son ensemble Capella Mediterranea, qui donc dirigeait l'aspect musical, donc deux figures, disons, surtout Alarcón, qui je trouve qui est assez donc un de ces chefs baroques un peu récents, qui peut être un peu clivant. Malgré un nom qui permet des jeux de mots très faciles. Oui, on va lui épargner ça. Mais en l'occurrence, leur intention, leur note d'intention, exposait assez clairement que l'idée était d'exposer ça et d'essayer de faire en sorte que les gens comprennent que c'est un spectacle un peu particulier, mais qu'il est fait pour être un peu, justement, que cette disparité est un peu naturelle et qu'elle devait être assez naturelle. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, et dans d'autres aspects, ça ne marche pas. Et en l'occurrence, dans la production, si on peut parler un peu de la production de Genève, ça marchait pas pour moi dans certains aspects parce que les acteurs étaient pas... Déjà, tout était traduit en français. Tout était traduit en français. Les parties des acteurs, les parties jouées étaient en français. La traduction était très fleurie, ce que j'ai trouvé archaïsante, pour essayer de donner une espèce de saveur à la Molière un peu, que j'ai trouvé très très embêtante parce que, en fait, ça perd tout l'impact. Le texte est très très... Il y avait le texte qui était surtitré dans la version de Dryden, justement, pour le public anglophone. Et pour le coup, le texte de Dryden est beaucoup plus direct, beaucoup moins fleuri, ironiquement. Ouais. Je comprends pas l'idée de pas l'avoir joué en anglais parce que c'est typiquement ce genre de pièce. C'est un semi-opéra. Alors, effectivement, j'ai vu des versions de La Flûte Enchantée qui sont chantées en allemand mais jouées en français. Mais enfin, l'opéra, ça reste quand même un des rares endroits où la forme standard, c'est de le jouer dans la langue. Enfin, de nos jours, en tout cas, c'était pas le cas nécessairement au 19e siècle ou au 20e siècle. On jouait par exemple les opéras italiens de Mozart. Quand on les jouait à Vienne, ils étaient joués en allemand. Vous avez Don Giovanni en allemand, ça se faisait beaucoup. Maintenant, ça se fait plus. Et la plupart du public qui va à l'opéra s'attend pas nécessairement à ce que ça se traduit. Il y a des surtitres, c'est fait pour ça. Les gens ont la patience de pouvoir regarder regarder pendant 2-3 heures des gens parler en anglais. C'est pas, c'est attendu, disons. Et surtout, beaucoup d'opéras ne sont pas du tout, ne subissent pas ce traitement. Un opéra beaucoup plus classique de Purcell, qui est Didon Aîné, qui est là vraiment opératique, qui a quelques éléments un peu issus de ses masques, notamment dans Les Sorcières, par exemple. Mais c'est, ça reste très similaire à ça par certains aspects, mais ça reste aussi plus proche d'un opéra moderne. Je suis pas sûr que les gens prendraient l'initiative de traduire les parties parlées en français. Et là, ça m'a un peu sorti du truc, d'autant plus que c'était pas les mêmes acteurs qui chantaient et qui jouaient. Mmh. Et du coup, il y avait une déconnexion entre les acteurs qui jouaient en français, certains mieux que d'autres, disons. Certains jouaient un peu de façon criarde, j'ai trouvé. Semblait voulu, disons, mais c'était pas très très convaincant. Il y avait beaucoup de cabotinage, j'ai trouvé. Ouais, c'était vraiment, assez cabotin, mais d'une façon pas très naturelle. Ça s'y prête un peu, puis c'est vrai que c'est, quand on voit le texte, on se dit, ok, c'est la dérive numéro 1 qui va arriver. Mais je pense qu'il y avait un peu trop d'ironie par rapport au texte, justement pour que ce soit vendu. Si ça avait été vendu de façon plus. Alors évidemment, on ne sait pas non plus comment ces textes étaient interprétés eux-mêmes. On ne sait pas quelle était l'attitude des personnages qui jouaient face aux masques. Est-ce que les masques étaient complètement des interludes différents? Il y a des références de l'un à l'autre, donc on peut penser qu'effectivement, c'était les mêmes. Il y avait comme une continuité entre les deux, mais ce qui me semblait un peu curieux là-dedans, c'était qu'il y avait une certaine ironie dans les parties jouées, qui n'était pas vraiment présente dans les parties. Pour le coup, la mise en scène des masques m'a bien plu, parce qu'elle n'était pas non plus. Alors, elle était même parfois un peu outrancière, on l'a dit, hein, beaucoup de rôles féminins étaient joués par des hommes, il y avait un recours au cuir et à l'esthétique BDSM assez permanente. Pour les Saxons. Mais pour les Saxons, même pour Arthur. Arthur était avec un espèce Alors, Arthur avait ce que j'aime appeler le edgy Hamlet, tu sais, où il est torse nu avec une épée, un pantalon noir et puis une couronne. C'est un peu le truc de base du personnage royal, tourmenté, que tu trouves dans les pièces de théâtre aujourd'hui, j'ai l'impression, si tu vois ce que je veux dire. Oui, il y avait un peu de ça. C'était pas très. Ouais. Les acteurs, la partie jouée était franchement pas convaincante et entre elle et les masques qui était, enfin, vu que la partie jouée était effectivement un peu ridicule, je pense qu'ils se seraient épargné ça s'ils n'avaient pas traduit pour le coup, parce que traduit en français, ça amène une autre déconnexion avec le texte chanté qui est en anglais, et je trouve ça dommage parce que du coup ça attire l'attention dessus, ça amène une vague d'ironie parce qu'on se dit ah, mais c'est pas très sérieux, donc on peut y aller en façon un peu cavalière, et je suis pas contre l'ironie hein, mais je suis pas sûr que ça marche si tu veux faire une connexion entre les deux. Si tu veux montrer à quel point ça pouvait être ridicule ou montrer à quel point ça peut être c'est un truc super camp, pourquoi pas, mais dans ce cas tu vas pas me dire ah, on a essayé de montrer à quel point ces deux machins marchent en harmonie. Traduire le texte mais pas les chansons, pour moi c'était justement, ça marchait contre ça. Ça dissociait les deux complètement et ça résultait en une espèce de hodgepodge, de mishmash un peu, disons, qui n'était pas très très convaincant parce que du coup, ces personnages joués avaient une distance par rapport aux masques et par rapport aux chansons qui n'aurait pas dû être là nécessairement, en fait. Soit ça faisait vraiment trop bizarre et dans ce cas, c'était... mais c'était pas non plus suffisamment étranger pour faire vraiment l'effet de masque complètement fictif dans le texte. Donc c'était assez curieux du point de vue de la mise en scène, le jeu, le design. Après c'est edgy, c'est assez moderne. C'est assez standard. Ils ont eu pourquoi quand même. Pas, ils ont eu des petits. Il y a un moment des tentures qui descendent avec l'illustration de Howard Pyle de la bataille entre Mordred et Arthur. Oui, assez curieux. J'ai trouvé d'ailleurs une esthétique très victorienne en fait, victorienne édouardienne. Les arbres qui étaient des gravures de Gustave Doré. Il y a un moment où on descend un truc, une espèce d'enluminure qui était en fond. C'était un peu curieux. Je comprends l'idée, mais enfin c'était une esthétique qui me fait. Ça m'a fait un peu bizarre en fait. Ça fonctionne pas mal. Il y a des moments qui je trouve marchent très bien. Par exemple, le moment qui marche peut-être le mieux que j'ai trouvé, c'est quand il chante Hither This Way. Donc Arthur s'enfonce dans la forêt qui est enchantée par Osmond pour essayer de trouver Emmeline. Il y a des démons qui essaient de le faire sortir de son chemin, donc un peu des feufelets. Il y a Philidel qui, au contraire, est le gentil esprit de l'air dompté par Merlin qui essaie de l'amener du bon côté. Et c'est là qu'on a un peu un moment où tout va ensemble. On a la chanson, Arthur qui court, les gens qui... la mise en scène qui sert ça. C'est effectivement un passage assez bien. J'ai trouvé le reste un peu moins, justement. Le génie du froid, par contre, ne faisait pas très connecté avec le reste. Bon, il prenait beaucoup de place sur la scène. Il n'y avait pas une espèce de... Après, c'est le génie du froid lui-même est une scène un peu étrange. Ouais. C'est la scène la plus connue de l'opéra, en fait. C'est l'air très intéressant. C'est l'air le plus connu. D'ailleurs, justement, on peut peut-être. Est-ce qu'on enchaîne sur la musique? Oui, alors. L'air du froid est un peu. Il y a une espèce de staccato. C'est-à-dire que la chanson mime le fait que le génie du froid est en train de sortir de sa torpeur gelée. Et du coup, il est langoureux et il parle de façon saccadée, en fait. La musique reproduit ça aussi. Et la façon dont on va le faire, c'est que très souvent, on le fait de façon rapide. rapide, parce que comme ça on peut garder la texture de la chanson, puis les versions qu'on vous a passées dans cette émission, c'est plutôt de ce côté-là qu'elle penche. Et là il y avait vraiment un désir de non, on va aller faire ce staccato de façon assez, assez lente, qui personnellement j'aime pas. Peut-être que c'est parce que j'aime la version Nightcore, si on veut, mais la version qu'on a eue là, je perdais vraiment beaucoup la texture de la musique, en fait. Puis je comprends que c'est pas évident et qu'il y a différentes écoles, mais moi, ça me convainquait pas. En l'occurrence, Leonardo García Alarcón est un peu un spécialiste des versions un peu détonnantes. C'est un chef qui va travailler sur des instruments d'époque, donc ça, c'est assez courant parmi les milieux baroques. Mais c'est même plus que ça. Vous avez pu entendre la version telle qu'il l'a dirigée à Genève, en ouverture donc du podcast, c'était l'ouverture de l'opéra, et l'air du génie du froid qu'on vient de vous jouer juste avant, hein, vous avez entendu les particularités. Et là, pour le coup, Leonardo García Alarcón a fait un truc assez... Il a un style un peu particulier, surtout sur les tempi. Vous pouvez l'écouter, il a fait un concert, il a fait un CD où il reprend le programme d'un concert, donc il s'attaque aussi à Mozart, hein, il fait pas que du baroque. Enfin, Mozart, c'est vraiment à la limite du classique, hein, mais il s'est intéressé à Mozart, un concert que Mozart a donné à Vienne en 1783. Et dans ce concert, justement, il y a notamment des ouvertures d'opéra de Mozart, la 35e symphonie un peu découpée à plusieurs moments, des airs un peu différents. C'est très riche, c'est beaucoup, très varié, mais si vous écoutez ça et que vous avez l'habitude d'écouter Mozart d'habitude, c'est très très différent. C'est un tempi beaucoup plus saccadé par moments, beaucoup plus lent par d'autres. Pour Purcell, c'est plus facile, disons, c'est plus justifié parce qu'il n'y a pas vraiment de tempi. Les éditions de Purcell sont assez tardives. Je crois qu'il n'y a pas d'édition de King Arthur avant le 19e siècle. C'est plus compliqué que pour Mozart où il y a des éditions assez claires. En l'occurrence, il a tendance à dynamiter à peu près tout, en fait. Et c'est un style, ça peut être intéressant, ça amène un angle que je trouve intéressant à Mozart. Donc, Mozart, il y a plein de versions de Mozart, on peut le faire à peu près toutes les façons. C'est pas une version par Alarcón qui va me ruiner Mozart pour le reste. Et c'est, pour le coup, c'était pas ça, mais j'ai perdu la texture, c'est vrai. Dans le cas de King Arthur, ça marchait pas toujours très bien. Certains passages marchaient. Un truc intéressant qu'ils ont fait et que j'ai trouvé assez, pour le coup, assez cool, c'est d'avoir, pendant que les acteurs parlaient, de la musique de scène que Purcell avait composée, pas pour King Arthur, mais pour d'autres pièces, notamment Abdelazer, le fameux rondo qui avait été repris par après Britten pour son guide de l'orchestre pour les jeunes personnes, qui était le qui était repris pour comme musique de scène, d'autres pièces, disons, où Purcell avait composé de la musique instrumentale, où des chansons ont été reprises pendant que les acteurs parlaient, et ça, pour le coup, ça marchait assez bien. Mais vraiment, le style de musique, le style de la musique généralement était même pas spécialement c'est pas spécialement de la musique, un style que William Christie fait aussi un style assez historiquement informé, pour le coup, que je trouve beaucoup plus harmonieux. Alors c'est peut-être, pour le coup, mon côté, j'aime beaucoup les tempi un peu plus rapides chez Alarcón. Pour le coup, sur cet opéra là j'ai trouvé ça trop lent par moment, effectivement. Et on perdait la texture, on perdait l'essence même de certains morceaux. Après, il y avait un recours assez intéressant, pour le coup, à d'autres instruments. Il y avait une instrumentation un peu éclectique, un théorbe, par exemple, qui n'est pas demandé par la pièce, mais qui était utilisé dans les morceaux de scène, qui étaient joués pendant que les personnages parlaient, donc. Il y avait un recours à des instruments un peu variés. Il avait des violoncelles, mais il avait aussi des viols d'épaule. Il avait aussi une viole de gambe. Il avait une vieille contrebasse aussi, et deux clavecinistes aussi. Donc c'était assez intéressant comme texture musicale, mais c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais dans King Arthur. Bon, c'était pour certains airs. Je dirais toute la première moitié, moi j'ai eu aucun problème. La première moitié était plus faut qu'on précise quand même que la direction musicale n'était pas Leonardo García Alarcón, mais de Monica Pustilnik, qui était la chef d'orchestre. Donc quand on a regardé le dimanche le 6 mai, et je pense pas que ça ait une grande influence sur les tempi, parce que c'était ceux qu'Alarcón utilise, et c'est le style, en fait, c'était son style assez nettement. C'est une école. J'ai bien aimé la musique, mais c'est vrai que c'était, pour moi, un manque de texture, vraiment. On perdait des détails, ça faisait surgir de nouvelles possibilités musicales, effectivement, mais ça, par moments, c'était juste frustrant, parce que peut-être aussi parce que j'avais beaucoup écouté notamment la version de Christie, mais c'était pour moi un peu frustrant parce qu'il y avait une perte de résolution un peu. Il y avait 2-3 sons intéressants, mais ça ne compensait pas pour moi la perte de ces textures assez, assez riches, notamment dans l'air du génie du froid, où je n'ai pas vraiment eu l'effet de... aussi nettement. Les airs suivants aussi, ceux du génie du froid, étaient notamment celui où les où il y a des esprits qui donc claquent des dents, on décrit le froid vraiment de façon qui n'était pas aussi évocateur du coup. C'est un peu un problème, je pense. J'avoue que l'air du froid, je trouve que c'est quelque chose qui est... Je pense aussi que c'est un peu un truc de nerd musical parce qu'il est très dur à faire, il a un style très particulier, il est un peu à part. Plein de gens essayent de le faire. D'ailleurs, il y a une version de Sting sur son album de chansons d'hiver où il chante The Cold Song, l'air du froid, qui est tellement mauvaise que j'ai compris, j'ai cet album depuis genre je pense bientôt 10 ans, mais il y a une semaine que j'ai compris que c'était censé être ça en fait. C'est qu'il y a une semaine que j'ai compris, ah mais c'est pour ça qu'il chante super mal, parce qu'il essaye de faire cette espèce de truc saccadé, et oh, j'ai eu cette réalisation en essayant de chercher des versions, j'ai vu quelqu'un qui disait que Sting en a fait une, puis j'étais là, mais je savais pas, mais j'écoute cet album depuis longtemps, puis je saute tout le temps cette chanson, donc tout le monde s'y essaye. Je peux... conseiller peut-être pour nos auditeurs, il y a France Musique, je crois, qui a fait une émission de... La Tribune des Critiques de Disques, le grand classique où il, tous les dimanches, il sélectionne une version avec une écoute à l'aveugle, enfin à l'aveugle, sans savoir, disons, la version qu'ils écoutent, et ils choisissent leur version de référence. Celle qu'ils préfèrent, puis ils ont fait ça pour King Arthur, donc si vous voulez que la musique, ce qui est peut-être généralement la manière dont on consomme cette offre, si on veut, ils ont conclu que c'était The English Concert and Choir, dirigé par Trevor Pinnock, de 1991. Ils discutent bien sûr les pour les contre, ils parlent notamment de certaines que vous pouvez aussi trouver en ligne. Il y a la version du concert spirituel dirigé par Hervé Niquet, qui en fait la musique est vraiment pas mal pour celle-ci. Il y a vraiment des trucs qui sont, il y a beaucoup de bien qu'on peut dire, mais en fait c'est une version très burlesque et un peu comique et ridicule, où le comme il fut d'air, ce sera les chevaliers avec des panos, avec des serpillères qui sont en train de passer sur la scène, l'air du froid, le réveil du génie du froid, ce sera une infirmière qui aura une seringue puis qui foncera pour la planter sur le génie du froid, qui sort d'un frigo, il y a un Père Noël qui passe sur la scène, enfin, c'est très, très ridicule. Puis il y a même un contraste assez intéressant justement entre la musique qui est une production professionnelle de qualité de cette... Ben Hervé Niquet, c'est un autre chef baroque, lui formé à l'école, enfin, comme à peu près tout le monde formé à l'école Christie, hein, il était, c'est un grand nom aussi de la musique baroque, en tout cas française. Et entre ça, et puis après sur scène, vous avez des femmes avec des fausses barbes, déguisées en chevalier, qui font des petits sketchs, ou des moines avec des fausses calvities qui chantent, et qui font des grimaces, et c'est vraiment une drôle d'expérience, mais ils ont quelques extraits sur leur chaîne qu'on peut vous lier. Il y a aussi une version à Znojmo, je crois que c'est en République tchèque, qui est un festival qui se termine, qui fait pas toutes les chansons de fin. Donc le texte a été traduit aussi, mais les chansons sont en langue originale ici. Il finit avec Your Corn is Ripped, donc Old England. Ils mettent pas toute la fin. Il y a le Zürcher Bachchor, donc une chorale zurichoise consacré, comme son nom l'indique, à Bach, qui a fait une mise en scène un peu minimale, où c'est une chorale, où il y a 2-3 personnes qui ont quand même des attributs, des déguisements, des petits drapeaux et des trucs, mais c'est basiquement une chorale. Ils ont fait notamment Come If You Dare, How Blessed Are Shepherds, This Love That Has Warmed Us, que vous pouvez trouver sur leur chaîne en 2015. Il y a un concert par l'ensemble de la Fénice, pareil, c'est juste une chorale, donc des gens qui sont ensemble, et puis il y a les instruments, les choristes qui chantent, et... lors d'un concert, puis la Henry Purcell Society of Boston en 2016 a mis aussi, vous pouvez trouver quelques vidéos en ligne, où ils chantent aussi How Blessed Are Shepherds, How Happy the Lover, la scène du froid, et Fairest Isle, qui est une des conclusions justement où on parle de la beauté de l'Angleterre. Et une chose que je dirais sur ces versions-là qui sont très bizarres, c'est que du coup vous avez, par exemple, les chansons sur les bergers, en fait c'est Emmeline s'angoisse de connaître l'issue de la bataille entre Arthur et les Saxons, et il y a Mathilda qui lui dit « Viens, il y a des bergers qui viennent chanter pour nous distraire », dans cette espèce de mise en abîme où il y a une chanson qui vient pour distraire les personnages, et puis là vous avez un berger qui commence à... La mise en scène traditionnelle, si vous regardez juste le texte de Dryden, c'est que les bergers proposent leur flûte aux bergères, donc c'est une métaphore sexuelle pas très subtile. Les bergères répondent non, il faut quand même qu'on se marie, et puis les bergers acceptent de se marier et chantent que les joies du mariage, en fait, c'est le plaisir, et c'est ça. Et du coup, vous avez ce côté un peu, disons, ce côté un peu, cette mise en scène un peu burlesque, ce va-et-vient entre les bergers et les bergères, qui, à mon avis, participe à la chanson. Mais du coup, avoir cette chanson-là avec des gens bien habillés qui chantent sans bouger, sans rien dire, sans qu'on fasse vraiment la différence, même parfois sans qu'on fasse la différence entre les différentes parties, c'est-à-dire que vous n'avez même plus vraiment des bergers et des bergères. Le Zürcher Bachchor, par exemple, ils le font quand même, donc vous avez quand même les bergers qui proposent leur flûte aux bergères. Là, la mise en scène qu'ils ont choisi de faire, c'était beaucoup plus ouvertement sexuel. Ouais, on va derrière un buisson, puis on fait des trucs sexuels. Il y a Mathilda qui passe sa flûte au berger en passant de ses jambes et en la lui donnant, ce qui souligne la dimension sexuelle de la flûte, mais qui n'est pas du tout utilisée après, parce que on n'a pas besoin de cet euphémisme, en fait. Donc, pour moi, il y avait quelque chose qui était à la fois intéressant parce que je pense que ça fait partie du ton de ces chansons, puis que de les avoir dans un cadre quand même très chic sans cette mise en scène, ça fait quand même bizarre, mais aussi je dirais peut-être un mot ensuite sur ce que je pense de l'adaptation, la mise en scène et de certaines questions que ça peut poser, juste après je dirais peut-être un mot là-dessus. Mais donc vous avez quelques autres versions que vous pouvez voir en ligne pour comparer, puis cette émission pour voir quelle est la meilleure version si vous voulez. Celle-ci je pense valait quand même le détour, puis je dois quand même avouer qu'il y a quand même un certain frisson à voir certaines choses qu'on a toujours écoutées sur notre contraption musicale de choix, mais que l'avoir en vrai, la musique, ça a quand même été... Il y a quand même une certaine émotion. Puis je pense que jusqu'à l'entracte, personnellement, j'avais aucun problème. Puis c'est juste après que ces airs peut-être plus difficiles. Et puis après, quand la fin, vous avez épilogue sur épilogue, ces personnages allégoriques qui viennent chanter, c'est vrai qu'on regarde peut-être un peu sa montre, mais ça, c'est à cause de la structure de l'opéra lui-même. C'est pas une faute de l'adaptation. On va écouter peut-être un petit extrait de la version de Pinocch, quelques extraits de la version de Pinocch, pour vous donner une idée de ce que la tribune des critiques de disques a considéré comme la meilleure. Et on revient tout de suite après. Voilà, donc vous vous rendez bien compte, hein, c'est un style différent de celui d'Alarcón. Bon, alors on reste sur de l'instrument d'époque, les méthodes restent globalement similaires, mais j'y vois quand même une grosse différence effectivement avec Alarcón. qui est assez, je pense, beaucoup plus syncopé, beaucoup plus, un son beaucoup plus presque rustique, plus, j'ai pas envie de dire crin-crin, mais c'est un peu l'effet que ça fait parfois. C'est un son plus riche qui me plaît beaucoup, mais c'est pas forcément, voilà, toujours exactement ce qui correspond, en tout cas dans le rythme, ce à quoi on s'attendrait. J'étais en tout cas assez charmé par la musique, hein, l'atmosphère qui se dégageait, et l'entrain de la production, quoi qu'on puisse dire des qualités individuelles des performeurs, était très très bon en fait. C'est surtout ça qui faisait que le spectacle marchait quand même bien, malgré tous les défauts qu'on a pu lui trouver au cours de cette dernière demi-heure. C'était que ce soit du point de vue de la musique, du point de vue des chanteurs, du point de vue des acteurs, il y avait un entrain, il y avait un... Même si disons, le tout n'était pas toujours très cohérent, cohésif, d'une façon dont j'aurais bien aimé le voir, il y avait un allant qui faisait plaisir à voir et qui rendait le spectacle quand même relativement enrichissant de ce point de vue-là. C'est pas évident de faire un spectacle du genre. Non, c'était une performance. C'est un défi beaucoup plus grand que de mettre en scène l'Orfeo ou que Didon est né, par exemple. Donc du coup, c'est à la mesure de ça. On peut pas forcément juger exactement dans les mêmes conditions une production de ce genre qui s'est faite à l'Opéra des Nations, qui n'est pas la plus grande salle du monde, bon, qui correspond relativement bien à l'atmosphère du genre, mais qui reste une salle plus limitée que d'autres. C'est pas une production qui a peut-être eu le bénéfice d'une grande salle, d'autant de places par exemple, ou de technologies plus compliquées, notamment pour le génie du froid, qui a une technologie impressionnante mais un peu rustique, mine de rien. C'est très, y a pas de grands effets de scène à part les tentures derrière. Donc peut-être pour embrayer un peu sur la mise en scène justement, qui est, donc on l'a dit, hein, on l'a discuté, pas toujours extrêmement cohérente, j'ai trouvé, avec la musique. Ah, moi, quand le génie du froid laisse, il y a des moments un peu très gracieux, genre quand le génie du froid laisse tomber son espèce de manteau et puis qu'on voit qu'il est en slip, je suis là genre yes, ça c'est bien, je m'y attendais pas, un génie du froid tout nu. Puis aussi il est, voilà, non seulement il chante bien, mais en plus ils ont trouvé un type musclé, donc Eye Candy. Magadi, il y a trop de twink, pas assez de... Non, de bears. Il y a plein de bears, mais ils les mettent pas torse nu. Enfin, il y a plein de chanteurs où clairement t'es là, genre, ok, ça c'est un bon, mais tous les mecs torse nu sont imberbes du torse. Pour toi qui en ce moment aborde la légende arthurienne du point de vue bear twink avec tes dessins, tes dessins de Gallo et Lancelot, c'est vrai que ça doit être un manque assez important moitié du Lancelot, je pense. Lancelot canoniquement ce serait plus une hauteur ou plutôt une loutre. Tu m'as perdu dans le lingo là, mais c'est comme le très distinctif, c'est que la hauteur est poilue mais lisse, contrairement non c'est vrai, mais c'est, enfin bon, il y a un dégradé. Plus sérieusement, il y a des moments de la mise en scène, je pense, le moment que tu mentionnais, cette scène qui était un peu déconnectée, où Arthur est confronté à des naïades qui chantent et qui disent « Laisse-toi, abandonne-toi au plaisir de l'amour ». On l'a dit, ça fonctionnait bien en soi. J'ai trouvé ça déconnecté parce que, pour le coup, une des rares intrusions où on voit vraiment les protagonistes rentrer dans le masque. Ça marche bien en soi, par contre, en termes de proto-opéra, disons, on voit vraiment l'action reflétée dans la chanson. Moi, je me suis vraiment laissé prendre dans celui-là, parce qu'il y a un moment où Arthur justement va en arrière-plan, puis il y a une espèce de glace déformante qui s'est pas un peu son miroir sans teint, miroir sans teint qui permettait de déformer un peu son histoire. Puis pendant que les naïades chantaient, il était derrière en arrière-plan, puis il était suspendu à un harnais et il se met à nager dans les airs en agitant les mains en direction d'Emeline qui est à côté d'un cerf pour je sais pas quelle raison symbolique. Mais ce moment-là, je trouvais qu'il marchait bien. Il y avait cette espèce, c'est un très petit, voilà, le fait d'avoir un type accroché à un harnais, mais ça peut très vite ressembler à quelque chose d'artificiel, puis je trouvais que là, ça donnait quand même assez bien. Non, effectivement, il y avait des bons choix. Ce que je serais peut-être moins... je serais pas tout à fait d'accord pour dire que certains autres trucs, c'était des bons choix, par exemple. Le masque final, l'allégorie de Britannia à la fin, avec en reine d'Angleterre qui vient en agitant la main. Il y a peut-être un dédoublement des rôles un peu étrange, notamment dans la fin. La partition de Dryden, la partition et le texte de Dryden mentionnent des moments « he and she », donc deux... personnages hommes et féminins qui ont été interprétés comme abstraits et génériques là, qui étaient peut-être des références à des personnages qui étaient déjà existants dans le récit. Ça arrive que certaines mises en scène choisissent de recycler les chanteurs et puis disent « ok, he et she, ça va être tel et tel ». Là, il y avait une identité très précise. Après, c'était assez intéressant du point de vue, ça m'a fait voir à quel point, en fait, le narratif ça a mis en évidence pour moi l'évidence qui est assez évidente, c'est celle de l'inscription de cette histoire dans le contexte du rapprochement progressif de l'Écosse et de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. On est 17 ans, la version actuelle en tout cas du texte de Dryden, je crois que c'est à peu près 15-20 ans avant l'acte d'union entre l'Écosse et le reste de l'Angleterre. Donc c'est un narratif assez clair, quoi. L'envahisseur saxon, donc plutôt les Anglais, les défenseurs bretons, Gaël, enfin celtes en tout cas, donc plutôt les Écossais, et il y a cette espèce d'harmonie de la naissance de Britannia. C'est pas très courant de voir des références à Britannia, en fait, à cette époque-là. Il y a un moment qui est vraiment pas très subtil où Merlin dit ne t'attriste pas, Oswald, car un jour, bretons et saxons formeront un seul et même peuple. Voilà, il y a cette perspective. On avait utilisé un extrait de cette chanson finale, And Hey for the Honor of Old England, oui, à la fin. Ça peut paraître étonnant d'entendre ça dans une histoire où Arthur va combattre les Saxons, mais en fait, c'est tout à fait ce qui est réalisé. On en parlait aussi quand on parlait de l'Arman. On est dans une version très unifiée, finalement, des peuples de Bretagne, au point que, comme tu le dis, Oswald, qui est le méchant saxon, le chef saxon, qui est un ennemi à la base, est en fait, hoisted by his own dragon, dans la personne de... Comment il s'appelle Osmond, son sorcier qui le détrône finalement un peu et qui kidnappe Emmeline. Et au final, Oswald et Arthur sont réconciliés, plus ou moins. C'est assez ambigu. Et ça finit par ce masque, justement, où on voit le futur et on voit... Et pour le coup, ça, c'est intéressant parce que ça m'a mis en évidence ce truc que tu n'entends pas, en fait, quand tu entends juste quand tu écoutes juste la chanson. Ça, c'est peut-être sûrement plus évident quand tu lis le texte, mais bon, je ne lis pas des livrets d'opéra tous les jours pour mon fun. Là, ça a vraiment mis en évidence ça. Parfois de façon pas très subtile, t'avais vraiment les avatars de la Brexit Britain avec les paysans chapeau melon et le boxeur et l'atmosphère de fête de kermesse des années 50. T'as l'impression que Blake et Mortimer vont arriver et trouver une taupe soviétique dans le petit village au milieu de la fête de mai. C'est vrai que je vais mentionner un peu un angle un peu plus peut-être analyse critique politique comme ça de la portée de l'œuvre, mais il faut dire que c'est pas extrêmement subtil, qu'on a les siècles qui défilent et puis qu'on a les paysans anglais qui chantent qu'ils ont tendance à frauder la dîme. T'es un peu là, pourquoi est-ce qu'on devrait donner notre argent à l'église là, genre, ok, est-ce que c'est vraiment à quoi tu pensais comme conclusion pour cette épopée arthurienne? Il y a un déterministe assez... c'est un texte très politique, en fait, et ça, je pense qu'on peut pas c'est difficile de le sortir du contexte, et c'est intéressant. J'ai trouvé cette image d'une Grande-Bretagne un peu disons de carte, pas en carte en pâte, mais assez stéréotypé au moment du Brexit, au moment de cette identité britannique. Ça m'a fait penser en fait à la cérémonie d'ouverture des JO de Londres en 2012, si tu vois ce que je veux dire, cette espèce de défilé de clichés de la Grande-Bretagne. Ce qui était rigolo, c'était que ce cliché-là, en l'occurrence, les grands en Grande-Bretagne, ils s'en sont très très fiers. Le Royaume-Uni, tu demandes à des Anglais, à des Écossais, des grands Bretons, ils sont très très fans, ils avaient adoré ça. C'était vraiment, ils étaient tous très sceptiques avant, et puis après les JO de Londres, c'était vraiment le moment où tout le monde était heureux, la cérémonie d'ouverture était waouh, une encapsulation positive de ce qui est britannique. Ça joue plus sur des clichés, forcément. Le public, malgré la quantité d'expats probablement présente dans le Grand Théâtre à Genève, dans l'Opéra des Nations, ce sera quand même majorité des Suisses. Donc, il y a inévitablement un aspect qui est peut-être un peu plus caricaturé. Mais c'était assez intéressant comme piste. Après, vraiment, ce que j'ai trouvé plus... je ne savais pas trop comment faire, c'est cette mise en scène très... Alors, je comprends l'idée, un peu guerre des gangs, un peu... faut rapprocher ça d'un côté très... Et puis, je n'ai pas vraiment compris l'usage de costumes BDSM. C'est vraiment du queer coding des méchants. C'est genre, comme tu sais, dans les Supernats, c'est l'exemple parfait. Les Saxons sont des méchants de cartoon. Hein. Ils jouent ça à fond avec Osmond qui a son petit rire machiavélique et qui cabotine à mort. Ils ont décidé de se vautrer là-dedans. C'est des méchants de dessins animés. Oui, mais de dessins animés, avec ce côté justement, ce qu'on appelle le... je sais pas si... Alors, le terme est politiquement utilisé de façon très différente, mais le queer coding, en gros, tel qu'il est utilisé les Super Nanas, l'exemple de lui qui est... On est un peu là-dedans pour la scène du... Après, ils sont pas très présents, mais pour la scène du sacrifice, les Saxons, il y en a qui ont ces espèces de sabots... Porte-jartière, cornes, tout en cuir. Mathilda, qui est la dame de compagnie d'Emeline, est ici interprétée par un homme qui est habillé comme un Saxon, donc sous-entendu que c'est un agent secret ou un agent double ou une espèce d'esprit... des Saxons, il y a... Je sais pas trop quoi en faire, mais... C'était ça, voilà, je sais. C'était pas très clair, l'intention derrière. Après, je pense que le réflexe était, ils sont bizarres. Mais après, il y a peut-être... Tu peux peut-être éventuellement sauver ça en te disant, mais à la fin, ils sont quand même unis. Puis Arthur était pas non plus extrêmement... il y avait quand même un peu de cuir et de côte de maille, de mèche du côté arthurien aussi. Mais enfin, ça restait assez curieux. D'autant que c'était combiné avec des costumes, somme toute, assez classiques, par exemple, pour Emeline, alors que Merlin... était un peu en blazer blanc avec des bijoux assez pendants et pas de barbe, quoi. C'était vraiment le... Il y a un côté dans, justement, quand on parle de ce que disent... Et ce côté où Merlin est toujours un peu anachronique et tout, mais c'est... Je sais pas. Là, t'avais l'impression qu'il sortait de deux flics à Miami, quoi. Ouais. C'est un peu... c'est dommage. Puisqu'on parle d'attention, j'ai un petit laïus, si tu me permets de le faire. Oui, justement, fait ton laïus. La... La mise en scène, l'intention, l'actualité, un peu, je voulais revenir juste là-dessus, sur en fait un truc qu'on peut pas maîtriser quand on fait ce genre de mise en scène, parce qu'on commence à le mettre en scène des mois ou des années avant que ça soit pertinent, c'est l'actualité en fait. Ça arrive très souvent qu'une œuvre sorte un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que d'un seul coup, à cause de l'actualité, il y a un thème ou un sujet qui devient d'un seul coup beaucoup plus chaud et beaucoup plus difficile à traiter. Bien sûr, on peut pas mettre ça comme faute au tableau des metteurs en scène, mais je pense qu'il faut le garder en tête. Pour un exemple un peu extrême, si tu prends par exemple les attentats du 11 septembre 2001, il y a Lindsay Ellis qui a fait une rétrospective, je mettrai un lien sur ce que ça, le 11 septembre 2001 a changé immédiatement et comment il a été représenté, mais il y a eu des changements immédiats dans beaucoup d'œuvres où tout simplement... un exemple qui est assez connu, c'est la fin de Lilo et Stitch. À la fin de Lilo et Stitch, normalement, il y a le vaisseau spatial qui devait s'écraser dans la ville. Et donc, vous aviez cette scène où le vaisseau spatial fonçait entre des immeubles, se prenait dans des étages, les rangées de vitres qui éclatent. C'est assez standard comme motif de film d'action. Mais sauf que là, immédiatement après le 11 septembre, on s'est dit, bon, c'est quand même peut-être de mauvais goût, puis ça a été changé. Du coup, il s'écrase entre deux montagnes mal faites en image de synthèse, un peu comme ça. Il y a eu un truc pareil qui a été fait pour Spider-Man, où voilà, il y avait une pub où Spider-Man attrapait un hélicoptère entre les deux tours. Donc là, c'était vraiment pas de bol. Et il y a eu plein de modifications comme ça. Puis je pense que c'est un exemple extrême où justement l'actualité va changer la façon dont on reçoit une œuvre. Et là, j'ai eu un peu ça sur la question, disons... comme je disais, quand on écoute la musique, on se rend pas forcément compte de l'histoire qui va avec, parce que c'est très déconnecté, et je te dis, il y a quand même beaucoup de thèmes d'agression sexuelle, et de kidnapping et de viol dans cette histoire. Et on est dans une époque où, justement, on parle beaucoup de ces sujets-là, et de la dénonciation des agressions sexuelles et de ce genre de choses, et c'est... je pense pas que c'est forcé d'y voir un rapprochement, parce que en fait, c'est un des thèmes centraux de la pièce, c'est assez explicitement Oswald et Osmond qui veulent kidnapper et violer ou pas violer Emeline, mais en tout cas la prendre à Arthur qui lui l'aime de façon libre, et c'est un peu l'opposition entre les deux, entre le gentil et le méchant qui veut violer la compagne du gentil. Enfin, c'est un motif qui est classique au possible, hein, le méchant qui kidnappe la femme du héros et qui la menace sexuellement. Mais disons, dans le contexte, je trouve qu'il y a plein de choses qui sonnaient beaucoup plus sordides que ça aurait été usuellement. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est le sujet central, c'est le ressort dramatique central de cette pièce. Et donc le fait qu'on voie ce que c'est comme quelque chose de sordide, plutôt que comme juste un motif de film d'action qui montre qui est le méchant et qui est le gentil, c'est pas forcément mauvais. Mais c'est un des thèmes de la pièce. Donc Arthur reproche à Oswald, après qu'il ait enlevé Emmeline, que l'amour doit être donné librement et non de force. Il dit, ah, tu t'as kidnappé. Oswald dit, oui, mais si elle me refuse la clé de son corps, je devrais briser le cabinet. Enfin, mais en gros, Oswald, c'est celui qui est vaguement honorable. Genre, quand il kidnappe Emmeline, elle et Mathilda crient au viol. Donc, dans le livret original, elle crie, help, help, a rape, a rape. Ce qui est intéressant, parce que j'ai trouvé des œuvres de Dryden où la mention du viol était enlevée, en fait. Ils ont juste laissé help, help. Ils ont enlevé la mention de viol. Même si la réplique de Oswald qui dit, non, mais vous me prenez pour qui? Je vais préserver votre honneur. Laisse quand même sous-entendre que c'est ce qui était entendu. Et quand Osmond se retourne contre Oswald et dit « Ah ah, Oswald t'avait kidnappé, Emeline, mais il était honorable. Moi, je t'ai kidnappé, mais je vais pas me gêner pour être déshonorable, je vais te violer, ah ah !» Et assez explicitement... Oui, il avait des petits « haha » à la Mickey, en fait. C'était très, très perturbant dans le contexte. Mais disons, il a aucun... C'est assez explicite que, voilà, Osmond va la violer, il la violente, il la pousse par terre, elle se débat. Donc, ils ont mis ça en scène de façon violente. Et quand Oswald kidnappe Emeline, il la plaque au sol, puis il la prend sur son dos et il se barre avec elle. Et je veux dire, c'est pas forcément mauvais. Je pense, je préfère même que, justement, ils fassent une mise en scène qui mette en évidence la violence du truc, plutôt que de juste dire, oh, on la met sous le tapis, puis du coup, c'est pas violent. Alors que, bon, c'est un peu, je veux dire... Dans le contexte, ça paraît bizarre, ça paraît presque bizarre que la violence soit pas là, quoi. Voilà, je pense pas qu'il faut mettre ça... C'est pas ça, le sujet. Je pense pas qu'il faut mettre ça sous le tapis. Mais je pense qu'on peut aussi comprendre, il y a eu cette polémique débile sur Carmen, où le réalisateur avait dit... Enfin, le metteur en scène, réalisateur, avait dit que... Oui, on peut pas applaudir le meurtre d'une femme, alors on a changé la fin, finalement ça a capoté, puis il a rechangé, déchangé la fin, c'est pas grave, et au final c'est juste que, voilà, elle sort un pistolet, puis on sait pas si elle tire ou pas, enfin, mais je crois qu'on peut comprendre, parce qu'il faut aussi se mettre dans la peau de la mise en scène, tu répètes ta pièce, tu l'as fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, puis au bout d'un moment tu te dis, ouais, c'est quand même, tu te rends compte, parce que pour l'histoire de Carmen, je pense que c'est ça aussi le problème, l'histoire de Carmen, elle est un peu dégueulasse, que ce soit l'opéra ou l'histoire de Mérimée d'ailleurs, et ça se limite... C'est typique de Mérimée finalement. Ça se limite pas du tout à la scène finale. Et c'est clair que si ton truc c'est « j'ai changé la scène finale », voilà, il n'y a aucun problème. Je pense pas que c'est un problème de justement de choisir de montrer cette violence, ou de la, mais que tu puisses te poser la question de comment la mettre en perspective et de aussi se poser la question de mais est-ce que dans le contexte où on est aujourd'hui, les gens vont pas le voir différemment? Est-ce qu'ils peuvent vraiment apprécier ça sans ironie, sans distance, etc., vu que c'est devenu un sujet chaud? Et je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Et le truc, c'est qu'à l'opéra, et particulièrement dans un truc comme King Arthur, comme cette espèce de monstre hybride, l'histoire, elle est secondaire. On vient pas pour un scénario génial. Ce qu'on veut, c'est des tableaux mémorables. On veut une image accordée à une musique qui soit mémorable. L'histoire, c'est juste cette espèce de moutarde dans la vinaigrette qui permet de connecter logiquement les différents tableaux. Je serais pas si sûr pour tout. Pas pour tout, mais... Ça dépend de l'opéra et ça dépend du genre. Je suis pas sûr que tu puisses dire ça pour Wagner, par exemple, ou pour Mozart, même, dans Les Noces de Figaro, par exemple. J'admire aussi bien la musique de Mozart que le talent d'Apande pour transformer l'histoire de Beaumarchais. Après, je pense que c'est plus spécifique, en tout cas, dans l'opéra comme... dans le grand opéra comme Carmen, où le texte, quand même, a une importance, certes, mais dans quelque chose comme, par exemple, en tout cas, dans King Arthur, c'est clair. L'important, c'est vraiment le tableau et la musique. On vient quand même voir de la musique avec une image. Il y a une histoire qui est là, mais elle est là pour faire le lien entre ces différents tableaux, en fait. Et comme je disais, dans le Hither This Way, c'est un tableau qui est mémorable, les gens qui courent dans les arbres, il y a quelque chose qui fonctionne de ce côté-là. Mais je pense que ça mérite d'être testé, justement. Ok, il y a des gens qui, justement, vont réagir de façon assez épidermique et qui vont dire « Oui, Carmen meurt à la fin, c'est pas très sympa », mais c'est un tableau mémorable, et c'est à ça que s'accorde la musique, et c'est ça qui va avec, et c'est là-dessus qu'on devrait finir. Je pense que ça mérite d'être testé. Est-ce que c'est vraiment ce tableau-là? Parce que je veux dire, la mort de Don José, ce serait aussi un tableau mémorable à ce compte-là. Et je pense que ça mérite d'être interrogé en tout cas. Puis que pousser tout ça sous le tapis, justement, c'est pas forcément une bonne stratégie toujours, parce que c'est pas toujours possible, puis aussi que ça dénature un peu le truc. Je veux dire, là, Dryden et Purcell veulent parler de viol et de kidnapping et de choses comme ça. Et de, justement, le thème de l'amour et de l'amour librement donné, par opposition justement à la séquestration et au rapt, c'est un des thèmes centraux de la pièce. Et en fait, je pense que c'est un des nerfs de cette œuvre, et que c'est difficile, justement, si on se dit qu'on veut pas réfléchir à ces questions-là, ouais, à quoi bon monter cette pièce, quoi. Je pense que c'est important d'y réfléchir. Je pense aussi que, pour le coup, l'œuvre souffrait un peu de son caractère très comique par moment, surtout dans le personnage de ce monde qui était vraiment pas traité de façon inquiétante. Le fait qu'il ait, il était joué avec une... Alors c'était fait exprès, hein, c'était clair que l'acteur le jouait avec une nonchalance absolue, c'était vraiment, t'as l'impression qu'il lisait toutes ses lignes ironiquement, alors pourquoi pas, mais du coup ça donnait une espèce de climat quasi comique permanent à cet acteur-là, à ce personnage-là, qui désamorçait trop, je pense, le poids de sa violence, et qui faisait en coup, du coup, que les moments où il était très violent, c'était des lignes où les gens riaient. Le moment où il dit Oswald allait être chevaleresque avec toi, mais moi je ne le serais pas du tout, et là tout le monde rit, et pour le coup c'est assez malaise, parce que le but aurait plutôt été de souligner que lui justement il allait la violer et que c'était dramatique, et les gens ont dû dire ah merde, mais c'est inévitable que ces moments là vont devenir comiques. Mais du coup, que ça soit combiné avec cette espèce d'inquiétante force avec laquelle il manipulait Emmeline, c'était assez particulier. Donc, je pense que ça marche dans le contexte relativement général de l'opéra baroque et du masque un peu étrange comme dans King Arthur. Je pense pas nécessairement que ça aurait marché de la même façon si ça avait été un opéra un peu plus sérieux, ou un truc un peu plus pas réaliste, mais un opéra un peu plus conventionnel, ou dans une pièce de théâtre normale. Je vais quand même dire quelque chose sur la question de la représentation du sexe, où justement ils ont pris quelques libertés, parce que si on regarde le livret, on voit qu'on a quand même beaucoup de marge pour mettre ça en scène de différentes manières. Mais j'ai mentionné justement que dans certaines éditions de Dryden, de 1770 notamment, celle que j'ai trouvée, on enlève la mention de viol, on veut pas que ce soit explicite. Ce genre de puritanisme, bien sûr, le problème c'est qu'à l'époque c'est pas forcément le viol qui pose problème, c'est le sexe en son entier, donc qu'il soit violent, enfin, quel que soit le degré de violence qui va avec. Et c'est un problème plus général, c'est justement qu'on représente pas vraiment le sexe. C'est quelque chose dont parle notamment Régis Michel, où il y a Crêpe Georgette qui tient un blog féministe qui parle de ça, qui parle que... En art, dans l'art occidental en tout cas, on a de la difficulté à représenter le sexe, au point que, à la place, on représente le viol. C'est un truc dont il y a énormément de tableaux, je pense que le plus connu, c'est le Verrou de Fragonard, où les gens l'analysent, disent « ouais, il y a deux écoles, on peut voir ça comme une scène de viol ou une scène érotique ». Et on n'a pas vraiment de tradition qui fasse vraiment la différence entre les deux. La seule manière qu'on a de montrer le sexe visuellement, au théâtre c'est autre chose, mais visuellement par exemple, ce serait... le viol et le sexe sont confondus. Puis je pense bien sûr qu'il y a des problèmes moraux qui découlent de ça, mais je pense que c'est déjà un échec artistique. C'est-à-dire que si tu peux pas faire la différence entre l'amour et la violence dans une pièce qui parle d'amour et de violence, bon, c'est un échec déjà sur le plan artistique, parce que là, c'est une question de communication. Là, au contraire, je pense qu'il y a un truc qui serait à dire positivement sur un autre chose, c'est qu'ils ont décidé de sexualiser la scène des bergers. Donc, j'avais dit, dans le livret, c'est plutôt ils donnent les flûtes aux bergères, puis les bergères font « le pipeau, c'est sympa, mais il faudrait quand même qu'on se marie », puis après, ils se marient et ils ont un mariage heureux. Là, ils ont... La représentation, à mon avis, se casse complètement. Dès qu'on y réfléchit 5 minutes, on se dit « mais ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils étaient en train de faire ». Ça fait sens parce que, basiquement, je l'ai dit, c'est une scène idyllique, c'est-à-dire que pendant qu'on attend le verdict de la bataille, Mathilda et Emeline disent « regardez, des bergers qui viennent nous distraire », puis on voit les bergers qui chantonnent, qui font de la flûte, qui disent « ah, que les bergers sont chanceux, parce que bah, pendant que tout le monde va se battre, nous, on peut batifoler dans les prés ». Ils donnent leur flûte aux bergères, qui les rendent, et finalement, ils se marient. Donc c'est un truc sur « ok, le sexe, c'est bien, mais tu sais ce qui est encore mieux que le sexe ?» Le sexe marié. Le sexe au sein du mariage. Et puis, justement, les bergères répondent aux hommes, elles leur disent le pipeau, c'est sympa les jours d'été, mais après, women have the shot to pay. Donc les femmes payent un prix beaucoup plus gros pour ce genre de batifolage, donc il faut se marier. Un argument qui est général, soit conservateur, soit... Enfin, on peut le voir de différentes manières. Mais donc, c'est une représentation idyllique, c'est un des seuls moments où le sexe est vraiment innocent, parce que partout ailleurs, c'est une violence ou un problème. Donc on a Oswald et Osmond qui veulent violer Emmeline. L'amour entre Arthur et Emmeline est plutôt chasse, donc ça apparaît pas là. Et quand Arthur voit la fausse Emmeline, donc c'est Grimbald, un démon sous l'apparence d'Emmeline, dans le livret, normalement, elle lui tend juste la main, puis quand Arthur va la toucher, il y a Philidel qui débarque avec la baguette de Merlin, et qui fait « ah, c'était une illusion ». Là, par contre, Emmeline se vautre sur Arthur en râlant sensuellement « prends-moi ici, ah !» Donc le sexe rend la menace, et Arthur est sur le point de la frapper, il dit « non, c'est une illusion de la forêt maléfique », et il va la frapper avec son épée, ce que je relève aussi. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que la seule personne qu'Arthur menace de son épée dans la mise en scène, maintenant, c'est la fausse Emmeline. C'est-à-dire que même Oswald et Osmond, Arthur ne les menace pas physiquement avec son épée, même le combat contre Oswald, qui normalement serait fait à l'épée, où on foutrait du faux sang sur les épées, puis il se taperait dessus. Là, ils ont fait une espèce de boxe. C'est un combat de boxe qui arrive. Le seul moment où Arthur menace de buter quelqu'un, c'est Emmeline. Enfin, c'est une fausse Emmeline, mais c'est genre cette femme sensuelle qui se jette sur lui. Donc bon, c'est pas innocent non plus, mais je passe là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a, de ce point de vue-là, on pourrait lire ça du point de vue d'une espèce de peur de la sexualité, du point de vue des Bretons et d'une promiscuité, promiscuité absolument voilà, ils sont nocives. C'est vrai que si tu mets ça bout à bout, t'as les Saxons BDSM un peu visés, un peu homosexuels ou en tout cas invertis. De l'autre côté, t'as Emmeline qui est cette méchante, le démon Arthur Walkspace Jesuit, qui veut pas être horny on main. Donc je pense que c'est un choix. C'est des choix où ils se sont dit ah, ce serait marrant si Arthur et Oswald se battaient dans un combat de boxe, et ce serait marrant si on montait le volume puissance 20 dans la scène entre Arthur et la fausse Emmeline, et puis il l'amenace avec son épée, elle se jette sur lui, elle est couverte de sang, voilà, très bien. Puis il la menace avec son épée, mais le résultat, c'est que du coup, la seule personne qu'Arthur menace, c'est elle. La seule personne qui sait pas forcément. Je pense qu'ils ont juste pas eu cette vue d'ensemble. Et ensuite, un autre truc qui est justement assez intéressant, c'est que à l'inverse de la violence sexuelle qui est montrée, la relation amoureuse qui est prônée, donc mariée, fidèle et chaste, c'est difficile à mettre en scène parce qu'on peut pas montrer. Ça, ce serait la morale de pour Percy et Dragon, ce serait le bon truc, c'est le mariage chaste, relativement chaste, ce qui est difficile à mettre en scène parce que c'est surtout une inaction en fait. Mais si vous lisez le livret, il y a peu d'indications sur ce que les bergers et les bergères font. Là, ils ont fait Mathilda qui passe la flûte du berger entre ses jambes en la dressant sur son bas-ventre, du coup, parce qu'elle met un peu en scène, elle cabotine un peu en mettant en place la scène, ce qui souligne que c'est un truc peignant, même si c'est pas utilisé. Un berger va batifoler derrière un buisson tour à tour avec deux bergères en mimant le coït ou une fellation ou on sait pas quoi, puis il fuit leur demande de mariage conjugué. Et là, j'ai trouvé ça très bizarre, parce que basiquement, la mise en scène standard, c'est... Tous les bergers proposent leur flûte ou batifole avec une bergère chacun, puis après, elles leur demandent, elles leur brandissent des contrats de mariage, elles disent « mariez-vous », et les bergers acceptent. Et là, ils ont choisi d'avoir un seul berger qui batifole avec deux bergères, et du coup, la scène devient bizarre, parce que c'est censé être « oh, ok, j'accepte de marier », mais là, il peut pas, parce qu'il doit forcément rejeter une demande de mariage, vu qu'il y a deux femmes qui lui le demandent. Et là, c'est ajouté au fait que la scène semble conjurée par Mathilda, qui est dans la narration présentée comme une figure maléfique, parce qu'elle est censée être celle qui aide, c'est pas dans le livret, mais c'est dans la mise en scène, en pratique, elle aide Osmond à violer, en fait, à kidnapper Emmeline. Et ça ajoute un niveau d'interprétation à la scène qu'elle conjure de ce fait. Mais je pense qu'il y a ça aussi, effectivement. Et ce qui devient vraiment bizarre pour moi, c'est ça. C'est en fait, quand vous regardez cette scène, Quand, regardez d'autres mises en scène de la scène, par exemple la version de Newmo, c'est assez clair. Berger fricote avec Berger, elle lui propose mariage, il accepte. Là, en fait, ils sont un peu écrits dans un coin avec cette mise en scène et on comprend pas vraiment que la morale de cette scène, c'est que le mariage, c'est bien. On a cette image du mec qui batifole puis qui après se retrouve coincé par plusieurs demandes de mariage, qui comiquement marche mieux, mais qui est pas du tout ce qui est censé être le message de la scène et qui, à mon avis, marche pas du tout parce qu'en fait, l'infidélité, c'est pas du tout un des messages. C'est une pièce qui parle beaucoup d'amour et qui parle de la constance en amour, mais l'infidélité, c'est pas quelque chose qui est mis en scène dans l'histoire. Arthur et Emeline sont parfaitement fidèles, et même Osmond et Oswald qui veulent violer Emeline n'ont pas d'autres visées. La question d'aimer plusieurs personnes n'est pas vraiment quelque chose qui entre en compte. Donc pour moi, ça, j'ai même pas compris. C'est vraiment en écoutant les paroles et en regardant les paroles que j'ai compris. Ah, en fait, le berger accepte le mariage. La mise en scène, là, me le rendait pas clair du tout. Et donc là, on est vraiment dans du mélange de pinceaux qui me semble un peu... ouais. Ce qui n'est pas aidé par la traduction en français, j'imagine, aussi. Il y a ça. Puis aussi, il y a des scènes où le berger met des mains aux fesses des deux bergères qui font ce sursaut vaudevillesque que je déteste de mise en scène. Genre, oh, il a mis une main au cul. Puis là, genre, ouais. Puis là, moi, ça rejoint un peu ce que je disais sur mon puritanisme islamo-calviniste où je dirais, ok, c'est tout ça, ça passe à la trappe. Mais je dirais plus sérieusement, le fait de penser à ce genre de choses sur les agressions sexuelles, la représentation du viol, etc., surtout dans une pièce où c'est un sujet littéralement central et peut-être même le ressort dramatique central, c'est pas un moyen de dire « Ah, il faut censurer et puis tout foutre sur le tapis ». C'est aussi un moyen de réfléchir à justement l'unité de tout ça. Parce que ce genre de scène où on se retrouve avec le fait que Arthur est plus violent envers une fausse Emeline qu'envers Oswald, qui est le méchant de la pièce, c'est un problème pour la mise en scène. Le fait que la scène des bergers s'effondre complètement logiquement, genre elle n'a plus du tout le même sens qu'elle devrait avoir, et on lui donne même plus un nouveau sens qui est cohérent, ça pose quand même problème, surtout quand c'est le seul moment où justement où on montre la sexualité de façon un peu neutre. Dans le même genre, alors que l'histoire est finie, et que les chansons finales se passent plus ou moins hors du récit, donc hein, cette version bizarre, Britannia, le défilement des siècles des paysans britanniques, alors qu'une dizaine d'allégories viennent chanter la gloire de l'Angleterre, on voit Osmond cabotiner et il déshabille Chi. Genre, il enlève la robe de Chi, sa robe à homard, pour révéler le vêtement qu'elle a dessous lors du duel final entre Chi. Et je comprends pas pourquoi je suis là. On est hors du récit. Le grand méchant maléfique a été jeté hors du cachot. Et puis là, le mec, il est en train de cabotiner sur scène, à lui arracher ses vêtements alors qu'il a été... Pourquoi est-ce que c'était une bonne idée de mettre le méchant en train d'arracher les vêtements d'une abstraction de femme alors que c'est censé être un violeur, enfin je comprends pas, tu vois, et je me dis, ce genre de choses là, ou le cabotinage, tout ça, c'est des problèmes qui sont artistiques, mais je pense que s'ils étaient posés puis qu'ils avaient réfléchi à ça, ils seraient rendus compte, ils auraient une vision un peu panoramique et ils seraient rendus compte que tous ces nœuds là qui posent problème, en fait ils auraient pu être unifiés, et dans, ça aurait pu être recadré en s'interrogeant sur le message central de la pièce, le fil rouge des relations amoureuses, et avec souci en tête, peut-être vivifié par l'actualité, parce que je pense justement que ça aurait... que ça donne une force nouvelle à ce que... On pense pas la même chose que Purcell ou Dryden là-dessus, mais c'est des sujets auxquels on pense encore, et ça pourrait et c'est ça qui donnerait une force à cette pièce. Elle fait d'y réfléchir, ça aurait pu, à mon avis, donner une unité qui manque cruellement dans une pièce comme King Arthur, en fait. C'est aussi, je pense, le fait de ne pas avoir voulu considérer, ou de ne pas avoir réussi à considérer tous ces aspects de l'œuvre qui sont particulièrement disparates, c'est le seul point sur lequel ils insistent beaucoup dans le programme, dans leur note d'intention, c'était l'idée d'avoir vraiment, d'essayer de donner une cohérence à quelque chose qui n'apparaît pas cohérent. Mais le problème, c'est que ça n'apparaît clairement pas cohérent pour eux non plus. Donc, ils essaient de donner une cohérence de façade, mais qui ne marche pas parce que pour eux, ils comprennent la chose comme incohérente. Or, pour Dryden et pour les spectateurs, pour Purcell, pour les spectateurs de l'époque, il y a une cohérence. Et je pense que c'est l'échec de rechercher cette cohérence qui fait que on empile un peu les métaphores séparées, oui, et qu'on espère que ça marche ensemble. On ajoute, disons, peut-être un peu d'harmonie. On intègre peut-être plus les masques au récit pour que ça fasse un peu plus fil rouge, effectivement. Et du coup, d'où l'appel de ce monde pour bien signaler qu'on est toujours dans le récit et qu'on n'est pas en dehors. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de... Quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas capable de conceptualiser l'œuvre comme un tout cohérent. Et je pense qu'au final, malgré les arguments qu'ils utilisent pour dire oui, on a essayé d'en faire quelque chose qui apparaisse comme cohérent, qu'on puisse regarder aujourd'hui, il reste au fond d'eux un sens que c'est pas cohérent et ça devrait pas être cohérent. Alors qu'au final, si, justement, l'œuvre est une œuvre totale, elle a peut-être pas la cohérence qu'on attendrait aujourd'hui, mais il y a une logique à cette œuvre, à cette accumulation, qui n'a pas été, semble-t-il, compris, ou alors compris dans le mauvais sens. Si on regarde ce que Purcell et Dryden pensent, c'est assez clair que c'est un éloge du mariage, de l'amour libre. Il y a tout un discours sur l'amour qui est, on n'est pas forcément d'accord avec. Moi, personnellement, je pense pas du tout comme Purcell ou comme Dernier. Et je pense que personne aujourd'hui pense vraiment comme eux, en fait. C'est ça qui est aussi dramatique. Mais c'est le rôle de la mise en scène. C'est le rôle de la mise en scène de mettre en perspective l'œuvre. Il n'y a pas besoin de changer le texte, il n'y a pas besoin de changer la musique, il n'y a pas besoin de changer l'histoire, mais c'est le rôle de la mise en scène de mettre ça en perspective et de dire, ok, Dryden et Purcell pensent que le viol c'est mal et que les relations amoureuses libres, quand elles sont faites de façon délibérée, c'est très bien. Aujourd'hui, on pense pareil, on a changé d'avis sur beaucoup d'autres choses, mais le cœur là, au centre, on est encore d'accord. C'est l'occasion de justement de mettre ça en perspective et de dire... Parce qu'à chaque fois que j'ai été sorti et que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça... À chaque fois que j'étais sorti de la pièce, vraiment, c'était ces moments où je me disais, ça n'a pas de sens. Et en réfléchissant, ils étaient tous liés, de par le sujet de la pièce, ils étaient tous liés à ça. Et peut-être que réfléchir là-dessus, ça aurait été, à mon avis, une manière de vraiment parachever ça et d'en faire quelque chose qui soit vraiment, peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas, qui ait une unité qui dépasse ça. Après... Je tiens encore à souligner que globalement, j'ai quand même apprécié l'expérience de Working Author. Moi aussi, je pense que c'est aussi lié au problème inhérent au genre de l'opéra et surtout de l'opéra comme ça, qui a une grande distance apparente en tout cas entre ses parties chantées et ses parties parlées. C'est plus facile de mettre en scène les Noces de Figaro, Così fan tutte, même de mettre Tannhauser ou les Maîtres chanteurs de Nuremberg ou je sais pas moi, Othello de Verdi ou enfin ça apporte ses autres problèmes. Disons la Gazza Ladra, la Somnambule de Bellini, ça, c'est plus facile de mettre en scène, je sais pas moi. La Veuve Joyeuse, c'est plus facile de mettre en Veuve Offenbach. C'est beaucoup plus facile de mettre en scène quelque chose d'apparemment plus cohérent. C'est plus facile aussi, même dans le cas des pièces de Shakespeare, de mettre en scène ne serait-ce que quelque chose comme Roméo et Juliette, qui a pourtant un whiplash tonal assez important, des scènes de danse particulières, un espèce de discours de la reine Mab dans la bouche. Il y a des bouts particuliers dans Hamlet. Shakespeare, pourtant, est bien mieux mis en scène que ça, en général. Et je pense que ça parle au fait que le médium particulier de ce semi-opéra, un peu entre deux, un peu hybride, un peu curieux dans ce genre, amène une grande difficulté à faire une mise en scène cohérente, qui est possible, mais qui nécessiterait, je pense, de se mettre beaucoup plus à la place du spectateur ou de l'auteur du XVIIe siècle, et qui est beaucoup plus difficile à mettre en place si on veut rendre l'expérience. Je pense que, mine de rien, c'est difficile d'essayer d'avoir cette vue d'ensemble et de satisfaire le public maintenant, parce que ça impliquerait de considérer que ces grandes disparités entre les deux parties de l'œuvre sont normales. Or, pour le public d'aujourd'hui, si tu traitais ça sur le point de vue normal, strict, il y aurait une espèce de retour de fouet désagréable ou particulier ou étrange, et le spectateur aurait peut-être l'impression mais qu'on se fout de sa gueule, en fait, si tu veux. Qu'on aurait l'impression que... Mais pourquoi ils essaient de me vendre ce truc qui ne va clairement pas ensemble ? Et je pense qu'en essayant justement de remettre ces choses de façon cohérente, plus ou moins, sur le point de vue du ton en tout cas, en essayant d'altérer chaque élément pour les faire en quelque sorte tenir ensemble, se fait au prix de la cohérence, de la cohérence réelle du propos tenu en tout cas, et des idéologies tenues. En tout cas, si vous êtes intéressé dans le théâtre de la Restauration, parce qu'on est dans du théâtre de la Restauration et dans ses œuvres contemporaines, je vous recommande très fortement, du moins si vous pouvez lire l'anglais, les pages Wikipédia consacrées à l'histoire du théâtre anglais. Celle sur la Restauration est très très complète sur ce genre de production, sur les attentes de ces productions. Il faut dire aussi que ce sont des productions qui devaient être des succès commerciaux, d'où, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'accumulation de genres très différents, c'est aussi une façon de contenter différents corps de métier, c'est aussi une façon de contenter différents types de personnes. Typiquement, un exemple qui est resté pendant très longtemps, c'est on a des ballets à l'opéra à un moment particulier dans les opéras parisiens, parce que les riches donateurs de l'opéra veulent voir leurs petites ballerines protégées danser à tel moment, et après, ils sont en train de souper, puis après, ils vont encore boire des coups. Donc, il y a un opéra dans certains grands opéras, une tradition du grand opéra du 9e siècle, on met un ballet à tel moment, et Wagner, par exemple, s'est beaucoup heurté à ça quand il a voulu mettre en scène des opéras en France. Non, je vais faire 4 heures, il y a 4 heures de temps où quelqu'un crie, c'est une scène mystique qui est indispensable. Voilà, donc il y a des contingences pratiques aussi qui sont là, et je pense qu'on y pense pas forcément souvent. Un exemple très très courant, c'est dans As You Like It, donc Comme il vous plaira de Shakespeare, je prends de cette référence, le discours final tenu par Rosalind est clairement aussi lié au fait que l'acteur qui jouait Rosalind à la base était un garçon, un jeune garçon, il n'y avait pas de femme qui jouait dans le théâtre élisabéthain. Et il y a beaucoup d'œuvres comme ça, et je pense que c'est paradoxalement plus courant, parce qu'aujourd'hui on a tendance à plus facilement écrire des œuvres soit très spécifiques pour un contexte, soit pour qu'elles soient le plus vagues possible et le plus adaptables possible. Mais il y a des contingences matérielles de fait énormes dans ces textes, et surtout pour une production aussi grosse que celle que pouvait l'être King Arthur à l'époque. C'est une production quand même pas mal riche en effet, hein. Ouais. Mais je pense que les productions de l'époque devaient l'être encore plus. C'était des productions qui étaient clairement là pour faire ramasser du cash, hein, ouais. Qu'on soit d'accord. Donc je pense qu'aussi il faut tenir compte de cet aspect là et je pense que pour le coup c'est quelque chose qui est difficile à rendre de façon visible pour le public d'aujourd'hui, et ça je pense que c'était un grand défi. En tout cas, je vous recommande, il y a plein de livres sur le théâtre élisabéthain et de la Renaissance et des temps modernes que vous pouvez lire, mais si vous voulez un point de départ, si vous parlez anglais, en tout cas les pages Wikipédia du théâtre anglais, de l'histoire du théâtre anglais, sont de très bonne qualité. Je vous les recommande chaudement. Et peut-être pour finir, toujours dans l'opéra anglais, toujours avec Purcell, pour quitter, je sais pas s'il y avait encore des choses à ajouter, Laïs, mais sur King Arthur. Pas assez de verdicts final, pas assez de Bears torse nu, 2 sur 10. Non, je pense que. Pas assez d'infidélité, c'est pas assez arthurien. Franchement, je pourrais parler encore de plusieurs heures de certains trucs, notamment, je pense que est-ce que l'œuvre est vraiment de bon goût par certains aspects? Je pense typiquement à un truc qui est assez difficile à gérer avec bon goût, donc ils ont complètement abandonné, ils se sont dit, on espère que ça passe quand même, c'est le fait qu'Emeline est aveugle et qu'elle retrouve la vue, puis il y a plein de jeux de mots et de. Donc c'est en fait un des trucs, c'est justement elle a jamais vu Arthur mais elle l'aime quand même, mais après elle retrouve la vue et puis elle le voit, et franchement je pense pas que c'est une gestion particulièrement délicate de la cécité. Mais parmi d'autres choses, mais je pense que c'est très particulier, très difficile à rendre, mais on vous a quand même parlé pendant plus d'une heure maintenant d'une œuvre que vous n'avez probablement pas vue, statistiquement parlant. Ouais. Si vous n'avez pas encore éteint l'épisode, félicitations. Je vous encourage à chercher des productions de King Arthur à regarder. On a beaucoup parlé du style musical d'Alarcon, on vous en a pas beaucoup fait entendre. Toujours donc dans le baroque anglais de Purcell, donc toujours dans Purcell, sa version de l'ouverture de Didon et Aeneas, peut-être pour conclure, c'est pas très arthurien, mais ça vous donnera peut-être une idée de son style assez particulier, encore que là, il y a quelques années, c'est pas encore tout à fait le style formé qu'il a aujourd'hui. En tout cas, ça vous donnera peut-être un aperçu de son style et ça vous donnera peut-être envie de découvrir sa musique, qui est, je pense, très enrichissante, très intéressante, même si c'est pas forcément ma came quand on parle de musique baroque. Et on vous retrouve tout de suite après pour une interview que Laïs a faite de William Blanc, l'auteur du livre Le Roi Arthur, un mythe contemporain. Je voulais te poser quelques questions peut-être sur ton livre, Le Roi Arthur, un mythe contemporain, même s'il date d'il y a quelques années déjà, il reste quand même très très complet pour ce qu'on trouve en français sur le sujet. Il y a 2 ans, c'est encore un jeune vieux. Ouais. Une des choses qui m'a assez marqué dans ta conclusion, c'est quand tu parlais du fait que quand tu avais vu Lancelot First Knight de Zucker, tu étais là, il a gâché la légende arthurienne. Ouais, quand j'étais ado, ouais. Mais la réaction assez épidémique. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire qu'on commence par découvrir ça, on a une version dont on pense que c'est la bonne version. Généralement, c'est Mallory ou ça dépend de Mallory aujourd'hui. Ouais. Et puis quand on voit quelque chose qui s'en détache un peu, on a une révulsion, on se dit que c'est pas la bonne version. Ouais. Puis par contre, quand, au fil du temps, on commence à découvrir plein d'histoires, on se rend compte qu'on se prive de quelque chose. Donc. Alors c'est marrant parce que de toute façon ça fait c'est un peu tu vois ça fait penser un peu tu sais, à ce que disait Socrate en fait hein, plus on sait plus on s'aperçoit qu'on est ignorant quoi, en fin de compte hein, donc et plus on étudie le mythe arthurien plus ça rend humble en fait hein, par rapport à l'immense richesse de ce mythe. Et c'est marrant parce qu'à l'époque quand j'ai vu Zucker c'était en 94 si j'ai bonne souvenance j'étais jeune, frais et beau à l'époque. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, je jouais au jeu de rôle. Hein, notamment, je jouais au jeu de rôle Pendragon. Mmh. Et tu vois, déjà, nous-mêmes, dans ce jeu de rôle, on crée notre propre version du mythe parce qu'on inventait des personnages. On passait, donc, et à l'époque, j'ai pas fait le parallèle. Tu vois, j'ai pas connecté. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en effet, ce qui fait la richesse de ce mythe et ce qui fait sa popularité, c'est sa pluralité, sa multiplicité qui est quasiment infini. Moi, on en parlera après, mais depuis que j'ai fini ce bouquin, il y a le nombre de trucs que j'ai pu découvrir encore, même maintenant des gens qui m'envoient des mails en disant « Ouais, en fait, t'as vu, il y a ça et tout. » Enfin, c'est juste sans fin, quoi. Parce que donc, tu t'es vraiment parmi ces chercheurs qui sont un peu à la confluence entre l'histoire, la pop culture, comment est-ce que le reste de la culture utilise l'histoire, quels usages politiques de l'histoire est-ce qu'on peut faire. Et je me demandais un peu si tu avais, parce que j'ai toujours été très sceptique par rapport à cette approche un peu pop culturelle, d'une part parce que ça peut aboutir à des choses assez superficielles où on trouve des parallèles un peu, genre encore récemment j'ai vu que G-Store a ressorti un article de 2003 sur leur site G-Store Daily où ils parlent de Harry Potter en comparaison avec les romances arthuriennes françaises. Et puis l'article est assez marrant parce qu'ils disent d'habitude les comparaisons sont très superficielles, puis après on regarde l'article et on se dit c'est superficiel. C'est relativement superficiel. Ouais, alors plus oui, ou alors parfois c'est juste parfois c'est du grand n'importe quoi. En gros, les mythologies, c'est le retour, en gros la fantaisie actuelle, c'est le retour des mythologies anciennes, et puis on retrouve quelque part, on est en train de revenir à des origines et tout. Bon, ça c'est évidemment, alors là en plus ce genre d'analyse c'est juste débile quoi, ça veut rien dire. Surtout qu'en plus ça oublie le contexte. Mm. Ça oublie le contexte. En fait, toute la difficulté. Quand tu étudies la pop culture, enfin ce qu'on appelle la pop culture, hein, donc toute la difficulté, c'est de considérer ça avec la même érudition qu'un texte médiéval. Mmh. Parce que en fait, en fin de compte, par exemple, moi j'aime beaucoup les auteurs de comics, hein, moi c'est, je fais un chapitre complet sur les super-héros et les mythes arthuriens. C'est pas un hasard, c'est parce que j'aime bien ça. Donc, et en fait, le truc, c'est que, et c'est, en plus c'est très important, je pense, par rapport aux évolutions récentes du mythe arthurien. Mais en plus, il faut comprendre que ces auteurs-là, il faut les considérer comme chrétiens de Troie, en fin de compte. Ils ont des choses à dire. Mmh. Ils ont un contexte autour d'eux, quoi. Ils font pas ça. Alors, et puis, on peut dire qu'en effet, c'est de la commande et tout de la part des boîtes, des grands éditeurs de comics. Hein. Mais chrétiens de Troie, c'est de la commande aussi. Hein, donc bon, tu vois ce que je veux dire. C'est ça la difficulté. Et l'autre difficulté, évidemment, c'est le problème, c'est que les auteurs, souvent, moi je prends l'exemple de Michael, enfin je le cite d'ailleurs, Michael Moorcock, je le cite en note, hein, donc Eric le Nécromancien qui est un grand cycle de fantasy, moi j'ai eu la chance d'interviewer Moorcock et je lui dis, mais en fait, Eric le Nécromancien, donc, avec son épée démon Stormbringer, on dirait une inversion du mythe arthurien. Et Moorcock il me regarde, il était super gentil, il me fait, ah ouais, vous avez peut-être raison. Ouais. Et tu vois, c'est-à-dire que le problème c'est que c'est, il me dit, mais ça se trouve c'était inconscient, tu vois, et lui il me dit c'était inconscient. Ouais. Donc, et en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi par rapport à son art et son écriture. Donc, tu vois, c'est assez marrant. Et c'est là toute la difficulté. C'est qu'on est toujours un peu sur le fil du rasoir, tu vois. On dit, voilà, nous, on interprète, on est tenté de faire des parallèles. Le problème, c'est qu'il faut que les acteurs, on a parfois le point de vue des acteurs, Et parfois, même les acteurs vont dire parfois l'inverse de nos analyses, mais il faut qu'on soit, tu vois, il faut avoir un peu de confiance dans ces analyses. Mais c'est toujours compliqué, hein. Donc, moi, je vois par exemple pour les auteurs de comics, c'est très compliqué parce que jusqu'à une date récente, jusqu'en gros dans les années 80, pour simplifier, hein, on leur donnait pas la parole. Mmh. C'était des tâcherons en fait, ils étaient considérés comme des tâcherons. Donc c'est pas des gens qu'on allait interviewer dans des journaux. Ouais. Ou alors qu'aujourd'hui il n'y a aucun problème. Tu vois. Donc c'est mine de rien, c'est vachement compliqué quoi. Donc quand tu tombes sur un comics des années 40, comme le Shining Knight, hein, qui est donc un super-héros arthurien, un des premiers super-héros arthuriens des comics, qui a été créé, en fait, voilà, qui a été créé par des types qui sont complètement oubliés, en grande partie oubliés aujourd'hui. Ouais. C'est très compliqué d'avoir le point de vue de l'acteur. Donc on est obligé de se baser là, sur la source pure. Mais en même temps, tu vois, on a un peu un rapport médiéval aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'en fin de compte, tu vois, Chrétien de Troyes n'a pas donné d'interview. Hein. Ou alors, je suis pas au courant. Ouais, c'est le... Voilà. Donc pour reprendre un peu ce que tu parlais un peu de... Dans le livre, tu parles un peu de Tolkien, puis pour reprendre une ligne de Tolkien, je dirais il faut peut-être éviter de confondre ce qui est applicable comme comparaison et puis ce qui est pertinent, c'est-à-dire c'est oui Harry Potter qui prend une épée, le fait que l'épée le désigne comme quelque chose, on peut voir un parallèle là-dedans où l'épée désigne le porteur, mais après, est-ce que c'est Arthurien? Mais après J.K. Rowling par contre elle a vraiment dit hein, texto que en gros elle s'était inspirée de T.H. White hein, et T.H. White bon bah voilà enfin elle a dit que ça s'était inspiré pour créer la relation Harry Dumbledore, elle s'était inspirée en fait de la relation Arthur Merlin dans T.H. White voilà, elle l'a dit, et puis ça fait sens en plus, parce que pour le coup, le roman, il est très populaire dans les pays anglo-saxons, il a beaucoup marqué, voilà, donc là, en vrai, là, mais après le problème c'est qu'en effet, le problème c'est que les motifs arthuriens, notamment l'épée dans la pierre, des trucs comme ça, là pour le coup on le retrouve, c'est, moi, quand tu commences à t'intéresser à ce motif, juste le motif, c'est pas possible quoi. Même là, moi, j'ai fait une conférence hier, j'ai pris le train pour venir dans votre belle ville de Lausanne, et le truc, c'est que je me suis retrouvé j'ai acheté un comics, hein, qui s'appelle Secret Empire, où tu vois, le marteau de Thor qui est planté et que tente de lever Captain America. Et en plus, là, clairement, par-dessus le marché, il y a, là, j'en parle dans le bouquin, il y a clairement des allusions arthuriennes. Mais voilà, mais sauf que le problème, c'est que il faut faire la différence hein, entre l'allusion fortuite et l'allusion, en fait, alors inconsciente, hein, mais claire, tu vois, et tout, et parfois l'allusion complètement assumée, quoi. C'est pas toujours facile, quoi. Je rebondis un peu là-dessus, tu parles d'avoir le point de vue des acteurs, je fais peut-être un peu le... Alors, je ne suis pas un littéraire du tout, mais je suis peut-être un peu le littéraire postmoderne, mais est-ce que ce n'est pas un peu justement un problème de reposer sur le fait qu'on a besoin de l'auteur? Surtout, tu as mentionné J.K. Rowling, qui est quelqu'un qui déclenche une polémique à chaque interview vis-à-vis de ses fans sur comment interpréter son œuvre, pratiquement. Est-ce que ce n'est pas un problème, justement, que la pop culture, d'avoir accès à ça, en fait? Est-ce que ça ne biaise pas aussi notre... Non, mais ouais, alors le truc, c'est que c'est... Je sais pas si ça gâche, ça nous aide et ça provoque des analyses différentes. Parce que là aujourd'hui, on peut à la fois faire une étude de la production, mais aussi de la réception. Ouais. Et tu vois, et c'est là où ça devient fascinant, c'est qu'en fait, on peut aussi avoir le point de vue du public. Donc c'est une source d'information en plus. Voilà. Alors tout le problème, c'est que maintenant, c'est des sources à traiter en plus. Tu vois, mais par contre, je pense qu'il faut faire vraiment le distinguo, en fait. Hein, tu vois, distinguer bien la production et la réception, qui sont parfois complètement différentes. Hein. Moi, je donne un exemple, par exemple. Enfin, je pense à un exemple tout bête. Moi, j'étais très content de trouver ça, parce que aux États-Unis, quand le mythe arthurien revient, il commence à être développé au 19e et tout... c'est assez nettement un mythe, même s'il est démocratisé, c'est un mythe en direction des populations blanches, hein, tout bêtement. Enfin, voilà. Il n'y a aucun auteur qui dit on va inclure les Afro-Américains là-dedans. Mais moi j'ai trouvé un cas où tu as un esclave libéré qui a nommé ses enfants Lancelot Jones hein, et King Arthur Jones en fait. Hein, c'était en Floride et tout, et d'ailleurs Lancelot Jones a participé à la création d'un parc national. C'est comme ça d'ailleurs, c'est en regardant un documentaire sur les parcs nationaux, j'ai vu ça. Donc, tu vois, mais ça c'est intéressant parce que ça veut dire que Le problème, c'est que leur père, on n'aura jamais une interview de lui parce qu'il est mort au début du XXe siècle. Mais c'est fascinant, c'est-à-dire que lui a eu accès à des récits arthuriens américains. Bon, évidemment, parce que clairement, en plus, les planteurs du Sud, ils aimaient bien tout ce qui est médiévalisme et tout. Mais comment ça arrive à lui? Ça, c'est une question qu'on n'aura certainement jamais réponse. Quoi. Mais tu vois, c'est intéressant. C'est-à-dire que normalement, c'était pas un mythe pour lui, mais il se l'est approprié quand même. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez fascinant. Quoi. Et puis, un des problèmes que j'aurais avec cette approche un peu pop culturelle, c'est que ça... À l'université de Lausanne récemment, il y a quelques années maintenant, ils avaient fait un colloque sur Game of Thrones, et ça avait, enfin un colloque une journée, et puis ça avait plutôt bien marché, grand succès, plein de gens qui viennent, et j'ai peur qu'il y ait un peu aussi cette dimension où c'est, les jeunes, venez voir, le Moyen-Âge c'est comme votre, c'est comme Game of Thrones, c'est comme Star Wars, c'est comme, où on essaye de rendre ça un peu, est-ce qu'il n'y a pas le risque où on essaye de rendre ça un peu palpitant, et puis on arrive justement dans ce côté un peu, Luke Skywalker, c'est comme Perceval, qui est comme... Voilà, par exemple, tu vois, il y avait un article dans le Point, hein, donc, qui faisait la comparaison entre Luke Skywalker et Perceval en s'appuyant sur Campbell, c'était du grand n'importe quoi. Comme d'habitude avec Campbell. Tu vois, puis merci beaucoup, comme d'habitude avec Campbell. Voilà. Tous ceux qui m'entendent, arrêtez, pitié de lire Campbell, de vous appuyer dessus, c'est une catastrophe. Bon, surtout que la plupart des gens, ils le lisent pas, hein. Ils regardent la page Wikipédia. Oui, et puis... ils le mettent dans leur bibliothèque, genre, vous avez vu, j'ai le bouquin de Campbell. Vas-y, enfin bon, c'est bon. Et donc, bref, quoi qu'il en soit, et le problème, et je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que c'est de prendre ça. Alors, c'est peut-être une super porte d'entrée, hein, de toute façon. Moi, je trouve que ça peut être utile. Mais après, le truc, c'est que en effet, il faut. Moi, j'aime bien montrer justement les différences. Hein. Pas pour dire, vous avez vu les films d'actuel, c'est n'importe quoi et tout. Mais c'est juste expliquer encore une fois que les contextes de production sont différents. Et qu'un film qui va affirmer qu'ils ont fait plein de recherches et tout, ce film-là, il va toujours plus apprendre sur son moment de production, de conception, que sur le Moyen-Âge. C'est évident, quand on l'étudie sérieusement. Attention. Et donc, encore une fois, le problème, c'est aussi... le problème, c'est qu'il ne faut pas penser... étudier le médiévalisme, y compris dans les séries télé, on peut faire ça à l'arrache. Ça nécessite, encore une fois, de la recherche, qui est une recherche parfois un peu ingrate, hein, parce que c'est un travail d'érudition, hein, en fin de compte. Hein. Même si on n'est pas en train de gratter dans les archives et à faire de la paléographie, voilà, donc ça c'est un plus, hein, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir souffert là-dessus. Mais bon, mais tu vois, ça c'est, mine de rien, c'est important. Après, l'autre problème, je pense, c'est que... après, moi, c'est une inquiétude. Hein. C'est que... Je dis pas que c'est le cas actuellement. Hein, donc, c'est que ça devienne une vraie mode. Et je vois d'ailleurs, en l'espace de... Il y a 4 ans... Personne parlait, enfin le médiévalisme, c'était pas. Quand j'ai présenté des projets de recherche là-dessus, on regardait, enfin en France, hein, on regardait avec des yeux, genre, c'est qui ce type. Aujourd'hui, d'un coup, tu vois, je commence à t'appeler partout, les gens, il y a un effet de mode assez net, hein, donc il faut se méfier de ça, déjà des effets de mode. Et en plus, moi j'ai peur que, vu que les universités sont de plus en plus mises en concurrence, tu vois, il y a l'idée qu'on va faire des journées comme ça pour, en gros, tu vois, faire. Ramener un peu du public, dire qu'on est cool et tout, voilà quoi. Et parfois, on va faire ça de manière, et je dis pas que c'est encore arrivé, hein, c'est une crainte. Hein. J'ai peur qu'on fasse ça un peu à l'arrache, comme tu dis, au grand n'importe quoi, et que des gens qui sont des chercheurs très bons sur leur sujet se mettent à étudier ça, je veux dire, entre la poire et le fromage, en disant voilà, bon. Oh, je vais faire ça vite fait parce que c'est pas voilà, et puis qui disent vraiment ouvertement n'importe quoi, et ça c'est un peu embêtant parce qu'encore une fois, je pense que l'étude du médiévalisme ça nécessite du travail, c'est comme n'importe quelle recherche en fait. Hein. Donc là-dessus, moi je fais un petit clin d'œil justement, je salue quand même toute l'équipe du château de Morges, hein. Donc notamment Nicolas Baptiste, hein, qui et Daniel Jacquet, là je suis allé voir leur expo, hein. Je leur fais une pub gratuite au passage. Mais tu vois, mais en fait, leur expo là, sur les armes imaginaires, il y a un vrai boulot, tu vois. C'est assez impressionnant. Et sauf que c'est du travail, quoi. c'est du travail, quoi. Donc, c'est de la recherche, quoi. Donc, bon. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui. À propos de contexte de production, justement, de ces œuvres qui n'est pas toujours évident à mettre en perspective, une chose que je trouve intéressante, même si qui est difficile à étudier justement maintenant, puis ça demanderait du travail, c'est tout ce qu'on voit maintenant. C'est difficile de parler de fanfiction, parce que la fanfiction, ça renvoie à un régime de production des œuvres, de droits d'auteur, etc. Ouais. Puis donc, dans le cas de la Légende arthurienne, est-ce que c'est vraiment de la fanfiction, vu qu'il n'y a pas forcément d'univers de référence? Enfin, souvent, il y a un univers de référence qui est là, mais... je pense que si quelqu'un fait une fanfiction sur la série Merlin de la BBC, on est dans le domaine de la fanfiction, mais après, c'est plus difficile. Et je me demandais si, parce que c'est une dimension qui n'est pas vraiment dans ton livre, mais je pense aussi parce qu'elle est un peu en friche encore maintenant, si tu avais des pensées sur justement la production un peu amateur, fanfiction, de fans sur Internet alors, dans le domaine arthurien. Bah, toi, c'est bien que tu m'as posé la question en antenne, et donc je sais pas, j'ai dû faire des yeux de merlan en fond en disant voilà, et ben là tu vois, c'est en effet c'est un truc que j'ai loupé, quoi. Donc et que je me suis pas posé la question. Je me suis un peu posé la question par le jeu de rôle, parce que pour moi le jeu de rôle est très important, hein, et ça a formé beaucoup de gens, en fait, je pense, parce que le jeu de rôle, justement, ça permet de faire ce qu'on veut, tu vois. Et le jeu de rôle arthurien, là moi j'ai d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'il y a un magazine de jeux de rôle qui s'appelle Casus Belli. Moi, j'ai fait un papier pour eux sur le mythe arthurien dans les jeux de rôle. Et c'est assez marrant parce que les créateurs, ils ont parfois inventé des trucs complètement fous avec un mythe arthurien post-apocalyptique où les chevaliers, c'est des espèces de mutants anthropomorphes. Hein, donc, c'est les mecs se sont lâchés. Donc, mais je pense que la fanfiction, en effet. Mais en plus, c'est pareil. Moi, je vois le nombre de romans arthuriens qui sortent. Mais parfois, chez des éditeurs. Tu vois, même c'est parfois c'est de l'auto-édition cachée, en fait, tu vois. Je pense que tu vois, là c'est, il y aura un truc à faire. Mais c'est un sujet de thèse, quoi. Donc, parce que le nombre de productions arthuriennes, quand tu vas sur des conventions, tu vois, des conventions geek et tout, le nombre de productions arthuriennes qu'il y a, que ce soit en BD, en pseudo-manga, enfin ou en manga européen et tout, ou en roman, enfin, je veux dire, il y en a un paquet, quoi. Donc franchement, moi, c'est une bonne question. C'est quelque chose que j'ai pas creusé, et je pense que assez nettement, c'est quelque chose qui se développe, parce que vraiment, le nombre d'auteurs qui font des romans arthuriens, là j'ai encore reçu un de roman arthurien. C'est Expelluteur Pendragon, voilà. Donc c'est, je pense que en effet, ça c'est une question qui peut se poser, même si, tu vois, c'est intéressant. Tu ne vas pas avoir, à ma connaissance, tu ne vas pas avoir, par exemple, de jeux de rôle dans la nature ou de reconstite arthurienne, de troupes arthuriennes, quoi. Ça, à ma connaissance. Ouais, tu vois. Et c'est assez marrant, ça, tu vois. Qui est pas ce genre. C'est vrai que c'est assez. Bon, moi personnellement, j'ai découvert à travers, disons, la vraie découverte que j'ai eue de la légende arthurienne, c'était vraiment à travers le scoutisme, en fait. Parce que ma troupe s'appelait Perceval, et puis du coup, un jour, je me suis dit. Bah tiens, je vais aller. Du coup, j'ai beaucoup aimé le chapitre sur justement les mouvements de jeunesse et l'utilisation des mouvements de jeunesse. Ah bah tu vois, c'est intéressant, mais ta troupe a été où, si c'est pas indiscret? Elle est à Lausanne. Mais d'accord. Du coup, c'était un peu. Il y avait les deux troupes de garçons. Il y en a une, c'était Perceval, l'autre, c'était Durandal. Donc c'était un peu. D'accord. Voilà, choisissez votre. Puis, du coup, il y avait toujours un peu cette thématique un peu chevaleresque. Puis ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de faire des camps d'été ou des choses à thème chevaleresque. Puis dans le canton de Vaud, il y a un week-end. En septembre, il y a le lundi du jeûne qui est un jour fait, puis il y a un week-end de 3 jours, et il y a un week-end de jeux de rôle. Et puis avant, dans les début des années 2000, il s'appelait Avalon et il était à thème arthurien, mais maintenant il a changé de ouais, c'est comme, en fait, tu vois, par exemple, un des prix de fantasy en France, un francophone, s'appelle le prix Merlin, par exemple. Je sais même plus s'il est encore en activité, je crois que si, en fait. Mais tu vois, donc tu vois, c'est évidemment, hein, là on est clairement dans l'allusion arthurienne, quoi. Mais c'est intéressant, parce que toi, c'est des trucs, je pense que si tu interviews même les gens qui ont créé, par exemple, le prix Merlin et tout, ils vont dire bah, parce qu'on aime bien le mythe arthurien, puis voilà. Ouais, eux-mêmes vont pas creuser forcément, mais c'est quand même significatif, je trouve. C'est vrai que c'est intéressant aussi de voir, étant donné la part que ça peut prendre dans la culture, en général, la légende arthurienne, que parfois ça a une place relativement restreinte, parce que justement, si on regarde les fanfictions à thème arthurien, il n'y en a pas tant que ça, alors que justement ça couvrirait différentes franchises, différentes. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait justement un croisement et puis qu'il y ait une scène un peu fourmillante, mais en fait il y en a très peu. Parce que justement les dynamiques de la fanfiction, elles sont vraiment dans cette dynamique où il y a une œuvre officielle, ouais, puis ensuite on fait. Il y a un canon, ouais, ouais, et, y a un canon, et si on n'a pas, j'ai l'impression que ça se disloque un peu. Puis la Légende arthurienne, c'est un peu ça, où il y a moins cette. C'est quelque chose de très diffus, mais il ne va pas forcément avoir le succès. Ouais, mais c'est, qu'il en fait, avoir. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fin de compte, tu vu que le mythe arthurien, c'est un terrain de jeu où tout le monde peut jouer. Ouais. Tu vois, et ben en fait, dans la fanfiction, il y a peut-être un côté un peu défi, quoi, donc tu vois, ouais. Qu'il n'y a pas dans le mythe arthurien. Bon, voilà. Mais ça, c'est une question, je t'avoue, voilà, c'est une question à se poser. Donc, bah, écoute, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent faire un master là-dessus, très bien. Non, je pense qu'il y a beaucoup. Je dois dire que beaucoup de ce que j'ai vu dessus, c'est un peu, ok, je vais écrire une fanfiction pour voir ce qui se passerait si Mordred était en couple avec Galad, et puis ouais. Toute cette histoire. Ah, d'accord, t'as vu ça? Bah, en fait, la dynamique, justement, des. Bah, ça colle assez bien, je trouve, avec la Légende arthurienne, tout l'aspect, en fait, romance, tout l'aspect histoire amoureuse, amour courtois, etc., qui s'est un peu greffé sur cette logique de. On va apparier des personnages ensemble. D'accord. Puis donc, il y a une petite scène là-dessus, mais c'est assez, assez restreint. Ce que je te posais comme question, justement, sur les textes médiévaux, parce que nous, c'est un peu, pour l'instant, on est un peu perdu dans les textes médiévaux, même si on va faire ouais. Probablement des hors-séries sur les trucs plus récents, c'est que moi, j'ai toujours eu des soucis à entrer dedans, parce que quand je lisais des textes généralistes dessus, c'était un peu, ok, alors on a Chrétien de Troyes, on a Robert de Boron, on a la Vulgate, ouais. Puis on citait un peu, puis c'est un truc que tu fais aussi dans ton livre, puis qui est, que je trouve pas fou ou quoi, mais que ouais. Je rencontre encore et encore, c'est on va prendre un épisode de chaque pour donner un peu un aperçu. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont prendre un épisode de chez Boron, un épisode de la Vulgate, ouais. Mais en fait, les deux sont, c'est le même texte. C'est-à-dire ouais. Que, étant donné que le Merlin en prose, il a été réintégré ouais, dedans. Ouais. Puis je veux dire que parce que moi, j'avoue, je suis pas du tout un spécialiste de ça, j'ai découvert un peu sur le tas comme ça. Ouais. Puis du coup, c'est un des trucs qui faisait que j'avais beaucoup de peine à entrer dedans, à comprendre les différences. Et donc, je me demandais si tu avais une idée sur qu'est-ce qui pourrait être fait, à ton avis, pour améliorer l'accessibilité de ces choses ou les rendre plus. Si tu avais eu des. Oh là, c'est une question qui est compliquée parce qu'en ouais. Plus, ça nécessite, même pour quelqu'un qui s'y intéresse, ça nécessite en fait de rentrer dans la. Dans la mentalité médiévale et dans la pratique médiévale de conception des textes en fait. Hein. Mm-hmm. Où là, pour le coup, tu n'as pas de fanfiction, tu n'as pas de canon. Voilà, donc ouais. c'est. Même si après t'as pas de canon, mais tu vas avoir des autorités. Hein, ouais. Donc voilà, les autorités, il faut les citer et tout. C'est très compliqué. Et bon, on a essayé vaguement hein, donc, dans mon bouquin avec l'aide de Léa Armenot, hein, qui est une amie, hein, qui est archéo et tout, mais qui se débrouille bien et tout. Et de Bruno Bartoviak, qui est le graphiste, on a essayé de faire un tableau. Mais le tableau, enfin, c'est un tableau synthétique, mais c'est un ouais. Tableau synthétique, donc forcément il est critiquable, il est dépassable, il est amendable, voilà, donc c'est vraiment pas facile, je pense. Non. C'est vraiment... Mais en même temps, tu vois, moi j'avais pensé même essayer de faire un tableau similaire pour l'époque contemporaine, ouais. Mais c'est le bordel aussi, voilà, ça compte. Parce que le truc, c'est que, voilà, tu peux donner les grandes tendances, hein, ouais. mais on va toujours trouver des cas, des exceptions et tout. Alors après, moi je peux dire, je peux me réfugier dans le truc, genre, oui, bon, c'est une exception qu'on fait de la règle, mais sauf au bout d'un moment, tu vois, c'est voilà. Donc moi, ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin-là, c'est donner des grandes tendances, en fait, ouais. Hein, donc, notamment l'évolution du mythe à l'époque contemporaine. Après, encore une fois, c'est un livre qui est dépassable, hein, je veux dire, voilà, quoi. J'espère, d'ailleurs, au bout d'un moment, que ça va inciter des gens à faire de plus en plus de. Notamment des. Enfin, voilà, de faire de plus en plus de travail sur le mythe arthurien contemporain, et puis me dire gentiment, hein, et me dire voilà, tu t'es trompé, et puis voilà, on peut trouver ça, et là c'est cool quoi, finir. Bon, je voudrais quand même souligner que c'est un très bon livre et qu'on le recommande quand même, même si bien sûr, bah, justement, il est difficilement complet, enfin c'est pratiquement impossible d'être complet. Je pense qu'on pourrait globalement faire chaque chapitre, on pourrait en faire un livre de 500 pages ouais. Dessus en fait. Ouais. Bah, tu sais que moi j'ai dû laisser de côté 200 pages déjà. Ouais. Ouais. 200 pages qui sont sinon on est arrivé à 800 quoi, enfin 850. Ouais. J'ai dû laisser de côté 200 pages parce que notamment tout un chapitre, tous des passages moi qui m'intéressent beaucoup que j'ai résumé en et que où j'ai fait que j'ai mis en un paragraphe ou deux paragraphes par exemple. Le lien très trouble et très compliqué, par exemple, du mythe arthurien et des indépendantistes bretons, par exemple, hein, en ouais. France, qui, en fait, c'est presque parfois des rapports d'amour-haine, quoi, c'est assez ouais. Marrant et tout. À un moment, ils rejettent, voilà, par exemple, dans les années 20-30, ils sont, enfin, les indépendantistes bretons, enfin, en tout cas, une partie, sont très attirés par la révolution conservatrice allemande, donc par l'extrême droite allemande, et donc en fait ils se plongent dans les mythes germaniques, et en fait pour eux le mythe arthurien c'est un truc d'anglais et tout, donc, ouais. Donc ça c'est marrant en fait, hein, donc c'est des trucs, là c'est pareil, moi je suis tombé sur une histoire du mouvement néo-druidique breton, mais je me suis éclaté parce que ils sont au début du XXe siècle, ils ont commencé à inventer Excalibur, machin et tout, mais c'est un truc qui a fait flop, hein, concrètement, ouais, ça a duré 10 ans, puis voilà quoi, c'était... Mais c'est amusant, tu vois, cette espèce d'archipel arthurienne comme ça, bon, mais en fait, voilà, bon, c'est des trucs que j'ai fait, des pages et des pages d'écriture, puis de notes et tout, mais bon, bah voilà, t'es obligé au bout d'un moment de faire des choix dans un bouquin, hein. Puis en plus, tu vois, ça reste quand même un peu marginal, quoi, donc quand même, mine de rien. J'en ai encore deux petites questions. Alors, la première, ce serait un peu... Je pense qu'on va appeler cet épisode quelque chose comme Kaamelott, un mythe contemporain ou quelque chose comme ça, puisqu'on va aussi parler dedans du livre sur Kaamelott. Ouais. Donc il y a de grandes chances que la moitié des gens qui vont atterrir dessus sont des gens qui veulent entendre parler de Kaamelott, ce qu'on va pas vraiment faire. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire ? Tu parles un petit peu de Kaamelott dedans, ouais. D'ailleurs de façon un peu assez critique. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire ? Parce qu'il faut dire que c'est probablement l'œuvre, en tout cas francophone, c'est l'œuvre arthurienne la plus importante des dernières. Je sais pas si j'ai pas l'impression d'avoir été très critique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait les. Moi, je pense qu'au contraire, je pense que c'est Kaamelott. Moi, j'aime beaucoup. Bon, d'ailleurs, je participe au bouquin, voilà, donc bouquin collectif qui est sorti, quoi. Donc d'ailleurs, mon article, ça se base sur des notes que j'avais déjà laissées, tu vois, sur la bouffe dans Kaamelott, parce que c'est un truc que je trouve hyper important. Et en fait, mais ce qui est amusant dans Kaamelott, c'est que, en fin de compte, ça n'a rien d'une redécouverte du mythe médiéval. Mmh. C'est une réinterprétation avec des angoisses complètement contemporaines du 21e siècle. Ouais. L'idée, déjà c'est très influencé par la culture populaire américaine, là, c'est quand même, enfin, le nombre d'allusions aux jeux de rôle, à la science-fiction, à la fantasy dedans, hein, c'est quand même hallucinant. Et aussi, moi je pense qu'on est dans une idée justement de presque, tu parlais de littérature, de conception de littérature postmoderne. Si tu regardes bien Kaamelott, moi je pense que le thème central c'est ça. Mmh. C'est qu'en fin de compte, c'est pas le héros ou les actes du héros qui compte, c'est comment c'est raconté. Mmh. Tu vois ? Et ça, je pense que c'est le thème, moi, à mon avis, hein, et c'est pour ça que moi, j'ai vachement insisté là-dessus sur des épisodes, hein, notamment l'épisode comme Pupi, où voilà, Arthur regarde, c'est une mise en abîme géniale, il regarde un spectacle de marionnettes, qui parle du mythe arthurien, mais qui le montre sous un jour idéalisé, quoi. Ouais. Et là, Arthur, mais c'est là où l'Arthur d'Acier, c'est un personnage très tragique, c'est qu'il est, il se dit, mais moi, je vaux rien, on est tous... Il dit, voilà, ces chevaliers, c'est des tanches, hein, voilà, donc c'est des gros nazes et tout. Mais en fin de compte, moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils se souviennent de nous comme des héros, quoi. Donc, et là, c'est vraiment une réflexion. Je pense pas, je peux me tromper, je pense pas que t'aies eu des œuvres arthuriennes comme ça au milieu du XXe siècle, au XIXe siècle, ou encore plus à l'époque médiévale. Je pense pas que t'avais ce genre de réflexion ou comment construire un mythe. Tu vas avoir une réflexion à l'époque médiévale, notamment par le personnage du père Blaise. Tu vas avoir une réflexion sur il faut que le mythe soit dit, hein, il faut que la geste soit racontée, soit transmise. Mais les héros, c'est des vrais héros, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Là, dans Kaamelott, c'est des héros qui sont des nullos attachants, mais ils sont attachants justement parce que c'est des nullos, c'est parce que ça nous renvoie à nos propres défauts, quoi. Donc tu vois, c'est. Je pense c'est je pense que j'avais dit que le je sais plus je crois que dans un de nos épisodes j'avais dit qu'un des ressorts qui à mon avis le ressort comique tragique principal de Kaamelott c'est que Arthur il est idéaliste face aux personnages qui sont présentés comme cyniques puis il est cynique lui-même par rapport aux personnages qui sont présentés comme incompétents en fait puis du coup il y a une tension entre les deux où il va avoir une scène avec un des personnages faire valoir comique, puis après il y aura une scène avec un personnage qui est plus justement cynique, puis lui va être un peu l'idéaliste entre deux. Mais du coup, Kaamelott, un peu la tension qu'il y a toujours eu, c'est qu'au départ, ça a commencé par être, disons, caméra café à la table ronde, puis c'est ce que M6 voulait, et on va avoir des petits sketchs, puis clairement, Asti avait un peu plus en tête que ça, puis maintenant, on va probablement arriver au cinéma, si ces films sont faits un jour. Est-ce que tu as des pensées sur justement cette portée au grand écran ? Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ou est-ce que tu attends quelque chose de... Non, moi je vais le laisser travailler comme un grand garçon. Je veux dire, il n'y a pas de. Non, moi je. Après, comment dire, je trouve aussi, alors c'est là où peut-être je vais être critique, hein, je trouve aussi que Kaamelott est une version. Moi j'ai plus d'attirance pour les versions américaines, en fait, tu vois. Ouais. Et moi je trouve que les versions américaines sont tellement folles, en fait, tellement nos limites, que. Enfin, voilà, ouais. Eux, c'est genre on prend un truc puis on le remet complètement à notre sauce, quoi. Astier, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Je sais pas. Il a une vision originale, intéressante. Mais voilà, moi je trouve que c'est. Moi je vois des. Par exemple, moi il y a un roman qui m'a vachement. Enfin, il y a. En 2017, bon, moi déjà pour moi, le plus grand film arthurien de tous les temps, c'est Knight Riders de Romero. Voilà, ouais. Je veux dire, le roi Arthur à moto, c'est difficilement dépassable pour moi. Enfin bon, là, après, c'est mon truc. Hein, donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par exemple, récemment, tu vas avoir. Moi, j'ai lu le roman en 2016, et j'ai regretté de pas l'inclure, de l'avoir inclus dans mon bouquin. Ready Player One, hein, donc ouais. Ernie Cline, en fait, qui est techniquement arthurien. Qui est, bah, on est dans le, enfin, le film, il l'est moins, mais le roman, en fait, c'est un truc, c'est une espèce d'hymne à la culture geek, ouais. Et ça passe quasiment constamment par des références arthuriennes. Et le héros, hein, donc c'est un pirate informatique dans le futur, il s'appelle Parsifal. Hein, donc, ouais. Et en plus, on est vraiment limite. Là, dans une forme, tu vois, de fanfiction poussée à l'extrême et tout, en fait, ouais. Donc ça, c'est, je trouve que c'est un. Là, moi, quand j'ai lu ça, j'étais là. Bon, en plus, c'est un truc de rôliste. Hein, moi, ça me parle forcément. Donc, voilà. Moi, j'étais. Alors peut-être qu'Asti va me surprendre, mais là, moi, j'étais assez estomaqué. Donc, je sais pas. Moi, ce que j'attends, en fait, moi, il y a un truc que j'attends plus que Kaamelott, c'est les versions. Des versions arthuriennes dans des cinémas, dans des cultures pop qui ont pas encore beaucoup d'écho en France et dans le monde occidental. Mais moi j'ai hâte de voir, et je pense que ça va arriver un jour, peut-être que c'est déjà arrivé, j'en sais rien, mais des versions par exemple indiennes du mythe arthurien, tu vois, parce que c'est, il y a déjà des versions japonaises, je sais pas pourquoi il y aura pas des versions indiennes ou des versions chinoises, évidemment complètement retravaillées et tout, voilà. Ouais. Moi j'attends ça, tu vois. Moi, c'est ça, moi, c'est un. Ça, plus, voilà, ouais. Voilà. C'est, voilà. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je suis convaincu que ça va arriver. Puis du coup, ma dernière question, ce serait si tu as. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu travailles que tu peux promouvoir ou mentionner quelque chose? Ouais, enfin, moi, c'est assez marrant parce que là, je suis en train de boucler un livre sur les super-héros et sur l'histoire des super-héros, enfin, l'histoire politique des super-héros, en fait, hein, comment essayer de remettre les super-héros dans leur contexte de production politique et sociale. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, une partie du bouquin. Je me suis aperçu en l'écrivant, c'est naturel, il revient au galop, c'est un prolongement du bouquin sur le roi Arthur, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les motifs arthuriens, il y en a même largement plus que ce que je pensais. En plus, moi, après, il y a des gens, on se dit, bon, il y a des gens qui m'écrivent encore des mails pour dire « Oui, alors ton bouquin est bien, mais t'as vu, tu devrais regarder là-dedans et tout, parce que, tu vois... parce que là il y a des allusions arthuriennes et tout dans les comics, en fait c'est juste pas possible, il y en a tellement que je veux dire c'est et c'est assez amusant, en fait, voilà. Donc même les allusions médiévalistes dans les super-héros, il y en a un paquet, je trouve que c'est pas mal. Donc en fait, en fin de compte, même si c'est un bouquin différent, il y a une partie de bouquin, c'est un peu, j'ai l'impression que plus tu écris des bouquins, plus les bouquins précédents ça te sert de marche, ouais. En fait, hein, donc tu vois, c'est marrant, voilà, c'est assez marrant. Moi j'avais commencé à écrire ce super-héros comme une espèce de, tu vois, de je vais passer à autre chose, je vais faire autre chose, puis en fait voilà, tu travailles dessus, voilà, donc, et il va sortir en septembre chez Libertalia, donc voilà, donc je suis très content. En plus c'est un super éditeur, voilà, donc qui fait des prix à des bouquins, enfin qui fait des bouquins pas chers pour que tout le monde, en tout cas une partie des gens, puisse l'acheter, donc c'est quand même cool, quoi. Donc voilà, voilà. Si nos auditeurs auront probablement apprécié ton livre sur le roi Arthur, je pense qu'ils pourront aussi apprécier ton livre sur les super-héros. Ah ben, super bien. Continuation de certains thèmes. Ouais. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à toi, merci, et puis à la prochaine quête du Graal. Voilà, donc vous avez pu entendre William Blanc interviewé par Laïs. On s'excuse un peu de la qualité de l'enregistrement. Oui, on a pu le croiser parce qu'il passait justement, comme il l'a dit, au château de Morges. Donc à la base, on voulait faire l'interview par Internet, mais on a sauté sur l'occasion entre deux trains, réussir à le trouver pour l'interviewer. Bon, pas littéralement entre deux trains, mais temporellement entre le fait d'arriver et de repartir. Je pense qu'on pourra tous lire avec attention son livre sur les super-héros quand il sort pour réviser un petit peu ces comics-là. Et on va passer tout de suite après ça, oui, l'interview de Justine Breton. Justine Breton qui a justement co-dirigé avec Florian Besson un colloque sur Kaamelott en mars 2017 à la Sorbonne, une des Sorbonnes de Paris, qui sort maintenant récemment aux éditions Vendémiaire la collection des actes du colloque. On va discuter avec elle un peu de cette approche, de l'accessibilité de la légende arthurienne, de ce que, un peu aussi à la fin, trop brièvement, de T.H. White, mais on va pouvoir discuter un petit peu avec elle, la deuxième invitée de cet épisode hors série de Rex Fandam, Rex Futurus, la meilleure émission arthurienne francophone, la seule un peu aussi, mais la meilleure émission arthurienne francophone, juste après cette petite pause musicale. Justine Breton, bienvenue dans Rex Condam, Rex Que Futurus. Bonjour, merci de m'accueillir. On voulait te parler aujourd'hui surtout parce qu'est sorti il y a peu le recueil des actes du colloque Kaamelott qui avait eu lieu à une des nombreuses Sorbonnes à Paris en mars 2017. Et donc Kaamelott, un livre d'histoire aux éditions Vendémiaire. Et on se demandait, puisque c'est un peu le sujet de notre émission et que là c'est quand même Kaamelott, une des séries, probablement la série en tout cas francophone la plus importante sur la légende arthurienne récente. Qu'est-ce que tous ces universitaires spécialistes de différentes branches avaient pu dire dessus ? Et on se demandait si tu voulais nous parler un peu de ce que ça avait été d'organiser ce colloque, puis ensuite d'en faire un livre. Mais oui, tout à fait. C'est vrai que ce colloque a été une aventure qu'on a montée avec Florian Besson, donc qui lui est docteur en histoire médiévale. On se croisait très régulièrement, on avait déjà des projets un peu en commun puisqu'on travaille tous les deux à la fois sur le Moyen-Âge et sur le médiévalisme, donc toutes ces résurgences du Moyen-Âge dans les sociétés plus tardives et notamment dans notre société contemporaine. Et on est tous les deux aussi de grands fans de la série Kaamelott, donc en discutant on s'est rendu compte que on avait eu ou certains avaient fait des travaux assez ponctuels, des articles par-ci par-là sur Kaamelott, nous deux y compris, mais que on n'avait jamais eu encore l'occasion de travailler, vraiment d'approfondir et de faire une recherche de fond sur le sujet. Donc on s'est un petit peu lancé là-dedans. On a lancé un appel à communication assez large pour voir un peu si on pouvait s'adresser non seulement aux historiens et aux littéraires spécialistes du Moyen-Âge, mais aussi à d'autres branches de l'université, puisque on s'est vite rendu compte, en fait, avec les retours qu'on a eus, que Kaamelott, bien sûr, on savait que Kaamelott était apprécié d'un grand nombre de fans, mais que la série pouvait aussi être abordée dans son rapport à l'histoire de plusieurs perspectives différentes. On a eu une approche sur la musique, sur la nourriture, sur différents aspects de la société. Enfin, on a pu avoir quelque chose d'assez complet. Je pense qu'on n'a pas tout dit, forcément, en deux jours de colloque, mais ça avait été l'occasion, donc en mars 2017, à la Sorbonne, de pouvoir commencer à creuser ce sujet-là et de pouvoir étudier de façon sérieuse un sujet qui, lui, n'est pas véritablement sérieux, quand même, avec une équipe assez motivée, en fait. C'était assez intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Et on a remarqué que pendant le colloque, on avait une une assez belle complicité entre les communicants qui étaient, donc on avait des jeunes chercheurs et on avait aussi des professeurs d'universités extrêmement respectables qui travaillaient aussi sur Kaamelott, mais tous ces intervenants issus du milieu universitaire avaient une certaine harmonie avec le public de fans qui était présent, et on a remarqué qu'on a pu avoir des échanges assez constructifs, donc on a essayé de retrouver ça ensuite dans la publication et de nourrir le volume qu'on a voulu faire paraître, de le nourrir non seulement des communications, des conférences en fait qu'on avait pu donner, mais aussi de ces entretiens qu'on a pu avoir et de ces échanges qu'on a pu avoir avec le public, puisque voilà, c'est un sujet qui inspire beaucoup en fait, hein, l'histoire dans Kaamelott. C'était assez intéressant à traiter. C'est ça que j'ai trouvé intéressant en fait, c'est la publication à un éditeur qui n'est pas un éditeur académique, disons classique dans le sens traditionnel. Effectivement, c'est pas des presses universitaires. Ça se traduit par un volume qui est aussi d'un prix accessible, parce que les actes de colloque c'est souvent des choses qui se destinent à des bibliothèques universitaires et pas au grand public. Donc c'est vous l'équipe qui avez cherché un éditeur qui corresponde, ou est-ce que c'est un éditeur qui vous a posé la question? Est-ce que vous cherchiez quelqu'un? Est-ce que vous avez cherché ça en amont du colloque ou après le colloque? Alors en fait, on a été contacté assez rapidement par plusieurs éditeurs qui ont été intéressés par le projet. Florian Besson et moi-même, on avait déjà travaillé pour d'autres choses avec Vendémiaire, notamment sur un projet de dictionnaire de la fantaisie, du genre de la fantaisie qui est en cours actuellement. Et donc on savait que ça fonctionnait bien avec cet éditeur. Et c'est vrai que Vendémiaire a l'avantage de proposer des ouvrages un peu hybrides, qui propose en fait de la vulgarisation scientifique, mais de la bonne vulgarisation. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous on recherchait, parce que on aurait pu, bien entendu, publier les actes de façon très très universitaire, dans les actes traditionnels, effectivement, avec des ouvrages qui généralement coûtent les yeux de la tête. Mais notre objectif, c'était de pouvoir proposer ça aussi à un large public. Parce que on sait très bien que Kaamelott, ça ne va pas intéresser que les universitaires, mais ça peut aussi intéresser les fans de la série. Et on voulait pouvoir faire cette jonction, en fait, pour montrer que ce ne sont pas deux mondes différents. On n'a pas d'un côté les fans, la plèbe, et de l'autre les universitaires dans leur tour d'ivoire. Au contraire, nous, on veut, enfin, lutter, c'est peut-être un bien grand mot, hein, mais on cherche à se positionner un petit peu contre ça, en montrant que les universitaires travaillent aussi pour et avec ce public. Alors là, c'est un public de fans en l'occurrence, parce que c'est une série qui a un gros succès, mais si on fait de la recherche, c'est aussi pour pouvoir la transmettre, et pas seulement pour rester dans nos petits cercles scientifiques extrêmement restreints. Et alors effectivement, on se fait plaisir, hein, des fois avec des recherches très pointues, mais le but, c'est aussi de pouvoir transmettre ces recherches au plus grand nombre, pour pouvoir continuer d'aller plus loin, je pense. Dans cet épisode, on a aussi interviewé William Blanc, qui est un oiseau qui rôde un peu dans les mêmes eaux que toi. D'ailleurs, vous étiez ensemble à une semaine d'études ou un colloque. Tout à fait. On vient de se croiser au colloque qui a été organisé dans le cadre des Imaginales, qui est un festival sur les littératures de l'imaginaire qui a lieu à Épinal tous les ans. Et là, c'est la première année qu'on organise aussi un colloque dans le cadre du festival. Et on a eu l'occasion de parler de fantaisie et histoire. Donc un sujet où j'ai pu retrouver William Blanc, qui a participé à l'ouvrage, Florian Besson bien sûr, avec qui j'ai co-dirigé le livre sur Kaamelott. On a retrouvé aussi Noémie Budin qui nous avait fait une très belle communication, et là un très bel article sur les animaux dans Kaamelott. Enfin voilà, on avait un peu l'impression d'être en, vous savez, une colonie de vacances, mais sérieuse, hein, qui travaille. Mais voilà, on retrouve tous les copains médiévalistes, c'est assez amusant. Il y a une, je pense, vous serez d'accord, bah oui, que comme il disait lui-même, que c'est une ambiance qui est généralement un peu plus détendue que disons un colloque standard où on va avoir vous présenter votre papier, il y a quelqu'un qui a la théorie concurrente qui vous envoie 50 questions pour défendre sa théorie. Enfin, on a une ambiance un peu plus, pas du tout, mais on a une ambiance un peu plus détendue que ce qui serait le cadre universitaire standard, mais ça n'empêche pas non plus d'avoir une espèce de rigueur, puis justement de traiter sérieusement quelque chose qui est pas forcément sérieux. Mm-hmm. Parce que je veux dire, quand j'ai vu l'annonce du colloque Kaamelott, puis bah, bien sûr, on n'avait pas la possibilité de bouger à Paris voir ça. On se demandait qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être... Moi, j'avais peur que ce soit soit des gens qui se servent de Kaamelott comme un prétexte pour parler de leur spécialité dont ils voulaient parler déjà, ou alors, l'autre extrémité, ce serait des fans qui ont envie de parler de Kaamelott et puis qui mettent un petit peu d'universitaire dedans pour donner l'impression. Je trouve le résultat que le livre, l'impression que le livre donne en tout cas, c'est un équilibre quand même assez bon entre ces deux pôles, c'est-à-dire entre... regarder Kaamelott comme... Kaamelott, c'est une représentation de l'histoire qui en dit assez long sur ce qu'on voit, et comment est-ce que ça se rapporte à d'autres représentations ou à d'autres disciplines. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant, justement, d'avoir, je trouve, une pluralité de spécialités qui se penchent dessus, notamment quelqu'un qui parle des jeux dans Kaamelott et qui regarde ça d'un point de vue de si on veut... Je dis théorie des jeux, mais c'est pas le bon terme, mais... Oui, on a des sociologues, notamment, qui ont travaillé sur les jeux, voilà. Sociologue, un géographe aussi, ou des choses comme ça. Je pense qu'on a quand même trouvé... Il y a pas mal de choses, ça a quand même attiré mon attention sur Kaamelott, où je me disais, tiens, j'avais pas remarqué, déjà j'ai dû le savoir, mais j'avais oublié que c'était au début, quand le père Blaise cite le code de chevalerie, en fait, c'est le Tristan de Bérulle. Tout à fait. J'aurais dû prendre ça comme extrait de notre émission. Le fait que Perceval suggère de se mettre dans une tranchée, c'est vrai qu'en fait, ça ressemble à la Volsunga saga, et puis j'y pensais absolument pas du tout, je trouvais juste ça drôle en soi. J'aime bien le passage où on a ça attire mon attention sur une interview d'Astier qui dit « Oh, Campbell l'a dit, ça, il faut que ça finisse bien. » Puis j'aime bien parce que comme ça, quand dans quelques années, on arrivera à inviter Astier ici pour se moquer de lui. Faire son procès en monomythe. Non. Ça attire mon attention sur pas mal de choses que je trouvais intéressantes. Donc c'est quand même... je trouve que ça remplit bien son rôle d'avoir plusieurs niveaux de lecture qui peuvent plaire à différentes personnes. Je pense que j'avais un des rares problèmes que j'ai eu, c'est qu'il y a deux articles qui se suivent puis qui parlent du départ de l'armée romaine de la Bretagne et de la fin et de l'Antiquité tardive et de la représentation. En fait, les deux sont. Oui. Je trouvais que les deux se recoupaient peut-être un peu beaucoup. Puis donc les lire à la suite, c'est un peu, on parle un peu de la même chose. Mais bon, ça c'est toujours le problème avec les compilations d'articles en fait. Oui, alors c'est vrai qu'on a essayé d'harmoniser au maximum, mais il y a certains sujets qui se recoupent beaucoup quand on parle de l'armée romaine et de la fin de l'Empire romain. Oui. Effectivement, on a forcément des choses en commun, et c'est un sujet qui a beaucoup plu apparemment, en tout cas quand on a vu ne serait-ce que les propositions de communication en amont du colloque. On a eu pas mal de propositions qui portaient justement sur Rome et sur cette fin de l'Empire romain et le passage forcément de l'Antiquité au Moyen-Âge qu'on vit à travers la série. Il avait fallu en choisir quelques-uns parce qu'on ne pouvait pas non plus faire un colloque uniquement sur Rome. Je pense qu'il y aurait de la matière, effectivement. Mais voilà, on a essayé d'harmoniser un petit peu tout ça. Alors effectivement, quand on lit les deux articles à la suite, s'il y a des choses qui se recoupent un peu, mais ça reprend bien en même temps ce qu'on a pu dire pendant le colloque, puisqu'on s'est rendu compte sur les deux jours qu'ont duré ces communications qu'on avait des points communs, que ce soit à travers une approche de spécialiste de sciences politiques ou une approche de géographe ou une approche d'historien ou de littéraire. Ça permettait d'avoir des éléments complémentaires, et il y a des sujets comme ça qui sont revenus, et la place de Rome est vraiment essentielle, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, je trouve, dans Kaamelott, puisque alors Rome, on en parle beaucoup finalement, mais on ne le voit cette cité romaine que dans la toute dernière saison, dans le livre 6. Et c'est assez étonnant de voir la place que peut prendre Rome dans les discussions qu'on a eues sur Kaamelott, alors que paradoxalement on ne voit Rome que dans un sixième de la série, et encore un peu moins d'ailleurs. En termes de représentation, ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est qu'il y a quelqu'un en passant qui notait que la représentation de Kaamelott était un peu... et qui notait des incohérences dans la série, parce que l'un des problèmes de Kaamelott, c'est que ça a commencé comme étant, comme je le disais déjà, William Blanc, c'est ok, on va faire caméra café à la table ronde, M6 adore ça, c'est super, c'est court, on peut mettre plein de pubs. Alexandre Astier a clairement une vision un peu plus... une idée un peu plus grande de ce qu'il veut essayer de faire avec cette série, et là, il veut essayer de le porter au cinéma, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, il y a eu cette tension où Kaamelott n'a pas toujours été quelque chose de très cohérent et revenu en arrière. Et je trouve il y a un ou deux articles qui pointent un peu cette dimension-là. Et je pense que c'est un peu dommage, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé voir plus. Enfin, j'ai aimé le voir, mais je me dis qu'il y aurait quand même beaucoup matière à creuser. C'est ça, c'est pour ça qu'en fait, on s'est mis d'accord en fait, un peu dès le début du colloque, en disant que on n'était pas là pour pointer du doigt systématiquement tous les anachronismes, notamment parce que c'est vrai que dès qu'on travaille sur l'histoire dans Kaamelott, c'est tentant aussi, mais qu'il fallait vraiment s'attacher à ceux qui avaient de l'importance ou qui pouvaient, voilà, qui pouvaient être exploités du point de vue de la recherche et de ce qu'on souhaitait montrer. Mais effectivement, quand on voit l'évolution de la série, ne serait-ce que, je cite souvent ça, mais dans les costumes de Kaamelott, quand on voit la différence entre le livre, on va prendre les deux extrêmes au niveau des ambiances, mais entre le livre 1 et le livre 5, voilà, on a des univers tout à fait différents, des costumes qui changent complètement. On passe des armures de plate à des costumes beaucoup plus proches du 5e siècle, et aussi on passe de couleurs extrêmement extrêmement vives, hein, quand on regarde Perceval et Caradoc par exemple, hein, dans le premier livre, tous les personnages sont associés à une couleur dominante. Perceval va être en bleu ciel, Caradoc en rouge, comme ça on les identifie bien. Pour le spectateur qui découvre la série, en plus en format court, il faut que ça marque, et il faut que ça marque rapidement. Donc il faut que les personnages soient clairement identifiables, et les jeux sur les couleurs et les costumes contribuent aussi à ça. Une fois que la série est davantage installée et a aussi plus de moyens, ça permet de faire des efforts à ce niveau-là, au niveau de la recherche historique et de la représentation qu'on veut donner. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'associer clairement Perceval au bleu ciel et Caradoc au rouge, etc. C'est des signes purement esthétiques et graphiques qui vont s'atténuer au fur et à mesure, et qui vont aussi avec l'assombrissement de la narration dans la série, jusqu'à ce livre 5 et ensuite la fin du livre 6, où on est vraiment, on est au fond du trou, hein, quand même, dans cette ambiance. On est loin de la série humoristique vendue à M6 comme, ouais, bah, c'est un programme court entre les infos et le film en prime time, sur cette case horaire qui fait rêver. Mais, on a quand même passé un cap, et c'est intéressant de la part d'Astier d'avoir osé ça. Parce que je pense que ça a surpris. Il y a certains fans qui n'ont pas apprécié le basculement aussi, hein, de la narration, avec quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Dit toujours Astier, il dit que c'est pas sombre, il dit que c'est noir. Mais effectivement, c'était un choix narratif qui fait beaucoup aussi pour la complexité, la profondeur des personnages. Et alors ça, c'est la littéraire qui parle là, mais c'est intéressant de pouvoir vraiment avoir une complexité psychologique aussi de certains personnages, même le personnage de Lancelot, qu'on a tendance à voir. Lancelot, c'est un puriste, hein, il est soit tout blanc, enfin le chevalier beau trouvé comme on le surnomme, soit il passe complètement du côté obscur sous l'influence de Méléagan, cette figure un peu de seigneur Sith, hein, qui vient l'accaparer. Mais le personnage de Lancelot a aussi une psychologie qui est développée et qui, je pense, aurait été extrêmement difficile à développer dans les épisodes virgule de 3 minutes 30, où là, je pense qu'il faut quand même s'accrocher pour donner une véritable profondeur à ces héros. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant, moi-même étant d'un background littéraire, disons, il y a beaucoup de chercheurs et de d'académiques, je parle en version très anglophone, hein, c'est mon background qui veut ça exactement, mais il y a beaucoup de chercheurs, de médiévistes qui sont des littéraires dans l'équipe qui a participé au colloque, donc tout y compris. J'ai trouvé ça intéressant que le livre final soit vraiment un livre plus d'histoire. Il y a relativement peu d'analyse, que ce soit d'un point de vue, disons, d'une forme littéraire, de la série en tant que forme littéraire, si ce n'est au travers justement de cette lente historique, et relativement peu d'approche des textes médiévaux sur Arthur. Il y a des évocations assez nettes, mais par exemple, j'ai trouvé intéressant que pour parler de la mort, de la chasse au dragon, le texte utilisé en référence soit clairement Beowulf, par exemple. Oui. C'est assez intéressant, j'ai trouvé cette approche plutôt historicisante, plutôt que vraiment d'étudier la série en soi en tant qu'objet littéraire, ce qui n'était pas, il me semble, le but primaire. Mais aussi, de façon peut-être un peu plus surprenante, c'est pas un manque, mais une absence peut-être un peu plus consciente, plus ou moins consciente, de références littéraires arthuriennes directes. Est-ce que c'était une volonté explicite ? Est-ce que c'était quelque chose qui s'est finalement organisé de soi ? Ou est-ce que c'était peut-être pour éviter les parallèles trop directs du genre, Astier utilise cette trope qui se retrouve exactement dans telle continuation de Perceval, ou de... Il y a une partie de ça qui est présente, hein, clairement, mais c'est beaucoup moins que ce à quoi on pourrait s'attendre dans ce genre, d'ouvrage. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, en fait, on a assez naturellement... alors je vais pas te dire évincer la littérature, parce que c'est pas ça, mais c'est vrai qu'on s'est moins intéressée à cette approche. D'abord parce que je disais qu'il y avait quelques articles qui avaient déjà été faits sur sur Camelot, et justement les articles qui avaient été faits pour le moment adoptaient une approche littéraire. Là, on retrouve un petit peu cette cette idée, notamment quand on étudie le personnage de Perceval. C'est au tout début de, du livre où on s'appuie là davantage sur sur Chrétien de Troyes et aussi forcément sur la poétique d'Aristote, parce que voilà, oui, c'est ça. Camelot en fait deux doubles épisodes, mais on a moins cherché. Alors après, c'est aussi parce qu'on a eu moins de propositions de communication sur ça. Peut-être que les littéraires, les médiévistes littéraires, je sais pas, sont peut-être un peu moins friands de cette étude, mais en tout cas, c'est quelque chose qui avait déjà été fait ponctuellement dans dans des articles de Claire Jardier, de bah de moi aussi accessoirement, c'est vrai que j'ai travaillé là-dessus. Mais c'est vrai que là on avait davantage une lecture historique, parce que bon, aussi c'était le thème du colloque, hein. Le colloque était intitulé Camelot, la lecture et la relecture de l'histoire. Donc naturellement, alors les historiens se sont engouffrés dans cette possibilité avec grand plaisir, mais aussi d'autres spécialistes, et on a cherché à regrouper, à harmoniser au mieux des filières qui ne travaillent pas toujours ensemble, hein, même c'est même assez rare pour certains. Enfin, je sais que dans mon cas, j'avais encore jamais eu l'occasion de travailler avec des musicologues, ce qui a été extrêmement enrichissant pour moi. Mais voilà. Ce qu'il fallait, c'est pouvoir trouver un point d'ancrage pour tous ces spécialistes de différentes filières. Et ce point d'ancrage a été avant tout l'histoire et cette transition de l'Antiquité au Moyen-Âge plutôt que la littérature, puisque la littérature s'est en fait à son tour ancrée sur cette représentation de l'histoire. C'est intéressant, juste pour rebondir sur ta remarque sur le fait que tu n'avais pas eu l'occasion de travailler avec des musicologues ou qu'il y a peut-être moins d'interdisciplinarité. Alors moi, je suis pas du tout familier avec le monde universitaire français, même du point de vue francophone. L'université suisse est assez idiosyncratique, et du point de vue anglophone, parce que j'ai étudié la littérature anglaise avant tout, le monde anglophone a une grande tendance justement à l'interdisciplinarité qui me fascine en tant que, disons, vu que je suis confronté aux deux, de voir justement des spécialistes de musique parler d'émotions avec des spécialistes d'histoire, des spécialistes d'histoire littéraire, de littérature. C'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion, par exemple, de faire, même de présenter un colloque où j'ai pu présenter à côté d'une spécialiste des tissus, des croix sculptées dans le nord de l'Angleterre et dans le sud de l'Écosse, et des tissus en Islande et de leur tissage par des nonnes, par exemple, des trucs très très différents. Est-ce que ça semble être quelque chose d'assez inhabituel en France? Est-ce que c'était une expérience du coup un peu inédite de ce point de vue-là? Est-ce que ça pourrait être une piste justement de passer par ce chemin de traverse un peu qu'est la fiction contemporaine pour essayer d'évoquer des choses plus, disons, des rapports naturels qui pourraient se faire autrement, qui se font peut-être moins naturellement dans les études médiévales en France? Ou est-ce que c'est quelque chose, au contraire, qui existe déjà, mais qui est un peu déconnecté, disons, du travail quotidien pour les chercheurs? C'est vrai que c'est quelque chose où dans les pays anglophones, ils ont une longueur d'avance assez incroyable sur ça. D'ailleurs, que ce soit sur l'étude du médiévalisme ou sur justement ce travail pluri et transdisciplinaire. Alors en France, ça se fait, hein, on n'est pas j'imagine quand même entièrement qu'il y a... borné, mais c'est vrai que c'est difficile. Que ce colloque. Voilà, non, bien sûr, on ne peut pas être des pionniers dans tout non plus. Non, c'est quelque chose qui se fait, mais qui se fait doucement et qui se fait très très lentement et qui se développe petit à petit justement avec des projets comme celui-ci ou comme d'autres, mais d'abord parce que aussi on a certaines réticences d'un point de vue des terminologies, notamment tout simplement, hein, quand on prend l'histoire et la littérature, on travaille parfois sur les mêmes sources, puisque au Moyen-Âge on n'a pas tellement de sources que ça, donc on se les partage un petit peu. Et c'est vrai que on n'a pas forcément la même façon de décrire ou de concevoir la place de l'auteur ou la place du contexte. Enfin, c'est voilà, quand on a une approche de littéraire, d'historien ou de sociologue, etc. On n'a pas les mêmes attentes, et donc c'est parfois un petit peu difficile de croiser les sujets de recherche. Heureusement, voilà, ça se fait de plus en plus, et ça contribue aussi à cette vulgarisation dont je parlais un petit peu tout à l'heure, puisque on cherche aussi à transmettre ce que on a pu apprendre en tant que littéraire, on peut le transmettre aux historiens qui eux-mêmes nous montrent comment ils perçoivent certaines choses et on se nourrit mutuellement de nos recherches. Et je pense qu'il faudrait de plus en plus, hein, en France, qu'on arrive à faire ça, parce que encore une fois, on peut travailler entre nous et on fonctionne efficacement, mais je pense que c'est idéal de pouvoir se nourrir des recherches des autres pour qu'on puisse avancer ensemble et qu'on voilà, on aille plus loin. Alors je sais pas si c'est avec Kaamelott qu'on va révolutionner la recherche universitaire en France, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, on a essayé de travailler tous ensemble, ça s'est vraiment bien passé. Et on a pu justement confronter un peu des points de vue, des perspectives, voir que on n'avait pas les mêmes attentes qu'on soit littéraire ou historien de l'art par exemple, mais que on pouvait tous travailler sur Kaamelott de façon pertinente pour essayer d'aller quelque part et de tirer toute la richesse de cette série. Après reste à voir ce qu'on pourra en faire, mais je pense que c'est aussi j'ai aussi une formation d'angliciste, alors c'est peut-être ça qui fait que moi ça aussi j'ai forcément envie qu'on travaille en pluridisciplinaire, parce que c'est tout simplement c'est plus sympa aussi, hein. Voilà, ça permet de rencontrer des gens avec qui on travaille pas toujours, d'avoir des points de vue différents qui ouvrent un petit peu nos perspectives. C'est aussi ça qui est enrichissant. Mais je pense que tu me contrediras pas sur ça. Certainement pas. Pour parler un peu de ces liens justement entre le monde académique et la fiction, je trouve Kaamelott est un levier qui marche très très bien, parce que disons il y a énormément de choses dans Kaamelott, comme le livre le remarque, qui fonctionnent que comme un écho de débat littéraire, universitaire ou académique. Enfin, le cas du l'épisode sur le Graal, Bocal à Anchois, machin. En forme de Graal, tout à fait. En forme de Graal. La véritable nature du Graal, bah oui. La véritable nature du Graal, mais aussi, je pense, ça pourrait être soulevé plus largement, parce que typiquement, le fait d'utiliser, tu l'as mentionné, Méléagant comme cette espèce de seigneur Sith, si on lit Chrétien 3, on ne comprend pas vraiment. Mais si on imagine Alexandre Astier qui fait ses recherches, puis qui tombe sur un article qui dit Méléagant est un double maléfique de Lancelot, bah là, ça devient extrêmement clair. Et je pense qu'il y a énormément de couches de Kaamelott qui se révèlent comme des espèces d'échos de notre. Comme pour reprendre une phrase à la Pratchett, un monde et miroir du monde, un écho déformé de notre monde. Et sur ce genre d'écho-là, je pense que Lee fait un assez bon travail de montrer justement ce qui, dans Kaamelott, est une référence à des discussions érudites ou semi-érudites, où on va mettre en scène quelque chose qui n'a jamais été vraiment une réalité, mais qui est quelque chose qu'on a envisagé comme tel, qu'on s'est représenté comme tel. Mais une chose que je trouve qui est un peu dommage justement, c'est quand je parlais de cet aspect un peu critique, c'est qu'on parle peut-être pas assez comme on parle de la réécriture de l'histoire, peut-être pas de la réécriture de Kaamelott par la série elle-même. Genre, je pense à une des dimensions qui je pense serait les plus intéressantes, puis qui revient un peu dans quand on parle justement de Guenièvre, c'est que bon, au départ le personnage de Guenièvre, c'est un personnage qui a un ressort comique. Qui est un peu ce personnage naïf et qui est censé empoter, un peu rigolo. Et puis au final, en fait, non, Arthur a une très très bonne raison de ne pas consommer son mariage avec, et puis c'est une raison très tragique et qui était là depuis le début. Bon, on n'y croit pas plus que ça. Et je pense que justement, il y aurait un livre littéraire à faire pour justement parler de la dimension plus littéraire de Kaamelott, où justement on a ces couches qui s'écrivent pas seulement sur le monde, mais aussi sur ce que la série a fait elle-même, en fait. Mais tout à fait. Ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est la publication d'une thèse qui montre un petit peu la lecture littéraire de Kaamelott. Et alors, ça tombe bien parce que la mienne est en cours d'édition. Non, voilà, effectivement, j'ai pu travailler notamment sur ce sujet lors de mes recherches de doctorat. Et cette fois, d'un point de vue beaucoup plus littéraire. Pour montrer, alors que ce soit pour le personnage de Guenièvre ou d'autres, hein, justement, pour montrer ce que Kaamelott emprunte à Chrétien de Troyes, mais aussi à Geoffroy de Monmouth, par exemple, et ce que Kaamelott réécrit, et ce que Kaamelott tord ou corrompt un petit peu par moment de façon assez amusante. Alors il y a des choses assez évidentes, comme le personnage de Perceval, qui chez Chrétien de Troyes, à qui on on essaye d'inculquer les bonnes manières, en fait, tout simplement, et à qui on dit, non, mais faut arrêter de poser des questions comme ça, à tort et à travers. Ce qui fait que, lorsqu'ils voient passer le Graal, ils n'osent pas poser la question qui nous aurait tous sauvés, finalement. Et on retrouve ça, bien sûr, de façon détournée dans Kaamelott, avec Arthur qui en a marre, et qui dit, non, mais je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Voilà, c'est exactement la même chose. Mais, Asti reprend aussi des éléments un peu plus subtils, et notamment justement dans sa représentation de Guenièvre, ce qu'il donne à voir est finalement assez fidèle à ce qu'on peut avoir notamment chez Chrétien de Troyes, avec cette Guenièvre légèrement effacée, en tout cas quand on prend les premières saisons, et dont la seule fonction c'est d'exister pour le bien-être du roi, c'est ce qu'elle dit dans Kaamelott, et d'exister pour le bien-être de la Ménie, hein, de l'ensemble du château, lorsqu'elle veut recueillir toutes les dates d'anniversaire de tout le monde, ou etc. C'est un peu cette Guenièvre inspirée de Chrétien de Troyes qui fait tout pour gérer les amours de tout le monde. Bon, même si effectivement dans Kaamelott sa connaissance des amours reste très théorique, fatalement. Mais voilà, il y a une assez belle sensibilité en fait dans ce personnage qui, du premier abord, peut nous paraître un peu voilà une cruche, hein, on dit qu'elle est con comme une chaise, mais qui a une belle sensibilité, une belle profondeur qui apparaît. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui sont comme ça. Si on regarde Arthur très rapidement, voilà, c'est un roi un peu bougon qui crie sur tout le monde, mais il a une véritable détresse du héros typique de fantasy qui se retrouve contraint à être roi alors qu'il n'avait pas du tout envie de faire ça, mais qu'il y a une destinée qui lui tombe dessus et qu'il est un peu le seul pour pouvoir gérer cette équipe de bras cassés. Donc on retrouve des codes issus de la littérature médiévale, mais issus aussi de certaines réécritures beaucoup plus récentes, le tout mélangé avec un petit peu justement de pop culture, un petit peu de Star Wars, un petit peu de Warhammer, et voilà, ça donne un mélange qui fonctionne. Je sais pas s'il fonctionne, mais qui nous amuse bien, en tout cas. Oui, bah, j'attends quand même de voir les films, parce que c'est une série qui promet beaucoup, puis ben maintenant ça va faire quoi, 10 ans qu'on attend la suite. En plus, même presque, non. Ouais. Plus de 10 ans, puis je dois quand même dire qu'il y a quelque chose qui, j'espère qu'Amelot va réussir son espèce de gambit où on a ces personnages qui sont quand même extrêmement dévalorisés, mais qui ont quand même une espèce de grâce qui permet de les sauver à la fin, mais aussi je pense que ça un peu... C'est condamné à décevoir quelque part, non? Oui, mais je pense qu'il y a aussi... Il y a aussi ce côté où c'est un peu... Il y a des trucs qui étaient simplement pas nécessaires à l'histoire, en fait, je pense. Je sais pas, tout l'encadrement du personnage de Bohort comme, je sais pas, comme peut-être homosexuel, mais en fait, finalement, on va rien en faire. Putain, bon, est-ce que ça va aller quelque part ou est-ce que ça va pas aller quelque part ? Disons, ça parle plus peut-être de la nécessité du format court, mais nombreux. Le fait de devoir produire 100 épisodes de 3 minutes 30 d'abord, puis 50 de voilà. 6 minutes... amène nécessairement, je pense, au rajout de couches, disons. C'est comme un peu les romances en prose qui ont tendance à ajouter un peu du texte par-ci, par-là, et qui ajoutent des éléments parfois un peu... qui ne seront pas nécessairement exploités de façon très cohérente après. Oui. Et puis on avait aussi des points de vue. Enfin, c'est ça qui a été aussi intéressant pendant le colloque, c'est qu'on a pu avoir notamment la présence de Jean-Robert Lombard qui interprète le père Blaise dans la série, et qui a assisté à une partie du colloque et qui a gentiment accepté de se livrer à un entretien sous cette foule de fans et d'universitaires mêlés. Et c'était assez intéressant de voir que nous on arrive avec nos grandes idées nos grandes idées d'universitaires en disant oui là Asti a voulu montrer que ça etc et c'est une référence à tel texte du XIIIe siècle et là on pouvait avoir Jean-Robert Lombard qui nous dit non mais c'est juste que la phrase le faisait marrer, voilà, il y a ça aussi, il faut pas oublier qu'on est sur une œuvre d'art et une série est une œuvre d'art et une œuvre d'art qui a été conçue sur un temps long. Voilà, les premières créations de Kaamelott, c'est 2004, et une diffusion jusqu'en 2010, il me semble, fin 2009, mais donc, sur plusieurs années, l'opinion change, la vision qu'on a des choses change, on a des acteurs qui ont eu aussi des envies de faire évoluer leur personnage d'une certaine façon. Donc c'est une œuvre à la fois très très individuelle, puisque Alexandre Astier maîtrise quand même très bien les rênes hein, de son œuvre. Oui, dans le générique, il a 30 ans. Voilà, c'est ça, parce que musique, la réalisation. Il est créateur, réalisateur, il contribue à la production, il est compositeur et il joue le rôle principal. Sa compagne de l'époque fait les costumes. Enfin, il y a la moitié de sa famille qui joue dans la série. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très très personnel. Très féodal. Oui, avec quand même un respect de toute son équipe, parce que justement, il fait. On a le directeur artistique qui va être Jean-Christophe Imbert et qui joue le personnage de Caradoc. Dans le livre 6, on a Emmanuel Mérieux qui avait contribué au coffret DVD, qui là devient acteur. Enfin, on a une famille ou un groupe d'amis, je ne sais pas trop, qui se réunit pour mettre ça en place. Donc sous la direction d'Alexandre Astier, hein, Jean-Robert Lombard parle de lui souvent en disant que c'est un chef d'orchestre. Effectivement, il a une formation de musicien. Et il retrouve un peu cette idée, mais il va pouvoir aussi se nourrir des envies justement des comédiens et de ses envies du moment aussi ou de ses doutes. Effectivement, quand il a lancé Kaamelott au tout début, quand il a vendu le projet à M6, je suis pas sûre qu'il avait en tête de faire partir Arthur sur les chemins pour chercher ses enfants que finalement il ne trouve pas, avec quelque chose de très très sombre. Mais dans les épisodes de 50 voilà minutes, dans quelque chose de très qui se termine par une tentative de suicide, enfin voilà. On n'est pas sur le monde des bisounours, mais on se retrouve avec quelque chose qui prend en profondeur, mais parce que la vision d'Alexandre Astier a changé petit à petit. Alors même si très rapidement il a eu cette idée de faire évoluer la série dans son format et pour ensuite déboucher sur au moins un long métrage, c'est nécessairement quelque chose qui s'est construit progressivement, et donc c'est à ça aussi qu'on doit tous ces anachronismes ou des petites incohérences. On nous répète que Perceval et Caradoc ne savent pas lire, et pourtant il y a un épisode où ils foutent le feu au château parce qu'ils lisent un parchemin de boules de feu. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont aussi de l'ordre de ça c'était juste marrant à écrire à ce moment-là. Voilà, on reste aussi dans le fait que ça reste une série télévisée avec toutes ses qualités, avec ses défauts aussi, hein, mais qui fait que on arrive à la fois à regarder la série de façon divertissante, parce que ça continue de passer toutes les semaines sur la télé française, avec des rediffusions d'épisodes qui ne sont pas de l'ordre, c'est magnifique. Mais on peut aussi exploiter certains passages de façon beaucoup plus sérieuse pour voir ce que Astier a retenu du Moyen-Âge, a retenu de l'histoire ou de la littérature arthurienne, et pourquoi il a retenu ces éléments-là, pourquoi il en a modifié d'autres, et cette vision des choses, ça nous indique ça nous donne à la fois des éléments sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, et aussi et surtout sur notre société contemporaine, et c'est ça tout le, j'ai envie de dire tout le charme du médiévalisme, c'est de pouvoir avoir un regard à la fois sur le Moyen-Âge et sur ce qu'on entend aujourd'hui par Moyen-Âge. Sur cette perspective, il y a une phrase d'Alexandre Astier qui est d'une interview qui est citée dedans, je ne sais plus par qui maintenant, mais que je trouve assez jolie, où il dit que la légende arthurienne, c'est comme une table qui est couverte de mouchoirs, un peu d'aigle comme Perron ça, et qu'on peut. Qui parle de ça dans son. Alors, c'est le dernier article, si je me souviens bien, sur les mondes de fantasy. Oui. Où il dit justement, il y a des choses qu'on peut soulever, on peut creuser, mais aussi on peut juste laisser là et puis pas trop les amener. Puis il y a des choses qui sont aussi, je trouve, un peu, peut-être pas gratuites, mais un truc que j'ai toujours trouvé marrant dans Kaamelott, c'est que Yvain soit le frère de Guenièvre, et je sais pas du tout d'où ça vient, mais je crois que ça a juste été fait pour compresser un peu l'arbre généalogique comme ça, puis qui en fait sert juste la mise en scène, puis ça je crois que c'est une des originalités de Kaamelott. Oui, alors c'est aussi une question de... C'est aussi une question de contrainte de production, en fait, puisque quand Astier a lancé le projet, on lui a dit oui, on accepte, mais vous savez, quand on lance un projet, il y a toujours des petites modifications à faire pour correspondre véritablement à ce qu'attend la boîte de prod. Et parmi les demandes, les boîtes de production ont demandé à ce qu'on ait davantage de présence féminine pour plaire à un public féminin et qu'on ait aussi davantage de personnages jeunes pour attirer un public plus jeune. C'est comme ça que Astier a décidé d'intégrer les personnages des maîtresses d'Arthur, puisque sinon jamais on a des maîtresses officielles comme ça d'Arthur dans les textes, et que Astier a décidé aussi de créer, ou en tout cas d'amplifier le rôle attribué à Yvain et à Gauvin. pour pouvoir avoir voilà des personnages plus jeunes et qui sont présents un peu plus souvent. Donc Gauvin, neveu d'Arthur, ça c'est admis depuis le XIIe siècle. Mais effectivement, si on veut que Yvain soit là de façon presque constante dans les premières saisons, ou en tout cas très fréquemment, il faut quand même une justification. Il peut pas se pointer à la table du roi comme ça juste pour le plaisir. Donc si on l'intègre à la famille, ça permet de donner un petit atout narratif en faisant que voilà, on peut avoir un personnage jeune qui va être cet ado attardé, extrêmement bougon et qui veut pas faire les trucs parce que c'est vraiment trop nul, ou au contraire qui choisit un surnom qu'elle ne comprend rien parce que ça fait vraiment trop classe. Voilà, on a une caricature de l'ado, mais qui est intégrée avant tout en fait pour des contraintes de production, et que Astier intègre petit à petit à sa narration. C'est intéressant. Je prends peut-être un virage un peu sec pour là revenir un peu dans ce qui est notre marque de fabrique, qui est de parler de textes médiévaux pendant 3 heures. Il y a quelques articles qui ont quand même une perspective un peu littéraire. Ton article notamment sur Merlin, druide désenchanté, fait un peu partie. Et je pense, je vais critiquer quelque chose, je vais essayer d'être mesuré, parce que je me rends compte ce que c'est que, ok, on a une intervention aux acolytes, on doit la faire tenir dans le livre. Et puis c'est, je pense que c'est justement un problème un peu d'édition. Mais ça peut ouvrir une question plus intéressante sur cette accessibilité. C'est, tu parles notamment d'abord de la Vita Merlini avec le Merlin un peu sauvage, ensuite de cet épisode de Merlin qui fait ses 3 prophéties sur la mort d'un homme, et que c'est un peu incohérent, il peut pas être pendu, noyé et puis tomber d'une falaise en même temps. Typiquement, tu mentionnes sa conception en citant l'édition d'Alexandre Micha du Merlin, donc l'édition chez Drouot classique de 79. Mais juste ensuite, pour parler justement des 3 morts du baron, tu cites l'édition Vulgate qui est publiée par la Pléiade au Livre du Graal. Ce que je trouve intéressant, parce que en fait, l'épisode est présent dans les deux, quoi, c'est-à-dire que ce soit la conception ou les 3 morts, comme ça, parce que comme le Merlin, c'est un de ces textes qui a été écrit, intégré, réécrit dans différents cycles, ça pourrait être le même texte, et puis pareil, les 3 morts, en fait, on les trouve déjà dans la Vita Merlini. Donc j'essaie de me mettre un peu à la place du lecteur amateur, parce que moi je reste un amateur surtout de ce côté-là. Puis ça donne cette impression bizarre où la personne qui ne connaîtrait pas ça, puis qui irait lire les notes à la fin pour peut-être aller plus loin, serait peut-être un peu perdue, parce que je pense que ça donne cette espèce d'effet télescopique où on ne se rend pas vraiment compte où commence et où finit comment fonctionnent en fait les textes médiévaux, hein, ça c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. Ce qui amènerait mon autre critique de ce livre, mais ça c'est une critique générale, c'est les notes sont à la fin, puis je ne comprends pas vraiment pourquoi. Surtout que là en l'occurrence, la moitié des notes, c'est juste pour dire à quel épisode on fait référence. Et du coup, je trouve que ça aurait pas été lourd de les avoir dans le corps du texte, etc. Mais je comprends que c'est un problème d'édition. Oui, là, c'est la norme de l'éditeur. Donc là, on n'a pas sur la question. C'est l'harmonie de l'éditeur. Je sais que c'est des impératifs un peu externes. Mais du coup, ce qui m'a un peu fait relever, c'est que je regardais, parce qu'en plus, on est en train de préparer une série sur le Lancelot Graal. Mm-hmm. Et qu'en plus, ailleurs, dans un autre article, il y a la quête du Saint Graal qui est mentionnée, le Lancelot en prose, et puis quelque part ailleurs, je crois aussi la mort Arthur. Mais là, le lecteur un peu qui se balade par là, il n'aura pas du tout l'impression que ces textes sont liés les uns aux autres ou comment. Puis alors bien sûr, ce n'est pas le job de ce livre d'expliquer, de parler pendant 3 heures de ces textes, ça c'est un peu notre job à nous en fait. Mais du coup, je me poserais la question, vu que tu vois un peu ces deux perspectives-là et que tu as clairement cette vision littéraire médiévale, qu'est-ce que tu verrais pour rendre ça plus accessible aux gens qui s'y connaissent pas forcément, en fait, si dans ton expérience. Pour rendre les textes médiévaux, notamment 12e, 13e siècle, plus accessibles, c'est ça ? Sans forcément en parler de manière très longue, mais pour transmettre un peu la compréhension de comment ces textes fonctionnent, ce qui n'est pas forcément... Comment ils s'imbriquent les uns avec les autres, tu veux dire aussi. Comment ils s'imbriquent les uns avec les autres, quels liens ils ont... Parce que je me mets un peu dans la place, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter ce livre parce qu'ils se disent « Oh, c'est Kaamelott, je vais l'offrir pour l'anniversaire de tel et tel parce qu'il aime bien Kaamelott. » Et du coup, je me demande un peu qu'est-ce que ce serait, parce que je me rends compte que ce n'est pas évident du coup de balancer ce problème-là, mais qu'est-ce que ce serait justement pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça plus simple d'accès en fait? Alors effectivement, c'est pas un sujet facile à traiter en quelques minutes là, puisque ça fait partie aussi des problématiques qu'on a en tant qu'enseignant aussi, hein, comment transmettre ces textes, notamment les textes arthuriens pour ce qui me concerne. Mais on a le cas avec plusieurs plusieurs textes du genre, hein, notamment au Moyen-Âge où on n'a pas cette notion de droit d'auteur, donc on a chaque auteur qui fait un peu comme il veut et qui peut reprendre une matière et la changer comme il l'entend en fonction de ses problématiques ou de ses envies. Donc on met en place hein, des fois tout un cours ou tout un séminaire sur sur ces questions. Après, il faut voir aussi quelles ont été les enfin, en tout cas, pour ce qui nous a concerné là, pour parler du livre sur Kaamelott, quels ont été les textes les plus pas tant les plus diffusés, mais les textes les plus conservés aujourd'hui dans l'imaginaire collectif ou dans ce qu'on peut encore transmettre, parce qu'on a des textes, alors la Vulgate ou Chrétien de Troyes, on a des textes très très connus, mais on a aussi des dizaines, peut-être même des centaines d'autres textes, que ce soit du Moyen-Âge ou des réécritures beaucoup plus récentes, qui parlent d'Arthur, qui apportent une facette au personnage ou à voilà à divers aspects de la légende, mais qui n'ont pas été retenus véritablement dans cette espèce d'inconscient collectif occidental. Donc moi, ce que j'essaye de faire avec mes étudiants, c'est de voir les grands jalons de cette légende, pour voir un petit peu comment Geoffroy de Monmouth a influencé Vaas, qui eux-mêmes ont influencé Chrétien, qui ensuite, enfin voilà, comment on a une suite de réécritures, mais qui se construisent à la fois à partir des réécritures précédentes et qui apportent aussi donc des nouvelles choses, mais qui apportent aussi souvent un nouveau contexte. Et c'est ça qui est aussi assez ce qui est à la fois assez difficile et en fait aussi intéressant dans la légende arthurienne, c'est qu'on adapte la matière au contexte de l'époque. Si on a un roi Arthur qu'on situe vers le 5e, 6e siècle, hein, même si d'un point de vue historique, voilà, les preuves sont extrêmement minimes, mais les premiers textes qu'on a, c'est véritablement 1135-1138 avec l'histoire des rois de Bretagne, et ensuite fin du 12e siècle, principalement avec Chrétien, et le gros succès de Thomas Malory avec le Mortet d'Arthur au XVe siècle. Là, on est quand même assez éloigné d'une source historique qui daterait de peut-être 1000 ans avant, ce qui fait qu'on va représenter Arthur avec le contexte de l'époque. Hein. Chrétien de Troyes le décrit comme un souverain du XIIe siècle. Donc c'est, j'essaye toujours de travailler sur ça avec mes étudiants. Ouais. La perspective. Voilà, une perspective littéraire qui s'appuie sur un contexte historique, social et culturel, et qui fait que on ne peut comprendre ces textes que si justement on les remet dans leur contexte. Alors on peut toujours, bien entendu, se plaire à lire les aventures de Yvain, le chevalier au lion, etc., de façon purement littéraire, purement poétique, hein, pour la beauté des aventures et du texte de Chrétien de Troyes. Mais quand on veut les analyser, il faudrait, si possible, les mettre dans cette perspective. Alors après, on a tellement de textes arthuriens que c'est extrêmement difficile de les lire tous, à moins justement d'être spécialiste et de passer ses journées à faire ça. Mais alors on le fait, hein, et nous ça nous plaît, mais mais c'est vrai que quelqu'un qui se dirait j'aime beaucoup Kaamelott et je vais aller lire les textes du Moyen-Âge qui ont inspiré Kaamelott, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à traiter, et on a essayé dans les notes justement de renvoyer aux textes principaux qui permettent déjà une première approche. Là, on est justement, tu le disais, hein, dans la vulgarisation. Donc, on n'a pas cherché à creuser, notamment parce qu'on, tu le sais, hein, on a des questions parfois d'édition, différents manuscrits. On a essayé de simplifier tout ça, alors le plus possible, pour que ça reste relativement accessible à quelqu'un qui voudrait aller découvrir le Merlin de Robert de Boron ou la Vita Merlini, par exemple. Je pense qu'il y a... je mentionne ça parce qu'en fait, bon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait moi-même. Je pense que j'ai fait exactement le même genre de paragraphe. Et en fait, William Blanc fait exactement la même chose dans son livre. Je pense que le Merlin, il y a un côté assez... Je sais pas comment dire, c'est très facile de faire ça parce que quand on édite le texte, on se retrouve à se dire, je vais citer un exemple de chaque texte. Comme ça donne un petit peu un panorama. Puis c'est la manière qu'on éditerait un paragraphe comme ça. Puis ouais, après, c'est vrai que... je vais être honnête. Il y a aussi mon goût personnel. On parlait de la scène des trois morts du baron. Effectivement, elle est dans plusieurs textes, mais il y a ma sensibilité littéraire qui dit, je trouve que là, elle est mieux écrite. Là, elle est, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est absolument pas, j'ai envie de dire absolument pas scientifique, sinon il faudrait citer l'ensemble des textes qui évoquent ce passage. Non, ça, mais, c'est pas toujours possible. Voilà, c'est ça. On est restreint aussi par le nombre de signes, le nombre de mots. Et il faut faire un choix. Et là, c'est le cœur qui a parlé plus que l'édition des manuscrits. Non, je me rends compte que c'est surtout un problème d'édition, puis de présenter un texte bref. Mais enfin, moi, c'est surtout que je me rends compte que c'est facile, même en parlant bien d'un sujet, puis en parlant avec précision et de manière érudite, de donner une fausse impression de l'extérieur aux gens qui connaissent pas ça. Puis je pense que c'est assez difficile, justement, quand on essaie de faire la jonction avec un public justement plus large. Parce que tu mentionnais justement Chrétien de Troyes, puis je trouve ça intéressant parce que t'es passé tout de suite à Mallory. Puis c'est un peu l'état dans lequel on est, en fait, où on a en France, on lit Chrétien de Troyes parce qu'il a une dimension, soyons honnêtes, patriotique. Hein, c'est l'auteur français, on lit à l'école. Les Anglais, ils lisent tous Mallory parce que maintenant, c'est avec l'impérialisme culturel américain, pour faire court. Puis l'influence de Tennyson aussi, l'influence qui s'est beaucoup basée sur Mallory. Disons, les références anglaises. Et puis de T.H. White, T.H. White, voilà. À travers T.H. White, c'est devenu la référence écrasante Mallory. Puis du coup, entre deux, la Vulgate, qui était quand même le best-seller du Moyen-Âge, s'est retrouvée un peu écrasée. Bon, on va essayer de remédier à ça avec des épisodes de 8 heures chacun sur chacun des volets. Après, mais... je pense qu'il y a aussi le fait que la Vulgate a une énorme résonance chrétienne, qui peut-être passe moins bien aujourd'hui dans nos sociétés sécularisées, où voilà, Mallory a malgré tout une certaine distance avec les problématiques. Il est beaucoup plus intéressé sur White la chevalerie. Oui, il y a quand même des passages de Mallory où un ermite qui débarque et qui dit « Arthur, tu as offensé Dieu » ou je sais pas quoi. Voilà. Moi, c'est aussi les raisons pour lesquelles on parle moins de Robert de Boron et de ses côtés un peu plus étranges, bien de textes, des continuations de Perceval et de leur... plus ça devient l'accumulation de textes moins compréhensibles. Disons, Mallory est assez clair. C'est l'avantage d'avoir écrit à son époque et d'avoir été édité très très tôt, et publié, imprimé. C'est qu'il est plus facile, disons, à digérer, je pense, que la Vulgate, qui est un ensemble beaucoup plus disparate. Pareil pour Chrétien, qui a des œuvres plus ou moins bien définies. Non, Mallory est clairement un jalon très important, Chrétien aussi. Je trouve dommage la Vulgate, il y a des trucs qui passent à la trappe, comme je sais pas. Je trouve vraiment dommage qu'on soit débarrassé, par exemple, du personnage de Gallo, qui je trouve apporte quand même littérairement quelque chose d'assez fort à ça, d'avoir cette espèce d'autre roi qu'Arthur. Puis Mallory s'est dit non, finalement, c'est pas très intéressant. Ouais, il avait déjà beaucoup de monde à intégrer, mais effectivement, c'est peut-être pas le choix que j'aurais fait à sa place, mais je n'aurais pas été à sa place, donc le problème est résolu. Il multipliait déjà les dames du lac et les rois pêcheurs un peu pour rien. C'est ça. Voilà, on commence à avoir un personnel narratif assez conséquent et on n'est pas encore dans la logique du 18e avec des intrigues imbriquées les unes dans les autres au point d'avoir des centaines, voire des milliers de personnages. Donc je pense qu'il a voulu se restreindre et il s'est limité aussi à... Certains personnages sont juste évoqués dans les listes qu'on peut avoir. Vous êtes assez traditionnel finalement, c'est ce qu'on trouve dans les premiers textes arthuriens gallois chez Colloré et Olwen. Tout à fait. Je pense qu'on arrive gentiment vers la fin de cette interview, mais on voulait aussi un peu te laisser la possibilité de nous mettre en échec ou de nous mettre sous le feu des projecteurs d'un coup. Est-ce que je ne sais pas si tu as des questions ou tu as des remarques ou des je ne sais pas à quelle fréquence tu écoutes Rex Rondam, Rex de Futurus. On te souhaite le moins d'écoute pénible possible, mais si tu as des questions, des remarques, si tu as quelque chose que tu veux nous demander, n'hésite pas. Oui, alors effectivement, on pourrait parler du roi Arthur toute la nuit, je pense, et on le fait régulièrement d'ailleurs, mais on a évoqué un tout petit peu T.H. White, alors pas du tout pour vous mettre en défaut, au contraire, mais je suis toujours ravie de trouver des bonnes volontés pour parler de White, parce que mon entourage commence à en avoir un petit peu marre de mon cheval de bataille et de cet auteur arthurien que j'essaye de revaloriser au maximum. Donc là que je vous ai sous la main, est-ce que vous avez un avis sur l'œuvre de T.H. White et sur justement sa réécriture de la légende arthurienne par l'intermédiaire de Mallory? Alors moi, je vais dire que pour l'instant j'ai pas encore tout lu T.H. White et j'ai très très peu lu directement T.H. White, et je pense que ce que j'en ai reçu, c'est d'une part la disneyfication avec Merlin l'Enchanteur forcément, puis aussi l'influence qu'il a pu avoir sur si je dis pas de bêtises, la comédie musicale Kaamelott, en fait. Et donc il y a ces deux versants qui sont sur le début, la fin du règne arthurien, mais filtrés à la fois à travers cette espèce Hollywood, de sucrerie Hollywood, la mise en scène très qui prive un peu de ce que je vois de cette espèce de Ouais, il y a quand même quelque chose de très sinistre dans son œuvre. Il y a quand même il la situe vraiment dans son époque. Enfin, il a vraiment une espèce des problématiques de son époque qui vont rejaillir dessus, même parfois de façon peut-être un peu qui aujourd'hui, je pense, aujourd'hui nous paraîtrait pas assez subtil pour figurer dedans, c'est-à-dire oui, les références à Hitler, pas voilées. Les références à Hitler, je crois qu'il a aussi quelque chose contre les Irlandais ou. Alors c'est très probable vu l'époque à laquelle il écrit. Sa relation à l'Irlande est très complexe, effectivement. Vu l'époque à laquelle il écrit, c'est pas étonnant. Hein. Il a vécu longtemps en Irlande, hein, mais. Ouais, en plus. Oui. Mais c'est lassé en fait, je crois. Mais de ce que je comprends, il a cette espèce de figure de, où il a les méchants Gaël qui sont, je crois, bah justement les Mordred et les personnages un peu subversifs comme ça, qui sont, dont on insiste sur leur méchante celtitude. Et puis, dans le contexte, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Ouais, par rapport à ces personnages-là, il y a aussi une tentative, en tout cas, de justification, notamment quand il parle du clan Orkney, donc c'est-à-dire Gauvin et tous ses frères jusqu'à Mordred, qui est leur demi-frère, hein, fatalement. On se retrouve avec des personnages dont les actions, dont la mentalité, parce qu'il y a une forte psychologie des personnages, tous ces éléments sont justifié ou en tout cas expliqué par le contexte et par alors par leur éducation aussi, hein, parce qu'il y a c'est une grosse problématique chez White, cette question de l'éducation et de la façon dont on transmet des valeurs ou des savoirs aux enfants, aux générations futures. Et d'ailleurs ça va être la clé, hein, que Arthur essaye de donner à l'avenir du mythe de Camelot. Mais donc, effectivement, on a une tentative de justification en disant « Oui, ils sont méchants et ils sont vindicatifs et ils vont mettre par terre la table ronde, mais faut voir pourquoi, en fait. » Donc, effectivement, il y a cet élément qu'il tente de justifier, mais comme il prend la légende arthurienne où on a forcément Arthur qui est le gentil, il faut forcément qu'on ait un méchant, effectivement. C'est ça, pour moi, de mon côté, c'est ça que je trouvais assez intéressant. J'ai pas beaucoup lu T.H. White, j'ai eu l'occasion de lire des extraits, j'ai une belle édition de White dans ma bibliothèque que je n'ai pas eu encore l'occasion de trop ouvrir, à côté de l'édition de Pyle, d'Arthur et ses chevaliers. Pour moi, c'est intéressant parce que c'est vraiment de ce que j'en ai ressenti, en tout cas, c'est vraiment l'acte de naissance d'une Arthuriana, disons, moderne et contemporaine. Parce que jusqu'à Tennyson, on est encore dans une espèce de regard vers le passé. Il y a le Connecticut Yankee de Twain qui Mark Twain, va regarder peut-être un peu plus, mais ça reste encore de façon assez satirique, je trouve, chez Twain. Un petit peu satirique. Non, mais je veux dire, oui, c'est très satirique, mais c'est Twain, donc on reste dans une lecture des passions de l'époque. Avec White, je pense que c'est une Arthuriana qui regarde vraiment plus, comme tu le dis, vers le futur. Tout à fait. Vers un aussi vers son époque, déjà. Je pense que, évidemment, il y a de ça chez de tout temps, hein, chez Mallory, qui se plaint de la fin de la chevalerie, qui est peut-être en prison pour viol au moment où il écrit, le Mortet. Donc c'est vrai, c'est assez ambigu. Le Tennyson qui écrit dans, disons, l'âge d'or de la chevalerie victorienne. Et puis on a T.H. White qui crée une époque où l'éducation est quelque chose, déjà le montagnanisme aussi, l'éducation et c'est rigolo, je lisais un livre récemment sur l'histoire du système des public schools anglaises. De l'éducation privée britannique, ça a l'air d'avoir rien à voir, mais je pense qu'on peut expliquer 99, peut-être pour les auditeurs c'est pas aussi évident que ça, mais on peut expliquer à peu près, disons, un bon 80-90% des problèmes britanniques, que ce soit autour de des hommes britanniques, de la façon dont l'éducation britannique est faite, des hommes politiques britanniques, de leur mentalité, de la mentalité de l'armée britannique et de la littérature et de la culture britannique, à l'angle de cette éducation particulière, de ce système extrêmement unique dont les classes supérieures ont été, la classe moyenne et supérieure ont été, surtout la classe moyenne supérieure, donc pas l'aristocratie, hein, mais les décideurs, les littérateurs, les politiciens ont été élevés. Et je trouve que c'est là qu'on commence à voir ça chez White, et c'est ça que j'en retiendrai le plus probablement. Je dois dire que tu vas perdre nos auditeurs si tu parles de 80-90%, tu perds la totalité tu perds les Français métropolitains et puis les Suisses romands, même les Belges vont commencer à râler, hein, bientôt. Non, voilà, c'était ça mais vraiment cette naissance d'un Arthur contemporain, peut-être, qui n'est pas simplement utile pour regarder vers le passé, mais aussi utile pour regarder vers l'avenir. Et c'est le personnage de Merlin de White est assez intéressant parce qu'il pousse, il le met à sa conclusion logique, en fait, qu'on voyait pas tellement avant, j'ai l'impression, et c'est ça que je retiens en tout cas chez lui. Mais justement, cette idée de regarder vers le futur est aussi transmise par le personnage de Merlin, qui chez White a la particularité de il dit I live backwards, c'est-à-dire il remonte le temps, c'est-à-dire qu'il explique que dans sa jeunesse il était au XXe siècle et que voilà, c'est là qu'il évoque notamment Hitler, et que lui il vieillit en remontant les siècles, ce qui fait que quand il rencontre Arthur, il est forcément beaucoup plus âgé, avec une bonne longévité quand même, hein. mais c'est très intéressant parce que justement il va former Arthur pour qu'il soit ce personnage de transition entre le respect de tradition et de la connaissance aussi, hein, de l'histoire. Et parce que si on a des conflits dans le royaume de Bretagne au moment où Arthur arrive au pouvoir, c'est aussi parce que ça fait, voilà, on a des siècles d'invasions et de conflits qui s'empilent les uns sur les autres, et donc des sentiments de vengeance qui s'accumulent. Donc Merlin va essayer de permettre à Arthur d'être dans cette transition entre un passé assez lourd, hein, quand même, et d'amener ce passé vers l'avenir. White va essayer de... il dit dans une de ses lettres qu'il veut faire de ses textes arthuriens un antidote à la guerre, parce que bon, lui ne pourra pas participer au conflit, mais voilà, alors après je ne sais pas s'il a réussi, mais toujours est-il qu'il a bien cherché à donner une résonance un peu plus profonde au roi Arthur, au mythe arthurien, en essayant de tirer des conclusions sur la guerre, sur la nature humaine, et de voir un peu comment l'espèce humaine pourrait survivre dans ces conditions si on n'arrête pas de se taper dessus toutes les 5 minutes. je trouve assez intéressant, du coup, pour peut-être finir sur ça, que White ait été tellement adapté et eu tellement de succès en adaptation. C'était aussi peut-être la réécriture la plus prominente de son époque, dont son utilisation par les auteurs successifs de comédies musicales, de films, était assez logique finalement. Mais ça se voit dans le succès de son adaptation, sa pérennité, que ce soit dans le Camelot avec Julie Andrews, et qui a fini par identifier une époque, l'époque Kennedy, et puis plus tard avec le Merlin l'Enchanteur de Disney, qui est aussi lui-même assez reflète son époque. Et, On est en 63, hein, donc... C'est vraiment une influence extrêmement forte, et je pense que de ce point de vue-là, au moins, il a réussi à avoir une postérité. Je ne sais pas s'il aura aussi continué, je ne sais pas s'il est autant évoqué aujourd'hui, où on a plus facilement peut-être tendance à remonter plus loin que lui, même dans le monde anglophone, et même s'il reste encore une source, je pense, importante pour dans l'imaginaire des plus jeunes, peut-être. Oui, mais... Encore aujourd'hui. On y travaille à la réhabilitation de l'œuvre de White. En tout cas en français, de l'œuvre de façon moins connue déjà à la base en français. Tout à fait, oui. Une tâche lourde t'attend. J'ai toute ma carrière pour ça. Justine, je te propose qu'on conclue là-dessus, mais qu'on t'invite pour revenir nous parler de T.H. White à l'occasion. Enfin, quand on en parlera. Grand plaisir. On peut faire un hors-série sur T.H. White, justement, parce que c'est vrai que c'est quand même un jalon, puis que si on doit y arriver chronologiquement, on va quand même... pas y arriver avant 2025. Mais alors, quelques volumes à nous proposer d'ici là. On te propose de revenir. En tout cas, on te remercie de nous avoir accordé cette interview, et on te souhaite tout de bon pour tes prochaines aventures littéraires, ta défense de T.H. White et... et tout le reste. Voilà, bah, merci à vous. En tout cas, j'ai passé un très bon moment, et c'est toujours très intéressant de pouvoir confronter un petit peu des points de vue et avoir des gens intéressants avec qui discuter de Kaamelott et de tous ces beaux sujets arthuriens. Donc merci à vous de cet accueil. Tout le plaisir était pour nous, je crois. Exactement. Donc on arrive gentiment à combien de temps pour l'épisode? à la fin de ce long épisode qu'on a enregistré un peu en plusieurs parties, donc on ne peut pas exactement se dire déjà. Je pense qu'on est largement dans les 3 heures là. C'est notre la Rex Quantum Touch finalement. Bah, pour cet épisode spécial hors série. C'est ça. On a invité d'autres gens. C'est eux qui ont parlé. C'est pas de notre faute. C'est pas notre genre de parler aussi longtemps. Vous nous connaissez effectivement. On est très peu verbeux. Bon, j'espère que c'est assez compartimenté. Donc je pense que les gens arriveront quand même à trouver ce qu'ils veulent écouter dans l'épisode. La prochaine fois, malheureusement, nous serons aussi extrêmement loquaces, parce qu'on commence justement, dont vous a parlé aujourd'hui, cet horizon lointain qui se profilait depuis longtemps dans Rex Quantum, Rex Futurus, la Vulgate, le Lancelot Graal, le grand cycle en prose du Moyen-Âge. On va le commencer le mois prochain, en juillet. Ça va nous entraîner pour je pense, 4 épisodes. Pour... À minima, effectivement. Je pense 4 épisodes, on va essayer de pas... On va pas pouvoir trop s'étendre dessus non plus, mais pour quand même donner à chaque partie sa mesure. On commencera par le Lancelot propre, justement, qui est un peu la pièce centrale de ce cycle. Ce qui devra, j'espère, vous intéresser, mais c'est pas la prochaine fois qu'on fera un épisode court, ça c'est sûr. En attendant, on vous dit à très très vite pour découvrir avec nous donc la Vulgate et le Lancelot propre, le Lancelot Graal, et toutes les merveilles du grand cycle en prose de la littérature française arthurienne du XIIIe siècle. À très bientôt. À la prochaine fois. Alors Franck, on vient de terminer un enregistrement du Bureau des Patrons, qu'est-ce que c'est ? Alors Bureau des Patrons, c'est l'émission mensuelle en récompense Patreon des coulisses de Radio Kawa. Ça veut dire qu'on reçoit des gens, parfois et parfois pas, qu'on discute un peu de comment ça se passe, l'envers du décor de Radio Kawa, les émissions publiques, la rentrée de septembre, ce genre de choses. C'est ça, c'est-à-dire deux canapés, des patrons, un invité de temps en temps, et on discute de la vie de Kawa. Ça dure environ une heure et c'est sur le Patreon de Radio Kawa pour 10$ par mois et plus, c'est la petite récompense mensuelle. Eh oui, et on vous attend pour nous écouter. À très vite. Ciao, ciao. Outcastos ou Puyayos? Ah, salut, c'est Eric. J'étais en train d'enregistrer l'autopromo de Comics Outcast, le podcast français de référence sur les comics et leur multivers. Grâce à notre équipe de super chroniqueurs et chroniqueuses et leurs conseils et leurs critiques, découvrez les nouveaux titres DC, Marvel, Image, Urban, Valiant, Shock, Glénat, Dark Horse et tous les bons éditeurs indés du moment. Toutes les deux semaines, on vous rend fou avec nos débats pleins de mauvaise foi, ou trop pas, et nos anecdotes incroyables inutiles sur cet obscur film de 88, 89 et nos prestigieuses blagues d'intro. Alors, attrapez votre téléphone, abonnez-vous vite à Comics Outcast sur iTunes. Donnez-nous 5 étoiles et votre meilleur super commentaire. C'est déjà fait ? Alors levez-vous, maintenant, où que vous soyez, et proclamez un magnifique Booyah ! Ça sert pas à grand-chose, mais ça fait du bien. Retrouvez Comics Outcast maintenant sur radiokawa.com/comicsoutcast et sur le Booyah Comics Club, le groupe Facebook officiel des Outcastos et des amateurs de comics. L'équipe de Comics Outcast décline toute responsabilité quant à toute situation bancaire délicate. Comics vendus séparément. En cas d'accoutumance, demandez conseil à votre libraire indépendant. Pour votre santé, proclamez au moins 5 Booyahs par jour. Plus d'informations sur booyahbooyah.fr.